Merci beaucoup pour cette soirée. On sera de retour dès demain sur Fun Radio à partir de 20h. Le retour de Karima, bien sûr. Bravo Lilou. Lilou qui a bien assuré sa mérite de plaisir. Oui, bravo. Merci, vous êtes trop mignon. Sans déconner. Lilou, tu passeras dans ma voiture, on va débriefer. Oui, parce que ton striptease a été top. On va, ouais. Ouais, ça c'est dans tes rêves, hein, je t'annonce. Hein. Rendez-vous dès demain à 20h sur Fun Radio. Mickaël, nos limites débarquent tous les soirs après Love in Fun. Bonsoir, Mickaël. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, impeccable. Et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, comme une, comme une semaine qui a démarré hier. Ah mais oui, c'est vrai, vous travaillez le dimanche. Oui, oui, oui. Oh, je sais que c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est le jour du Seigneur, il y a des choses qui se respectent. On avait demandé, hein, ils n'ont pas voulu, dis donc. Non, je te jure. Oh bah oui, évidemment, je comprends. Je comprends. Mais on va réessayer si tu veux. Mais évidemment, mais n'hésite pas surtout. Il y a pas de, problème, hein. Il y a pas de souci. Mais on pourrait travailler aussi le samedi soir, je pense. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Doc? Oui, bien sûr, on peut travailler la nuit. Va être content. Oui, tout le temps, quoi. C'est Quentin Moziman qui va être content. Bah oui, mais on lui fait un gros bisou d'ailleurs. Tout à fait. À Quentin. Bon, bah bonne soirée à vous. Ah, ouais. Ça marche. On se retrouve demain. Exactement. Et à demain à partir de 20h pour le Vinfun. Et puis bah nous, on est parti jusqu'à 2h comme chaque soir. Bonne émission. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre cou, vous avez raté ça. De quoi on va parler avec toi? Tu pensais que t'avais le trou du cul en acier, toi. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live dans toute la France sur Fun Radio. Eh oui, bonsoir tout le monde dans toute la France, dans toute la Belgique. On est là évidemment comme tous les soirs. Hein. N'hésitez pas bien sûr à balancer tous vos messages. Ça y est donc, eh oui, premier jour de régime collectif. Qui a déjà craqué? Ouais, pas moi. Moi j'ai tenu. Non, qui a craqué encore? Pas nous avec Polo, on a tenu. C'est pas mal. Ça va, ça va. C'est pas mal. Alors j'ai juste fait une erreur parce que j'avais oublié le citron, donc je l'ai fait en inverse, mais je l'ai fait quand même. Ah bah très bien. Parfait. Bon, donc, alors, l'effort. Donc, Toff qui boit de l'eau plate. Alors, ça, c'est quand même assez surréaliste. Hein. C'est dégueulasse. Mais c'est super bon. Super bon. J'ai acheté de la Contrex tout à l'heure. C'est infâme. Ah, j'adore. Moi, c'est l'eau. J'arrête que demain. J'arrête la Contrex. J'essaie une autre. Bah, moi, c'est l'eau que je préfère, la Contrex. Bon, Polo qui mange plus trop de pain. Hein, c'est bien aussi. Ouais. Pas de sucre dans le ventre. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a commencé un régime spécial ventre plat. Et puis, on s'y met vraiment hein, pour que, en plus d'avoir enfin quelque chose à écouter le soir à la radio, eh bien, vous pouvez aussi, évidemment, en plus avoir de beaux gosses sur les vidéos. Ouais, c'est ce vrai. Serait pas mal quand même. Hein. Bon, évidemment, on pourra occulter Toff. Ouais, on mettra du flou, On floutera. Mais le principal, c'est qu'on soit là du lundi au jeudi de 23h à 2h et tous les dimanches de 20h à minuit, évidemment. On a Caroline avec nous de Lyon. Salut Caro. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, est-ce que tu as entendu l'émission hier soir là, quand on a parlé du régime spécial ventre plat? Non, je me suis endormie. Ah bah bravo, on était à 20h à minuit et tu t'es endormie avant 20h toi. Bah félicitations Caroline, c'est bien. T'as dû faire des folies de ton corps tout le week-end. Qui sait. Bah nous on le sait, t'inquiète pas. Et donc on était tombé sur un régime ventre plat, donc ça parlait pas de perte de poids ni quoi que ce soit. C'était un régime ventre plat, il fallait boire de l'eau tiède avec du citron, il fallait éviter tous les produits laitiers, le pain, etc. Il fallait éviter toutes les boissons gazeuses, des apéros, boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme truc? Manger de l'asperge. Manger doucement. Voilà, manger doucement, éviter les chewing-gums, grosso modo c'est ça, et manger des ananas, Pour en plus je viens de voir qu'on est en pleine saison de l'asperge, donc on va. Waouh, bah cool, oui, quelle bonne nouvelle. Bon, ça a vraiment l'air dégueulasse. Non, complètement. Et donc on a fait un tour de taille hier. J'étais le plus svelte des trois. Oui, mais c'est normal, Mickaël. Bon, sur le bon gosse. Sandro, évidemment, mais dans les mecs, j'étais le plus svelte des trois. Avec un tour de taille de 94, ouais. Toff est à 100. 100, oui. Ouais. Et Polo à 104. Ouais, comme un pour gros. Une fois, Polo est premier. Bravo, Polo. Soulignons-le. Sandro, elle était à 71. Non. Si, non, non, non, non. Non, 80. Non, 71. Si, parce que j'ai dit 90, 60, 90, c'est la meilleure taille. T'es à combien, Sandro, de tour de taille? 70. Eh, t'emmerdes pas, on a le mettre en ruban, là, dis la vérité. T'étais à combien, on t'entend mal, tu dis? C'était à 70, je crois. Oui, 71, j'ai vérifié dans le bureau, on peut vérifier. Ouais, bah, on va aller vérifier. J'ai noté pour faire un graphique. On va aller vérifier. Plein d'auditeurs se sont joints à nous, à notre cause, afin de faire le régime en même temps que nous. Donc on va voir. Déjà, demain, le régime est foiré, puisqu'on va manger avec Dieu. Non, bah non, on va manger léger avec Dieu. On mange, c'est lui qui paye, t'es sérieux? Bah oui, mais ça n'empêche pas de manger léger. Oh, ouais, alors fais comme tu veux. Toi, je vais prendre une soupe. Ouais, bah si toi t'es un pigeon, bah toi sois pigeon, mais je peux dire que j'ai pas mangé depuis hier, moi, pour manger assez frais. Donc bah, Dieu, c'est le patron de la radio. Bah, je mangerai pas de la journée alors. Ouais, bah voilà, et par exemple. Bon, Caroline. Oui. Est-ce que t'as passé une bonne journée, toi? Oh, ça va tranquillement, ça va tranquillement. Bon, très bien. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de beau? Ça reste assez personnel. Ah, tu t'es fait ramener. Bon, t'as baisé, quoi. Voilà. Ouais, Caroline, voilà, combien mesures-tu? C'est pas personnel, ça. Il faut partager ça avec les gens. Mais oui. Combien pèses-tu? Je ne sais pas exactement. Dans les 60-65. Parfait. Quel est ton tour de poitrine? 95. Et la taille des pantalons que tu as? Ouais, coq. C'est comme c'est pas mal. 38. Ah ouais, ouais, ouais. Effectivement, Caroline, sois donc la bienvenue encore plus que tout à l'heure. Oui, si jamais tu es seule, abandonnée, n'hésite pas. Bah, visiblement pas, puisqu'elle a fait l'amour cet après-midi. C'est vrai, mais elle pourra faire plus l'amour. Bah oui, j'imagine. Bon, Sandro, au coin, apparemment, t'as raté le régime d'aujourd'hui. Quoi? Excuse-moi. T'as raté le régime d'aujourd'hui? Bah, on avait dit demain, le premier de toute façon. Ouais, ouais. Donc, dans 54 minutes. Hein. 54 minutes, on commence, on sera le premier. Il faut mettre la liste sur Facebook. Mais on s'en fout, on va la mettre, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas faire régime. C'est déjà, bouffe pas toutes les merdes que tu bouffes. Rien mais que c'est ça, ça pas marchera. Pour moi, c'est parce qu'on a reçu des mails d'auditrices qui veulent le faire avec mettre, nous. On va la mettre, on va la mettre. Tof qui a mis donc ses amis au régime. Hein. Ta gueule, connard. Voilà. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, tous ces gens très sympathiques, on les appellera tout à l'heure. Régime. Voilà, également Polo qui va mettre l'armée des doux au régime ou pas? Ben non, il faut qu'ils mangent. Hein. Les doux sont au régime, voilà. Non, il faut qu'ils grandissent, tu peux pas les mettre au régime, il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils restent doux. Bah oui, les doux, ce sont les auditeurs qui n'ont pas encore mué, pour c'est ceux ça. Qui viennent de débarquer. Il y a également Émilie avec nous, tiens, on commence qu'avec des filles, c'est bien. Salut Émilie. Salut Mickaël, salut tout le monde. Comment vas-tu ma belle? Bah bien et toi? Bah oui, ça va aussi, très bien. T'appelles de Vitrimont, toi, dans le 54? Oui. Émilie, nous allons peut-être t'offrir un smartphone. Le smartphone Android, c'est l'Arcos 45 Platinum avec double SIM. C'est-à-dire que vous pouvez mettre deux cartes, deux abonnements, deux cartes à l'intérieur. Wow. C'est très pratique si vous avez une double vie. Non, c'est vrai. Je vais peut-être en prendre un. Voilà, alors. C'est le téléphone des mecs ou des meufs qui ont des doubles vies. Hyper pratique, un seul téléphone et deux cartes. Votre copain ou votre copine n'y verra que du feu. Elle ne verra pas qu'il y a deux numéros. En plus, ouais, c'est ça qui est fort. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Bon, alors Émilie, pour le gagner, l'Arcos 45 Platinum, le smartphone avec Android, il faut que tu poses une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perdras et la personne gagnera. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Vas-y, on t'écoute Émilie. Alors, souvent associé au printemps, on peut aussi me plonger dedans. Très utile pour la pâtisserie, il peut servir à se plaindre. Qui suis-je? Souvent associé au printemps, je répète, hein, on peut aussi plonger dedans, très utile pour la pâtisserie, il peut servir à se plaindre. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien c'est pas très compliqué. Il suffit d'envoyer MIKL, les 4 lettres, suivi de la réponse, envoyez ça par SMS au 64 900 ou alors au 6322 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook. Je vous mets la colle dans quelques secondes sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir la lire hein, également. Ça peut servir. Vous allez pouvoir voir le téléphone que je vous offre. Et en plus de ça, vous allez pouvoir y répondre. Et le tout gratos. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc facebook.com/MIKL officiel. Et puis Émilie, on te récupérera plusieurs fois avant la fin de l'émission. Bah, avant même minuit 30, puisqu'on donnera la réponse avant minuit 30. D'accord? D'accord, y'a pas de soucis. Allez, ne bouge pas de là, Émilie. Ah, Émilie, t'as envie d'écouter un son, toi aussi, en particulier, ce soir, ou pas spécialement? Moi, j'aimerais bien Major Lazer et Sean Paul. Ah, oui. Voilà. Bon, il était pas prévu au programme, on va le mettre, hein. Toi va me le rappeler, sinon j'ai oublié. Bah oui. Voilà, Major Lazer avec Sean Paul sera comme Tommy. Ah bah, tu sais quoi, je vais te le mettre dans un petit quart d'heure, d'accord? Ah bah, c'est cool. Avec plaisir. Et toi, Caroline, t'as envie d'écouter un son en particulier? Pas en particulier, non, j'aime bien tout, donc c'est bon. T'aimes bien tout. Bon, eh ben, y a Fallout qui va débarquer avec Changes, hein, en mode chill, pépère. Tranquille. Voilà, je vous calerai aussi un son qu'on avait beaucoup demandé hier, Martin Garrix. À le loup, avec Proxy. Il y aura aussi Pharrell Williams. T'aimes bien ça, Caro, ou pas? Ça va. Et toi, Emily? Ouais, ça bouge pas assez, mais bon, ça va. Ça bouge pas assez, tu préfères ça? Ouais, c'est mieux, ça. Ouais, c'est mieux, hein. J'ai bien compris, très bien. Bon, bah, Emily, bouge pas de là, on va parler avec toi dans quelques minutes. Évidemment, tu restes là. Et puis, bah, si vous avez envie d'écouter un son particulier, n'hésitez pas, hein, hashtag Mickaël sur le Twitter. On fera le top tweetos, d'ailleurs, tout à l'heure, pour vous offrir vos cadeaux. Il faut être numéro 1 dans le top tweetos, c'est-à-dire qu'il faut être l'auditeur qui balance le plus de messages avec le hashtag Mickaël pendant toute l'émission. et il est récompensé. C'est pas plus ça. Compliqué que ça. Ness qui dit hello la team, salut Ness. Il y a Bastien également, je suis maudit le jour où je commence le régime. À la cantine, il nous sort une paella et de la glace. Ah, pas de bol, Bastien. La petite fée qui dit votre régime me donne faim, je commande une pizza savoyarde en pensant à vous, l'équipe. Burk. Bah, bon courage, la petite fée. Bon, moi, j'aime pas le fromage. Yo, l'équipe, ça fait longtemps, content de vous réentendre. Bah, content que tu sois de retour, Gaylord. Et dédié à vous et à tous les auditeurs. Et Megumi également, Mickaël, tu n'as pas à perdre de poids, tu es déjà parfait. Oh, mais je te remercie. Mais attention, le but n'est pas forcément de perdre du poids, le but est de perdre du ventre. Ce qui n'est, c'est un régime ventre plat. Ventre plat. Et Mickey qui dit j'aimerais bien redevenir hindou pour écouter Mickaël en cachette. Bah, tu peux parler comme ça si tu veux, ça fera une voix. De doux. Une voix de doux qui n'a pas encore mué, par exemple. Ça peut être un bon plan, ça. Bon, tiens, est-ce que tu crois au fantôme, toi, Caro? Je crois au vampire, mais pas au fantôme. Tu crois au vampire. Ouais, toi, c'est bizarre, tiens. Attends, comment, aussi, hein. Ouais. Comment tu peux justifier l'un sans l'autre? Je ne sais pas. D'accord. Alors, non, mais écoute, je pense que ça doit être à cause des séries que je regarde. Ah, et tu regardes quoi? De Vampire de la Huile, ah bah oui. Et de Original. Oui, bah alors forcément, oui, c'est normal. Et toi, Emily, tu crois au fantôme ou pas? Oui. D'accord, très bien. T'en as déjà vu? Non. Ah, je sais pas. Bon, parce que je vais vous mettre une vidéo d'un magasin aux États-Unis. Je vais vous la mettre sur le Facebook dans quelques minutes là. Où la caméra de surveillance a filmé des trucs complètement chelous. Faut quand même le savoir. Donc venez nous raconter si vous avez déjà vécu des trucs bizarres avec des esprits ou des fantômes. Et puis si vous pensez que ça n'existe pas, bah venez nous dire pourquoi aussi, tout simplement. Appelez-nous donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et on va en parler dans quelques minutes. D'ailleurs, on va parler de quoi aussi avec toi, Caroline? Du cheerleading, ma passion. Du quoi? Du cheerleading. Ah, mais c'est pour ça que t'es bonne. Du cheerleading, c'est quoi du cheerleading? Bah, c'est les pom-pom girls. Non, cheerleader. Non, c'est cheerleader avec pom-pom girls. Mais c'est pareil, t'as dit. Non, c'est... T'as deux flashs, tu fais donne-moi. Non, alors pour moi, pom-pom girls, c'est en français, entre guillemets, et cheerleader, c'est aux États-Unis. C'est la seule différence que je vois. Non, parce que les pom-pom girls, elles dansent au bord du terrain avec des pompons, et les cheerleaders, c'est vraiment un sport. Les filles, on les fait sauter en l'air. J'adore, c'est le moment que je préfère. Ah ouais, et donc toi, tu sautes en l'air? Non. Ah. Il y a des filles beaucoup plus mecs que moi que. Ah, donc, et toi, tu fais quoi alors? Tu fais des pompons? Non. Ah, je sais pas, lance les filles en l'air. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je lance les filles en l'air. Ah, je suis leur base, entre guillemets. Ah, t'es leur base? Ah, d'accord, oui. Ok. Ah, c'est bon, ça? Ah, bah, très bien. Écoute, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu veux venir danser dans le studio? Avec plaisir, Caroline. C'est une base. Non, ça va aller. Ah, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, du coup, alors? Bah, j'aimerais bien faire découvrir mon sport un peu à toute la France. Quoi, ah, c'est ta passion. C'est pas vraiment très, très connu. C'est ta passion, tu veux le faire découvrir. Oui. D'accord, ok. Et tiens, qu'est-ce que t'as comme passion, toi, Polo? Comme passion? J'ai pas grand-chose. Des passions. Si, j'aime bien lire des livres, mais c'est tout. Quoi. Lire des livres, d'accord. C'est tout, j'ai pas de vraie passion. Toi, comme le doc et Toff? Me branler. Ouais, oh super. Si, bah, super. Mais attends, c'est une super passion, j'arrive à faire ça n'importe où. Collectionne les crottes de nez aussi. Ouais, un collectionneur de crottes de nez. Non, mais ça, par contre, c'est pas vrai parce que je les garde pas. Ah, mais j'aime super. Bien juste, tu vois, je les regarde et puis je les jette. Ouais, bah moi, j'arrive à combiner les passions, tu vois, c'est-à-dire que avion et voyage. Ça me fait une pierre deux coups. Parce que là, on va partir en vacances, là, mais je suis impatient de prendre l'avion. Ah. Bon, je serais content d'être en vacances, mais surtout pour prendre l'avion, ce qui est assez particulier. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure que j'étais peut-être pas normal. Bon, reste avec nous, Caroline. On va parler régime avec Nicolas, on va parler fantôme avec Nicolai. Et puis, on va parler également de vos passions, là. C'est quoi vos passions? On en parle maintenant. Il est 23h13 sur Fun Radio. Je vous l'avais promis, là, Fallwell avec Changes. Et je vous ai mis la colle sur le Facebook de l'émission. Allez voir, facebook.com/MIKLAI officiel pour gagner votre smartphone, le smartphone avec Android, double SIM. Vous allez pouvoir avoir deux lignes dans votre téléphone unique, ce qui est quand même vachement pratique si vous avez une double vie. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun avec Laura qui a envoyé un petit tweet là. Toff peut faire un régime à cause de son ventre car il est bon. Mickaël, toi, pas besoin de faire régime pour voir ton ventre plat. Oh, c'est gentil, Laura, je te remercie, je te fais des bisous. Mathieu qui dit salut, vous êtes les meilleurs. Bah, c'est gentil, Matt. Fredes34 qui dit perso, je ne crois pas aux fantômes. Tout ce qui est esprit, je n'y crois pas. Et Marianne Olimite qui dit moi aussi, je me cache sous ma couette pour écouter Mickaël. Bah, c'est très bien, Marianne Olimite. Et JB Del Franco aussi, bonsoir toute l'équipe. Je crois pas aux fantômes. boum, pour moi, tout a une explication scientifique. Bah, je crois que je suis plutôt comme ça aussi, on va dire terre à terre, mais après, je suis pas fermé à l'imagination non plus. Bon, en tout cas, balancez vos messages, est-ce que vous y croyez aux fantômes? Je vous mets une vidéo spéciale d'une caméra aux États-Unis, une caméra de surveillance dans une boutique qui filme vraiment des trucs chelous. Je vous la mets sur le Facebook dans 10 secondes, promis. Allez la voir, on en parle, et puis appelez-nous si vous voulez réagir. Est-ce que vous croyez ou pas aux fantômes? Est-ce que vous avez déjà vu peut-être des fantômes? 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, il y a Folwad maintenant. Comme promis, c'est Changes. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bah, évidemment qu'on est là sur Fun, il y a Ballon BG aussi qui dit bah, ma passion c'est d'écouter Mickaël. Bah, c'est une bonne idée, tiens, Ballon. Mickaël Cool qui dit aussi pas besoin de faire un régime, ventre plein, une séance d'abdos par jour ça suffit. Ouais, alors moi je dois mal les faire hein, parce que chaque fois que j'en fais j'ai plus mal au dos qu'aux abdos. Hein. Oh, les abdos en fait il se passe rien. Mais ouais. J'ai absolument pas mal. Bah, en revanche j'ai mal au dos donc je pense que je dois être une merde, hein, je dois pas savoir les faire. Non, ouais. Peut-être que tu les fais mal, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, il doit pas savoir les faire. Ouais, non, il doit... ouais, bien sûr qu'il y a une technique, mais. Polo va nous montrer. Ah bah, ouais. bien sûr. Grand sportif dans l'âme, comme une équipe grande, totalement sportive. Demain, nous ferons une séance d'abdos. Ah oui. Il y a Megumi qui dit au fait, pour les vidéos, ces filles ne savent pas la chance qu'elles ratent. Quant à Tov, je savais que c'était une petite salope. Ah oui, c'est la vidéo qu'on a mise hier soir sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Mickaël Officiel sur YouTube, bah, n'hésitez pas à le faire. Et puis sinon, vous pouvez aller la voir aussi sur le Facebook de l'émission. Je vous l'ai mise, tiens, ce soir via Twitter à peu près, sur facebook.com/mickaël officiel. On vous prouve que quand on ne paye pas des acteurs ou actrices en l'occurrence, il est beaucoup plus difficile d'arriver à draguer. Soi-disant, ça marche super, c'est facilement vrai. Et on se rend compte en fait que ce n'est pas vraiment vrai. Et c'était un auditeur, Adèle, qui nous avait mis au défi. On l'avait eu au téléphone et nous avait dit ouais, moi j'ai une solution, en trois questions j'arrive à mettre une fille, j'arrive à emballer une fille. On a dit ok, d'accord, donc on va essayer. On avait essayé et on a mis la vidéo du résultat. Voilà, vous pouvez aller voir hein. Donc effectivement, quand on n'achète pas les acteurs ou actrices, eh ben c'est plus compliqué d'arriver à emballer, même si, comme je le dis depuis hier soir, si j'avais mieux géré peut-être que la meuf de l'aubette de bus, ouais. J'aurais peut-être pu y arriver. Alors j'ai quand même essayé 5 meufs, 5 échecs, alors que Toff a essayé une fois une réussite. Hein. Ouais. Ah oui, il était bon. Ah ouais, ma mère était fière de moi, elle m'a appelé pour me le dire. Non, c'est si elle m'a appelé. Ah, elle a vu la vidéo. Ouais, elle a vu la vidéo, elle était super fière. Ah d'accord. Tout. Et toi, t'as vu la vidéo, Caroline, ou pas? Oui, je l'ai vu. Ah, et alors, qu'est-ce que tu penses de la réussite de Toff? Bon, moi j'ai perdu exprès parce que voilà, je voulais le mettre en valeur, quoi. Ouais. J'y crois pas trop à sa réussite. De quoi? Que j'ai perdu exprès? Non, que Toff ait réussi. Ah bah si, attends, mais ce que vous voyez dans la vidéo est véridique hein. On n'a pas inventé quoi que ce soit, on n'a pas fait appel à des acteurs comme chez certains. Donc il y a vraiment nos malaises. Bon, ouais, c'est vrai qu'on l'avait grillé, on avait vu que le gars avait des manières un peu gays. On s'est dit bon, on va essayer, on sait jamais. Ouais, parce qu'on m'a dit ouais, mais tu le connaissais. Non, c'est la première fois que je voyais ce mec, c'est quand on a tourné la vidéo. Et bah, pour le coup, c'est vrai qu'on a été volontairement chez lui parce qu'on avait vu qu'il avait des manières un peu gays, qu'on s'est dit bon, on va essayer. Ça a bien marché hein, pour le coup. Donc allez voir, pour ceux qui l'ont pas encore vu, facebook.com/mickaël. Quel officiel. Damien qui dit tu veux que je t'apprenne à faire des abdos, invite-moi au studio. Bah viens Damien, viens, bah, sans problème. Benjamin qui dit salut l'équipe, je vous écoute tous les soirs et pour les histoires de fantômes et d'esprits, je peux vous dire, j'y crois. Grosse dédicace à Petit Joe et à ma chérie, gros bisous à vous. Bah merci à toi Benjamin. Alors on va parler dans quelques minutes aussi avec Toff des appels de ce soir. Et donc Caroline, toi, alors raconte-nous ta passion hein, puisque t'en as une. Cheerleaders. Ah non, non, alors je sais plus maintenant. Cheerleaders. Les pom-pom girls, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est sur le côté des terrains et elles sont sur le terrain. Exactement, et toi t'es la base des cheerleaders. Voilà. D'accord. Les fly. D'accord, c'est qu'on ok. En l'air. Ok. Alors, et donc du coup, tu veux faire partager cette passion là. Et quoi, il y a pas beaucoup de gens qui font ça, j'imagine. Bah non, justement. Écoute, c'est vu. C'est nouveau en France, entre guillemets. Bah, vu tes mensurations et vu l'esprit, si tu veux. Parce que nous sommes quand même un média national, même international, parce qu'on est quand même diffusé dans plusieurs pays, voire même mondial si on compte le internet. Je propose que nous fassions directement une sorte d'émission dans les vestiaires. Mais moi, ouais. Je suis Totalement d'accord. Afin de vraiment faire découvrir cette passion, ce sport magnifique à tout le monde. Et puis si elle peut me faire flyer, moi je suis d'accord. Ah bah non, te faire taper. C'est un peu plus dur. Ah tu vois, on te propose un truc de ouf là, faire l'émission en direct des vestiaires, tu refuses. Alors que c'était super bon pour faire connaître le sport. Hein. Mais déjà, vous êtes à Paris, moi je suis à Lyon. Mais ça, c'est un détail. Alors là, on est passé à Lyon il n'y a pas deux semaines encore. Ouais. Bah oui. Tu vois, c'est des fausses excuses, ça. Ouais, mais vous êtes loin. Bah non. Alors là, je peux te dire que je te rappelle qu'on est parti il y a deux semaines. On est parti un week-end faire du ski. On a profité pour faire l'émission en direct de Grenoble. On est revenu, on est passé à Lyon. On s'est arrêté, on a continué. Donc le coup du vous êtes trop loin, ça ne marche pas, mademoiselle. Mais sinon, vous pouvez aussi venir me voir au championnat de France à Paris le 17 avril. Pourquoi tu commences pas par là? Bah voilà, ah, oui. Commencer. mais non, mais tu sais ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer faire la promo du bordel. Mais je peux pas. Bah, je avant le 17 avril. Mais je bosse. Non, mais tu viens à Paris le 17 avril. Oui. Bah donc tu peux passer dans l'émission. Tu peux pas me dire que tu travailles de 23h à 2h du mat. Non. Ah, et ben voilà. Tu fais pas l'aller-retour, tu restes qu'à minuit ou pas? Bah on arrive vendredi soir, on dort et après on se prépare pour la merde, soupette, putain. Mais non, mais le 17 c'est un jeudi. Non. Ah si. Ah si, le 17 c'est un jeudi. Ah, bah, si, il a raison. Si, si, le 17 c'est un jeudi. Le mois de mai. Désolé, elle se souvient plus là, Caroline. Mais comment tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi là? Bon, bah écoute, alors on essaiera de passer, alors pourquoi pas, hein. Mais par contre, je veux que tu me promettes un truc. Tu mets une patate sur la tête de Toff. tu lui pètes les dents. Je compte sur non, toi. Non, la mâchoire, pas les dents, la mâchoire. Non, allez, la mâchoire. Pourquoi pas? Bon, alors d'accord. Bon, dites-nous les autres, hein, pour vos passions, là. Reste avec nous, Caroline. Il y a Nicolas également avec nous, là, qui appelle dans le Cher de Desjointes, c'est ça? Non, c'est Dejointes. Dejointes, ah, bah, j'avais une chance sur deux. Eh, hey, Dejointes, bon. t'es un peu foncedé, ouais, là. Ouais, ouais, toi, tu y vas bien, toi, hein, pour un doux. Oui. Ah ouais, tu y vas pas mal. Bon, alors, comment ça se passe, toi, le régime, Nico, là? Tu nous appelais pour ça? En fait, je me suis planté ce midi, j'ai pris un produit laitier. Bravo! Ah bah, oui. Ah bah tends la joue, Nico! Voilà. Qu'est-ce que t'as pris comme produit laitier? Du fromage. Oh là là! Oh. Oh, moi, j'étais dégoûté, hein. Plus fromage pendant 15 jours, là. Oh bah alors ça sauve la vie de tout le monde, hein. Je déteste ça, ouais. C'est quand même la bonne affaire. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, alors, bah c'est pas très grave en même temps. Mais pourquoi tu veux faire un régime? T'as 13 balais, toi, ça va, toi? Bah non, c'est qu'en fait, j'ai un petit peu des problèmes. T'as quoi? T'as un petit peu de bide? Ouais. Oh d'accord, mais genre beaucoup ou un petit peu? Bah assez quand même. Parce que tu sais que moi quand j'étais petit, c'était pas si longtemps que ça. Quand j'étais petit, j'avais eu des tendances à être gros, très très maigre, au point que ma grand-mère disait à ma mère, mais tu lui donnes pas à manger, machin. Bah si, il n'y a pas de bouffer. J'étais super maigre, puis je suis devenu de nouveau gros. Enfin gros, j'étais bien rond quoi. Et puis tout d'un coup, j'ai fondu. Tout seul, hein, sans rien faire, j'avais ton âge, j'avais 13 balais. Donc mais ouais, en grandissant, tu perds. Ouais, en grandissant, tu perds beaucoup d'un coup. Hein. Donc faut pas forcément faire des régimes, parce que c'est mauvais quand on est gamin. Regarde Toff, il a fait un régime quand il était petit, regarde le résultat. Regarde ça, il est complètement raté. Il est resté maigre du haut de la tête. Ouais. il a été raté. Non mais pour le petit, tu devrais faire du sport. Oui, fais un peu de sport. Tu fais quoi comme sport? Du judo, de la boxe. Hein, la boxe thaï, tu vois, un truc sympa. Ouais, ouais, tu fais quoi comme sport? Du judo. Ou du MMA. Bah voilà, très bien, tu fais du judo, bah parfait, continue, c'est bien. Ouais. Tu voudrais faire du free fight. Mais après, ouais, après, ce que tu peux éviter de faire, c'est bouffer tous les trucs dégueulasses, tu vois, les bonbons, les chips et tout ça, ça ouais, évite, ouais. Tant qu'à faire. Ok. T'as l'air en forme, hein. Ouais, mais il est tard. Ouais, c'est garde vrai, à vous, il est tard. C'est journée de doux, hein. C'est vrai. Allez, garde à vous, Nicolas. Oh putain, Nicolas, et mec, t'es endormi ou quoi? Ah non, il le garde. Je te mets un lance-flamme. Hop là. Bon, ça t'a réveillé ou pas? Ouais. Bon, à la bonne heure. Bon, allez, salut le doux. Salut. Salut Nico, à bientôt, ciao à toi. Il y a Mathieu qui est là également pour parler des fantômes. Là, on va parler dans quelques minutes. Ça va Mathieu? Salut Mickaël, salut la famille. Ah, Mathieu, tu as quel âge? J'ai 25 ans. On dirait un pivert. Bonsoir. C'est un truc de dingue. Hey. Tu sais que j'ai cru. Hey. J'ai cru que t'étais une fille, et puis je me dis, mais Mathieu, ça peut pas, tu sais, parce que parfois t'as des gens qui s'appellent Claude, tu sais pas très bien si c'est un garçon ou une fille. Non mais Mickaël, juste pour petite anecdote, Karel qui est piégé aussi. D'accord, mais en même temps je pense que tout le monde, hein, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave, sois le bienvenu Mathieu, on parle en fait, fantôme. C'est ça, il est possédé par une femme qui, ouais. Qui est dans son corps. Peut-être, Mathieu, reste avec nous. On va parler fantôme avec Nicolas également, il y aura Célia, et t'es là Célia? Ça va, salut Mickaël. Salut Célia, on va parler fantôme avec toi dans quelques minutes. Bon, ah ben, reste là, ne bouge pas de là, on a toujours la colle évidemment. Et puis il faut que je vous parle également d'un Anglais. Ça fait 12 ans qu'il est marié, ça fait 9 ans qu'il va aux putes. Ah, c'est pas mal. Non mais c'est bien hein. Le mec raconte quand même dans un journal anglais. Il est très heureux avec sa femme, etc. Ah bah, etc. Et il est avec lui d'ailleurs hein, mais il préfère baiser avec des putes. Voilà. Il en voit 3 régulièrement et puis de temps en temps il essaye une petite nouvelle. Donc est-ce que vous accepteriez ça les filles? C'est la question que je vous pose. Que votre mec aille voir les putes, mais voilà, il vous prévient, il sort couvert, c'est juste sexuel quoi. Bon, c'est des cadeaux en moins parce que forcément il faut payer les putes. Oui bah évidemment, sauf si le mec est ultra blindé, mais ouais. Voilà, donc c'est. Est-ce que vous accepteriez? T'accepterais toi ou pas Caroline? Bah ça dépend encore sur sa femme. Donc après je veux bien comprendre qu'il aille voir une pute si c'est une grosse et petite quoi, mais ouais bon d'accord. Donc toi t'accepterais? Non. Bah si, tu viens de dire ça dépend si. Bah oui, bah ça dépend, mais moi je n'accepterais pas. Bon d'accord, ok. Et toi Émilie, t'accepterais ou pas? Du tout. Bon d'accord, ok. Bon alors les autres, allez-y hein, les filles, appelez-nous. Les mecs aussi d'ailleurs, on sait jamais hein, si votre copine aille voir un gogo par exemple hein, enfin un gigolo, voilà, c'est ça. 01 42 48 5000, appelez-nous. Pour la France, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tiens, qui c'est qui m'avait demandé le son de Major Lazer? C'est toi, Émilie? Oui. Ah bah voilà, tiens, je te le mets maintenant là. Major Lazer avec Shana Paul. Voilà, comme Tommy. C'est bon celui que tu voulais? Oui. Eh ben très bien, bah, profites-en bien, on revient juste après avec toi, avec les appels de Toff, avec vous toutes et vous tous en direct. On est là sur Fun Radio, 23h, 2h. Passez le message autour de vous, il y a enfin un truc à écouter le soir et c'est sur Fun Radio que ça se passe, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Le son de Major Lazer sur Fun Radio, c'était Come To Me. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le Twitter si vous voulez discuter avec nous. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, suffit de nous rejoindre, tapez MIKL _ officiel pour m'ajouter. Je vous ajouterai également sur le Twitter de l'émission. Pareil sur Facebook, sur Instagram et puis tapez MIKL officiel. Et même sur YouTube, hein, sur la chaîne. Vous pouvez aussi d'ailleurs liker la chaîne et suivre la chaîne. Voilà, il y a Friterie Alba aussi sur le Facebook. Mickaël, moi j'ai assez difficile de faire régime. Tu sais dans quoi je travaille? Bah dans une friterie, oui, c'est sûr que c'est pas le meilleur endroit pour faire régime. Alison également, salut l'équipe, vous êtes les meilleurs, je vous écoute tous les soirs. Les fantômes et esprits, j'ai vécu ça. Ce genre d'expérience, pardon, grosse dédicace à Gigi, mon homme que j'aime fort, et mon cousin Jonathan. Bah explique-nous, appelle-nous pour nous raconter un peu ton histoire là, ce serait bien là. Léna qui dit sinon, bonsoir toute l'équipe, encore une superbe émission ce soir. Est-ce que vous pourriez passer Black Pearl? Ce serait top. Promis, je te le passe avant la fin de l'émission, reste à l'écoute Léna. Et Warren également qui dit en plus, il y a une histoire au Portugal de la Dame Blanche, je dis ça pour Mickaël. Ouais, mais la Dame Blanche, on en entend parler souvent. Hein. Ouais, mais il y avait une vidéo qui tournait. En fait, c'est des mecs qui sont dans leur voiture au Portugal et genre soi-disant, ils se sont filmés. Ouais. Et mais enfin, bon, je mets beaucoup de doutes sur cette vidéo. Et la Dame Blanche, elle apparaît dans la voiture et genre ça dure 15 secondes après la voiture, elle a un accident. C'est bizarre. Mais bon, on va en parler des fantômes dans quelques minutes puisque je vous ai mis une vidéo sur le Facebook de l'émission. Donc allez la voir, facebook.com/MIKL officiel. Vidéo donc qui montre une caméra de surveillance. Enfin, elle montre pas la caméra. C'est la caméra qui nous montre les images qu'elle filme dans une boutique aux États-Unis. Et ben, il y a des trucs chelous qui se passent. Depuis, on se demandait si vous aviez déjà vu des fantômes. Est-ce que vous y croyez? Et venez nous en parler. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, alors on va appeler maintenant des gens. Dans les appels de Toff, hein, comme on fait tous les soirs, puisque là on se demandait si vous aviez déjà été voir des putes, en gros, puisque cet Anglais est marié depuis 12 ans, ça fait 9 ans qu'il va voir les putes, sa femme est au courant, tout va bien, il a 3 putes régulières et parfois il en prend une nouvelle, histoire de voir un peu comment ça se passe ailleurs, quoi. Hein, pour voir s'il faut pas changer, les 3 au bout d'un moment elles doivent devenir vieilles, quoi. Peut-être, et donc je vous demandais les filles, est-ce que vous accepteriez ça que votre mec aille voir les putes? Est-ce que vous valideriez le fait d'être au courant et que oui, voilà, il va faire avoir les putes de temps en temps, il sort couvert et tout va bien? Voilà. Ouais. Bon, on va appeler tes amis, Toff. Allons-y. Allez, c'est parti. Ton cul, non. Toi, ta mère, ta grand-mère. Oui, bah peut-être qu'on va le rappeler lui, je sais pas, à l'occasion, hein, peut-être. Je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que celui-là, n'hésitez pas, bien entendu, à envoyer ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, premier appel. On y va, 23h35, c'est parti. Et on récupérera Mathieu, Nicolas, Angel également, juste après. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé d'aller aux putes, monsieur. Ouais, pour aller niquer ta mère. Je vois pourquoi vous dites ça, monsieur. Je savais pas que ta mère... Moi non plus. Ah bon, bah écoute. Bon, on rappelle, hein. Son âge... Bah oui, à mon avis, il a dû avoir une erreur. Il y a une erreur. Je pense, ouais. Bon, on rappelle. Allez. Hmm. Qu'est-ce que tu veux, enfant de pute? Bah non, je voulais savoir si vous étiez déjà allé aux putes, monsieur, c'est tout. Ouais, bah pour aller niquer ta mère, tu m'appelles pas pour me parler de ça, espèce de bâtard, j'ai des tuyaux à la maison, tu viens, tu m'appelles pour ça. Va rentrer enculé, tu m'appelles encore une fois, tu verras. Bah me dites pas ça, monsieur. Ah oui, parce qu'on va rappeler, évidemment. Je suis obligé, je peux pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux, enfant de pute? Oui. C'est sympathique, ça, comme monsieur. J'ai adoré. Ah oui, bah j'imagine, on rappelle. Allez. Allez. Oui, monsieur, non, parce que vous m'avez dit de vous rappeler pour voir, alors je vous rappelle pour voir. Écoute, fils de pute, viens jusque chez moi, et je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Viens jusque chez moi, vu que t'as mon numéro, tout que tu as mon adresse, viens jusque chez moi et on verra. Quand je vais te déboîter ta tête, tu vas comprendre. Ah oui, mais pourquoi vous voulez faire tout ça, monsieur? Ça se fait pas, c'est pas très gentil. Allez, va te faire enculer maintenant, et appelle plus, c'est ce que j'ai à te dire. Ouais, bon bah on va plus appeler hein, parce qu'il va finir par faire se faire déboîter la tête cet enfant de puce, c'est celui qui l'a dit hein. Bon, si vous avez d'autres numéros hein, n'hésitez pas, aussi sympathique que celui-là, c'est exactement le genre de personne qu'on aime bien. Je l'adorais celui-là. Bah j'imagine. Il était sympa, gentil, aimable. Enfin... Sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Il y a le chéri je peux te faire cocu qui va arriver dans quelques minutes. Et puis nous allons enfin récupérer eh bien Mathieu là de Vichy hein, dans l'Allier pour nous parler de fantômes. Est-ce que t'as vu la vidéo que j'ai postée sur le Facebook, Mathieu? Alors non, j'ai pas pu la voir, ta vidéo, pour la simple et bonne raison que je suis au volant. D'accord. Donc, voir une vidéo et conduire, c'est on comme a voir, bien compris. Oui, on a bien compris, bison futé. Bon, alors, du coup, tu veux nous parler des fantômes, toi? T'as déjà vu, qu'est-ce que t'as fait avec les fantômes? Alors moi, j'ai déjà été témoin de certaines choses par rapport au monde ésotérique, puisque ça appartient à un monde bien précis. Ouais. À savoir que dans notre région, nous avons un château qui s'appelle le château de Vos, qui est réputé pour ça d'ailleurs, pour ces phénomènes paranormaux. D'accord. Qui se situe entre Ghana et Clermont-Ferrand. D'accord. Le Ghana en Afrique? Non, Ghana en France. Ghana en France. D'accord, ok. Et alors que se passe-t-il? Ah, c'est mignon. Eh ben, oui. Si vous voulez, en fait, ce château donc est bourré d'histoire. Ce château, en fait, il a été habité par un baron et une baronne. Oui. Et si vous voulez, le baron a été est tombé amoureux d'une de ses servantes. Mm-hmm. Et la baronne, tellement jalouse, a enfermé vivante la petite servante dans le donjon. Et cette jeune fille est morte de soif et de faim. Mmh. Et du coup, il y a l'esprit de cette petite qui hante ce château. Mais il y a tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas, en fait. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Attends, est-ce que je peux vous couper deux secondes? Est-ce que c'est la musique derrière de « Tu ne verras plus les poils de mon cul, j'en ai fait des brosses » Aucune idée. Il y a marqué « Boîte à musique, peur, horreur ». Ok, d'accord. Moi, je vais pas chercher dans le détail. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il y a une sorcière, une jeune femme qui a été aussi accusée de sorcellerie et brûlée sur le bûcher. Ah ouais, c'est sympa ton endroit, dis donc. Hein. Il est sympa le quartier. Ah mais si vous avez l'occasion d'aller... Ou pas, d'aller non, mais écoute, non, parce que justement, alors Clermont-Ferrand, on m'a dit que c'était pas bien. Hein. C'est... Oh là là. Non, mais écoute, moi c'est Michael, ce qu'on m'a dit, Michael. Jamais été. Non, Michael, attends, t'es un bonhomme. On va faire une émission dans un château? On pourrait, ouais. Ça répond pas à ma question. De quoi? Si, un peu quand même. Michael, t'es un bonhomme? Oui, je suis un mec, ouais. Voilà, et eh ben moi je suis une pédale, d'accord? Si une pédale arrive à je vois pas le rapport. Ah ben si, attends, c'est mondialement connu, les pédales on est froussardes. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? N'importe quoi. N'importe quoi. Non, je te charrie. Bon, et donc du coup, bah... Très bien, il s'est passé d'autres trucs. Si vous avez comme ça des petites histoires qui font peur, n'hésitez pas. Hein. Vous nous appelez. Il m'est arrivé un truc dans le bureau il y a deux jours. Ouais, t'as vu Tof? Exactement. Ouais. Je suis ouvert le bureau, j'ai vu la gueule à Tof, j'ai vomi deux fois, je me suis senti pas bien. Et tu t'es vidé de ton sang. Ah bah oui, maintenant Polo n'a plus de sang d'ailleurs. J'ai plus de sang. C'est bizarre. D'ailleurs maintenant Polo est un vampire. Exactement, oui, complètement, tout à fait. Ouais. Très bien. C'est un signe. Eh bien écoute, peut-être qu'on passera à Clermont-Ferrand faire l'émission depuis un château, Mathieu. Bah y'a pas de soucis. On te préviendra. Y'a moyen de faire une petite dédicace? Oui, bien sûr, vas-y. À une seule personne, choisis la bonne. Hein. Ouais, y'a pas de souci. Je fais une grosse dédicace à mon ami d'enfance, Anthony de Ghana. Très bien. Ainsi qu'à son conjoint. Je peux gratter un petit pack fun ou pas? Oui, pas de problème. Je vais te renvoyer chez Sandro, y'a pas de souci, Mathieu. Salut. Nickel, bisous, ciao. Ciao, à bientôt. On va continuer à parler fantômes dans quelques minutes. Avant ça, on accueille Léna qui est avec nous de Reims. Salut Léna. Salut. Comment ça va, Léna de Reims? Ah ben bien. Bon, tant mieux alors. Bon, alors Léna, tu nous appelles pourquoi, toi? Ben moi, je crois aux sirènes. Tu crois aux sirènes? Ouais. Oui. Ah, aussi, donc les sirènes, c'est les femmes avec une queue de poisson, hein? Ouais. Et je peux juste dire un truc par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure? Ça dépend, j'ai dit tellement de trucs. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que t'as dit que plus on grandit, plus on maigrit, enfin, plus on perd du poids, on va dire. Mais soit ça marche que chez les mecs, soit je suis la seule à avoir. Attends, j'entends rien parce que t'as le téléphone dans la bouche, Léna. Ou alors t'es en dessous de ta couette, je sais pas, mais. Donc oui, donc j'ai dit que. Non, j'ai pas dit que plus on grandissait, plus on perdait du poids. J'ai dit qu'en règle générale, quand on est petit et qu'on grandit, quand on a, je sais pas moi, 10, 11, 12, 13 ans et qu'on grandit. Là, en général, on grandit d'un coup et on perd du poids. Ouais, parce que moi, ça m'est arrivé. Quoi. Ouais, moi, ça m'est arrivé. Après, voilà. Et donc, tu disais quoi? Ouais, ben, soit ça arrive que chez les mecs, soit je suis la seule à avoir pris 4 kilos. Non, mais après, voilà, il n'y a pas de règle. Hein, tu sais, ça reste la nature. Hein. On ne peut pas savoir. Mais quoi, tu veux faire régime aussi, toi? J'ai essayé, j'ai tenu 2 jours. Ah oui, ça me rappelle quelqu'un dans l'équipe, ça. Ouais, bah Sandro peut-être. Ah oui, voilà. Et Sandro, il lui reste d'ailleurs 17 minutes pour bouffer comme une vache. Hein. Après, c'est fini, over, terminé. Hein. Aïe, aïe. Ah oui, après c'est régime à partir du 1er ouais, avril. Mais oui. Pas régime strict. C'était le deal. Ah, régime si. Ah, si. À la cool. Non, c'était à la cool de rien du tout. Ouais. Bah si. Non. Non. D'ailleurs, appelez Sandro maintenant, tiens, pour la saluer au standard. Dis-lui qu'elle doit faire régime. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous appelez, vous lui dites fais régime ma grosse, tu et vous raccrochez. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, moi j'aime bien. Voilà, ça paraît vachement bien. Fais régime grosse vache et ouais. Puis vous raccrochez. Voilà, c'est ça. Alors attends, je vais directement essayer là. Attends. Moi j'ai fait de la merde. Fun Radio, bonjour et salut. Bienvenue au standard de Fun Radio. Ne quittez pas, nous allons répondre à votre appel. Bon, alors on attend là. Bon, il faut décrocher là. Que je fais? Bah décroche plus vite là, ça mais sonne. Mais j'étais au téléphone. Oui. Bah non, ça sonne encore. C'est toi, là. Non. T'es en train de m'appeler. Bah oui. Fun Radio, bonsoir, quitte pas. Ah non, pas là, non. Putain, bah maintenant je suis harcelée. Fun Radio, bonsoir, quitte pas, je te mets en attente. Fun Radio, bonsoir, quitte pas, je te mets en attente. Non. Fun Radio, bonsoir, quitte pas, je te mets en attente. Ouais, fais régime, la grosse. Ouais. Voilà, ça y est, ouais, vous faites comme ça, quoi. Hein, grosso modo, vous faites comme ça. Voilà, allez, bon, ben gros bisous, Léna, merci d'avoir appelé. Hein. Léna? Ah bah elle est pas. Léna, bon, plus là. C'est pas grave, elle est plus là. On va revenir dans quelques minutes sur Fun avec Nicolas, ce sera Riot. Et puis avec vous toutes et vous tous en direct, hein, n'hésitez pas à appeler Sandro. Hein, vous lui dites de faire régime parce que je sens qu'elle va nous l'enfumer son régime. Là. Elle doit commencer dans 17 minutes, ce sera le 1er avril, début du mois, je compte sur vous. Appelez Fun Radio sur ce numéro. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec un message de Jean-Pascal. Salut Mickaël, ici La Réunion. Allez, viens chez nous, tu les verras les esprits si tu y crois pas. Bon, allez, d'accord, ok, je veux bien. Je veux bien aller jusqu'à La Réunion pour voir si effectivement il y a des esprits. Mais juste pour ça, hein. Bah non, oui. Mais que ce soit clair, bah je oui, suis pas du tout à La Réunion pour la plage, tout ça. Non. Vraiment pas, c'est uniquement. On est des professionnels. Voilà, exactement, c'est parce qu'on va au cœur de l'information. Nous sommes des journalistes d'investigation. Philou de Brive qui dit sirène, c'est sur les camions de pompiers des Condés. Ouais. Et Marine qui dit je connais des gens qui ont essayé le truc du citron, ça marche vraiment, jus de citron mélangé avec de l'eau tiède à jeun le matin si on veut après le repas, mais pas manger des McDo à gogo. En même temps, faut pas déconner non plus, ça marchera pas. Une nourriture saine, viande blanche, volaille, légumes verts, favoriser les jus frais d'agrumes. Non mais voilà, dans l'idée, ne vous emmerdez pas avec des régimes, mangez juste normalement, c'est tout. On fait pas un régime, on veut un ventre plat. Je parle des gens. Oui. Si vous voulez perdre du poids, bah, c'est pas la peine de manger super strict pendant une semaine, 15 jours, puis après vous bouffez un McDo, un quick, ça sert à rien. Il y a le Bosniakov qui dit j'ai mis des autocollants dans mon collège, j'ai pris en photo, je t'envoie sur quelle adresse? Bosniakov, tu peux envoyer ça sur mon mail, mikael@funradio.fr. Et enfin Adeline qui dit ma grande passion, ce sont les animaux, les loups, les chiens, les dauphins, d'où mon école de dressage. Oh bah Adeline, si tu peux venir pour dresser Toff. Ah ouais, un avec bon son coup, fouet. Ça lui fera pas de mal, je pense. Hein. Donc n'hésite pas à passer à la radio. Ce sera avec grand plaisir. On va reparler de la colle également avec Émilie. Toujours là, Émilie. Oui. Toujours avec le smartphone à gagner. C'est un smartphone Arcos 45 Platinum avec Android à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est un dual SIM. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 cartes SIM à l'intérieur. Ce qui est très pratique si vous voulez une double vie. Oui. Voilà. Ou si vous voulez la ramener, genre j'ai 2 lignes, machin, etc. Mais alors attends, juste voir, parce que moi je suis un peu novice dans la matière de triple, quadruple vie, contrairement à Toff. C'est-à-dire que je peux mettre 2 puces dans ce téléphone. Ouais. Et en fait, on voit pas les deux téléphones, les non. deux numéros. Ah. Et on peut t'appeler, si on t'appelle avec un numéro ou l'autre, ça sonne sur le même portable. D'accord. Donc, tu peux désactiver l'un ou désactiver l'autre. C'est ou, une belle enfume, ça pourrait C'est pas mal. Hein. Bon, et on vous l'offre ce soir sur Fun Radio. Pour ça, il faut répondre correctement à la colle d'Emilie. Vas-y, Emilie, répète la colle. Alors, souvent associé au printemps, on peut aussi plonger dedans. Très utile pour la pâtisserie, il peut servir à se plaindre. Qui suit ? La bite ? Non, non, c'est pas la bite. Hein. Non, c'est pas possible, ça. Non. Souvent associé au printemps, on peut aussi plonger dedans. Très utile pour la pâtisserie, il peut servir à se plaindre. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres suivies de la réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS depuis la Belgique. On proposait de la farine sur SMS ? Non. Une feuille ? Non plus. Il y a Fanny qui proposait le pétrin ? Non. Non, il y a Angela sur le Facebook qui proposait un fouet ? Non. Non plus. Bon bah allez-y, hein, vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission et c'est gratuit en plus. Vous pouvez lire la colle, voir le téléphone également que je vous offre. Et bah à gagner donc hein, le smartphone Android Arcos 45 Platinum. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis vous faites bah, la réponse, vous répondez à la colle d'Emilie. Bah Emilie, on te récupère et avant minuit 30 on donne la réponse, ok ? Il n'y a pas de souci. Reste avec nous Emilie, ne bouge pas de là. Allez, bonne chance tout le monde. La réponse avant minuit 30, je vous l'ai promis. On fera d'autres appels avec Tof tout à l'heure. Il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer aussi dans quelques minutes là. Hein ouais. Ouais, on va se faire un petit point au plus là puisqu'on est dedans là. Bien sûr. Et oui, voyons ce qui se passe à 23h52. Je rappelle qu'on donnera le résultat final à 2h du mat, mais là depuis 23h, eh bien ceux qui envoient le maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, peu importe hein, si vous parlez de l'émission, si vous parlez avec des potes, si vous parlez de ce que vous voulez, vous mettez le hashtag et Mickaël. Hop, comme ça, vite hop, fait, hop, hop. Au milieu, au début, à la fin, peu importe. Et du coup, ça comptabilisera dans, sur le site internet qu'on a qui comptabilise tous les gens qui mettent le hashtag et Mickaël. Donc, en numéro 5, on a qui actuellement ? On a Ballon BG. Numéro 4. La Petite Fée. Numéro 3. Hugo Réo. Numéro 2. Mariano Limite. Numéro 1. Fred S34. Très bien. Qui est souvent là, Fred S34 qui est bien classé en règle générale. Let's Be Freak a abandonné. Ah, bah, Let's Be Freak, ouais, est fini apparemment. Depuis qu'elle a les cheveux violets, ça y est. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou alors elle a eu peur, on a parlé d'aller faire l'émission à Nice et je pense qu'elle a eu peur. Ah, c'est de revoir son amoureux. Ouais, c'est ça, probablement. Let's Be Freak, qui était donc une auditrice qui était souvent sur Twitter et qui est un petit peu moins souvent là maintenant. Depuis la dernière fois, elle devait garder un enfant. Donc depuis, je suis. Je sais pas trop, peut-être qu'elle le garde encore. Ah, peut-être. Ouais, peut-être devenue Daron. Je sais pas. Le fils de Tof. Bah peut-être, va savoir. Bon, allez-y avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, n'hésitez pas. On va également prendre maintenant Caroline, le retour avec les passions là. T'es là Caroline ? Oui, je suis là. Bon, Caroline donc qui était alors répète ta passion, donc c'est pas cheerleader, c'est pas pom pom girl, c'est quoi ? Si, c'est cheerleader. Ah, c'est cheerleader. D'accord, ok. Oh, comme la belle blonde, c'est la belle ça. Blonde dans, dans Heroes. Les pom-pom girls sont en dehors du terrain à secouer leur truc et les cheerleaders sont sur le terrain. Voilà, c'est ça, exactement. Non, les cheerleaders, elles font les compétitions. Elles font des compétitions, voilà. Ouais, mais elles sont pas du tout sur le terrain. Non, mais à la base, elles sont sur le terrain, les cheerleaders. Aux États-Unis, oui, mais en France. Ah ouais, mais on parle. Il faut toujours que les Français fassent les malins. Toujours changer le truc. C'est dingue. Hein, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, mais pas en France, parce que nous, on est différents. Bon, donc du coup, j'ai appris un truc moi sur les cheerleaders. Elles n'ont pas de culottes. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Ah non, c'est top. Mais c'est bizarre. Tu confirmes ou pas, Caroline ? Non, on a des shorts. Donc oui, pas de culottes. Ouais, c'est ça, parce que en fait, c'est pour qu'il y ait pas les coutures sur l'uniforme, et donc du coup, elles n'ont pas le droit. Ah, c'est d'accord. Bon, et Angel, c'est quoi ta passion, toi ? Bienvenue à toi, Angel de Nantes. Bonjour. Comment ça va ? Oui, ça va bien. Tu as un magnifique téléphone, Angel. Je vais finir par croire que c'est le standard qui est merdique, en fait, hein, mais parce que c'est bizarre quand même d'avoir autant de gens avec un téléphone merdique. Angel, tu as le kit main libre ou le haut-parleur ? Non, j'ai aucun des deux. Aucun, bon, alors c'est parfait. Bon, est-ce que tu as ce genre de téléphone avec la molette là où tu tournes ? Ah, où tu dois composer un numéro de téléphone. Ouais. Je sais pas si tu vois encore l'ancien système, genre ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça que t'as. Ou celui de la petite maison dans la prairie, tu sais. Ah. Tu mets un truc sur l'oreille et un truc sur la bouche. Ouais, c'est ça. Non, j'ai juste un Xperia. Un Xperia. Ah bon, bah pourtant ça marche bien d'habitude. Bon, bah c'est bizarre, ça doit être chez nous. C'est pas grave, Angel. C'est quoi ta passion, toi ? Les 4x4. Les 4x4 ? Les 4x4 de franchissement. Les 4x4 de quoi ? De franchissement, on fait des. En fait, on est dans un 4x4 et puis on fait des parcours de franchissement. De franchissement, alors c'est-à-dire. Ah oui, si, peut-être c'est qu'on est con, moi en tout cas, je sais pas, mais c'est quoi 4x4 de franchissement ? Mais si, c'est genre les mecs qui se mettent devant une espèce de falaise quasiment à 90 degrés et puis ils vont avec leur 4x4, ils doivent essayer de passer sans retourner le 4x4. Mais normalement, c'est pas des 4x4, hein ? Si, c'est des buggy qui font oui, ça. Oui, non, mais c'est des gros trucs. Non, mais t'as des. C'est quoi ? C'est des espèces de grosses jeeps avec des roues énormes ou. Bah, il y a des jeeps, il y a des Nissan Patrol, il y a des. Opel, il y a des Volvo, ouais, des 4x4 quoi. Ouais, mais quand on dit Jeep, oui, c'est vrai que Jeep c'est une marque, mais c'est vrai que là, les gens en général disent une Jeep, alors que en fait c'est pas, c'est un 4x4 en fait. Ouais, ouais. Mais d'accord, ok, donc ça reste des voitures qu'on peut voir dans la rue quoi. Bah non, parce qu'en fait c'est surélevé de, c'est surélevé, ils ont pas le droit de rouler sur la route, mais il y en a quelques uns qu'on peut voir, mais pas tous. Là, et t'as déjà roulé avec ça? Sur la route, non, mais on sur des parcours, oui. Ah ouais, et ça va, tu gères un peu? Ouais, ça va, j'ai tué deux 4x4 oui, que j'ai retourné, sinon ça va. Non mais c'est bien, ouais. Moi je faisais ça aussi avant du 4x4, mais pas ça, hein, c'est sûr, moi c'était en randonnée et tout ça, c'était cool. Mais depuis, bah, je sais, quand j'étais plus jeune, quoi, avec mon père, on faisait des randonnées, il y a des moments où on a failli, où on était complètement de travers, c'est-à-dire qu'il y avait des autres mecs qui devaient venir, qui étaient derrière nous, qui devaient venir et qui devaient s'accrocher à la voiture pour pas qu'on se retourne. Tu sais, dans des randonnées, tu sais, t'as des moments, t'as de la boue et tout, t'as le truc qui part sur le côté. Et puis, non mais c'était cool, c'est sympa. Oui, bah nous, on a monté une pente à 90 degrés ce week-end. Oh là là, putain, ouais. La violence du truc. Ah ouais, c'est violent. Note, c'est quand même vachement plus sexy chez Caroline Angel. Hein. Ouais, c'est. Mais ah, ça parce dépend, que entre de la boue. Une deuxième passion. Ah, c'est quoi? Cheerleaders. Les camions. Ah, les camions, oui, bah c'est ce que je disais, c'est plus sexy chez Caroline. Hein. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans les camions, toi? Bah, c'est leur grandeur et tout. Leur grandeur, moi j'aime bien quand c'est gros. Ouais, c'est leur grandeur, les convois exceptionnels, leur beauté. Attention, et là on va revenir avec la différence, bon France, pas France, mais Europe, États-Unis, les camions américains ont quand même vachement plus la gueule que les camions français, enfin les camions européens sont quand même moches. Ah si, le Scania Torpedo il est pas moche. Le quoi? C'est quoi ça? Le Scania Torpedo. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as vu les camions américains? Ouais, on attends, les a vus, nous, en vrai. Les camions américains, ils sont beaux. Ah, ils sont tellement beaux. Les gros gris avec l'aigle et tout le bordel. Oh là là. Et puis ils sont là, t'as l'impression que c'est un bateau. C'est pareil, hein, t'es sur la route, ta voiture elle se retourne quand il passe à côté. Bah, hein. Oui. Oh, non, c'est violent. Hein. C'est quoi le Scania Torpedo? Attends, on va regarder là à quoi ça ressemble. Ah merde. Attends, un on voit Scania rien. Torpedo, c'est un Scania, mais avec un nez de camion américain. Ah oui, bah ça ressemble à l'américain, mais je suis désolé. L'américain reste beaucoup plus beau. Hein. On l'a vu, allez voir un Scania Torpedo, tapez sur Google pour voir à quoi ça ressemble. Je préfère le camion américain, mais chacun ses goûts évidemment. Tiens Caroline, puisqu'on est dans les débats sexy là, tu préfères le camion américain ou le camion européen? Américain. Américain, évidemment, très bien. Bah merci Angel d'être passé, tu reviens quand tu veux. Et puis j'aurais un truc à vous demander. Bah dis-moi. Est-ce que ce serait possible d'avoir une GoPro? Une GoPro, laisse-moi réfléchir. De quoi? Non. Non, mais on en a pas Angel là pour l'instant. Tu voulais faire quoi avec la GoPro? Bah faire des vidéos de 4x4. Ah oui, bah oui, bah tu peux le faire avec ton téléphone, t'as un Xperia, ça marche. Tu nous aurais dit des photos, des trucs de cul, on aurait pu, non. Et comme Toff est un enculé, le père Philippe des quatre qu'il a. Oui, c'est Toff qui veut pas. Hein. Évidemment, c'est lui l'enfoiré. Non, bien sûr, sans problème, Angel. Tu vas retourner au standard. Ouais. Tu veux beaucoup de choses, Angel. On va t'envoyer au standard, tu vas gérer ça avec Sandro, elle va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça, d'accord? D'accord. Ça roule. Salut, Angel, à bientôt. Bye. Bon, on continue à parler des passions, là. Caroline, reste avec nous. On va reparler avec toi dans un instant. Il y a Nicolas, il y a Laura également qui voulait parler des fantômes, là. Ça va, Laura? Oui, salut. Oui. Bon, Laura, alors, toi, tu crois aux fantômes? Oui. Dis-moi. Sans aucun doute. Sans aucun doute, est-ce que tu en as déjà vu un? Tu en es fait des brosses. Je suis moi-même une fantôme. Tu n'existes pas. Oui, c'est ça. En fait, oui, je suis morte. Je suis morte vivant, il y a 17 en fait. Ans maintenant. Ah bon, d'accord, ok, bonjour. Non, il y a 23 ans. Il y a 23 ans, voilà, jour de ta naissance, tu es décédé, exactement. En fait, ta mère t'a mis au monde, tu es décédé, tu es quand même là, tu as grandi dans un monde parallèle. C'est ça. C'est voilà, beau. C'est trop ça. Parfait. Alors, là où t'as fait beau. Ouais. En fait, imagine, c'est un peu comme. Imagine, on est comme dans Fringe. Tu vois, je sais pas si vous avez vu la série. Donc, Fringe, c'est aussi un truc où il y a des mondes parallèles. Enfin, il n'y a pas des mondes parallèles, il y en a deux. Un où il y a la vraie vie, et puis il y a un autre monde où il y a exactement les mêmes personnages qui font les mêmes métiers, mais qui sont pas exactement les mêmes, genre parfois ils sont enculés, parfois ils sont pas enculés dans la vraie vie, etc. Et du coup, il y en a une, par exemple, la meuf principale qui est une petite blonde, dans le monde parallèle, c'est une petite rouquine qui est vachement mieux foutue, je trouve. C'est ouf. Donc imaginez que là, maintenant, peut-être qu'on est là, on est sur Fun dans le studio, il y a Polo, il y a Toff, il y a tout le monde. Et peut-être que au même moment, dans un monde parallèle, on est aussi sur. Sauf que j'en sais rien, moi. Bah y a Toff qui on passe du grunge. Ouais. Y a Toff, il a une tête de non, bah ça il a déjà. Non, Toff, il est beau gosse. Ouais. Toff, tu sais, il est beau gosse. Il ressemble à Bon Jovi. Ah bah je veux bien. Moi j'ai les cheveux. Ou à Kurt Cobain. Ah moi ça va aussi, ouais. Non bah ouais, bon, de toute façon oui, absolu. Polo a des cheveux. Ouais. Sandro est une bimbo, une blonde. Barbie blonde, elle fait siliconée, elle fait du 32 de pantalon, la folie totale. 32, c'est un peu Non, non, t'entends mal, Sandro. 32, ça, oui, c'est un peu court, c'est un peu court. C'est mais, dingue, ça serait mais dingue. T'imagines, on est quand même dans un monde totalement de ouf. Avec la chance qu'il a, Toff, il a aussi une tête de con là-bas. Ouais, je pense, ouais. Mais avec les cheveux longs, ouais. En mode un peu rocker. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. En mode grunge. En mode grunge, pourquoi les cheveux pas. Gras avec du sucre à l'intérieur. Ce serait tellement beau. Avec du sucre, bah oui, tu mets des essences aussi également dedans. Ça, c'est mieux, ouais. Bon, Laura. Je sais pas, parce que ça fait plus gras le sucre. Ah, c'est, bah oui, bah bien sûr. Bon, alors, Laura, donc dis-moi pourquoi tu crois aux fantômes, toi. Bah parce que j'en ai vu et j'ai été dans une maison. Attention, avant je t'interromps de... encore une fois, mais Toff ça ne compte pas. Ah oui. Pourquoi Toff? Bah si tu me dis qu'au final c'est Toff que t'as vu, ça ne compte pas. Ah c'est... non. Non non, c'est pas Toff. Ah d'accord, ah, d'accord. Ok. Non bah alors ok, alors vas-y. Non, en fait j'ai été dans une maison abandonnée et en fait quand on est rentré on a eu tous des frissons. Ouais. Et au fil oh. Désolé. Au fur et à mesure de la visite de la maison. Alors arrête, enlève ta main de ta culotte et continue à parler. C'est Polo qui fait de l'effet. Non, ça. Non. Et au fur et à mesure qu'on a visité la maison, on a trouvé des corbeaux morts. Mmh. Et on a entendu des bruits chelous pendant la nuit. On s'est déplacé, on a fait des visites et rien. Et en s'approchant d'une cheminée, en fait, j'ai une vision, une main qui se brûlait. On t'écoute. Hein. Et une main qui se brûlait et petit à petit, donc on s'est posé dans une pièce et il y avait la chienne qui réagissait bizarrement. Ouais. Et là on a commencé à avoir la flippe, la température qui a baissé. Et en fait, moi j'ai vu une blague qui était à côté de moi, qui m'a pointé du doigt et avec ses lèvres qui bougeaient. Tout le monde ressentait quelque chose, mais j'étais la seule à avoir vu. Attends, une blague ou une blague? Une blague. D'accord. Une blague, une meuf noire. Non, pas une blague, ça se voit pas. Ah d'accord, je pensais que t'avais vu une blague qui oui, se balade. Oui, une blague arrivée, c'est un carambar qui se balade, qui volait. Une blague. Ouais, et alors, vas-y, continue ton histoire. Et j'ai aussi vu une boule de papier où c'était marqué des écritures, Bob, machin et tout. Et ouais. En fait, j'ai eu la vision d'un petit homme noir, d'un jeune, et qui était en train d'écrire ce papier, en fait. Et suite à des recherches, un tu ami t'es rendu a trouvé... compte que c'était pas bien de manger des champignons hallucinogènes. Ouais. Et c'est mal. La drogue, c'est mal. C'est véridique. Ça m'est arrivé plus d'une fois de voir des choses. Et sans être sous substance illicite, je précise. Et du coup, voilà. Et on était tous à ressentir la même chose. Par contre, j'étais la seule à avoir vu. D'accord, ok, oui. Tu vas suivre les personnes qui vont sonner chez toi, là. Hein. Ils sont habillées en blanc, elles te veulent du bien. Oui, je sais pas. Elles sont là pour t'aider, elles sont là pour toi, elles vont te sauver. Mais c'est vrai en plus. Mais je sais bien que c'est vrai, justement. Elles sont là pour toi et vraiment, elles vont te sauver. Elles vont te sauver, n'aie pas peur. Mais faut y croire. Mais on y croit. Il y a des choses, on n'explique pas, mais ça, bien c'est sûr. Bon. Mais non, mais bien sûr, attends, mais elles vont te sauver, hein. Regarde, écoute. Quelqu'un a sonné là, oui, va ouvrir. Je vais répondre. Va ouvrir, pour voir. Oui, ça va être ma voisine en fait. Ou alors le monsieur habillé en blanc qui te veut du bien, tu verras peut-être, je sais pas. Oui. Ils vont te poser dans un endroit, tu vas voir, c'est très confortable. Oui, c'est très très bien, effectivement. C'est un peu capitonné, c'est sympa. Non, ça ira. Bon, tiens, il y a Hugo Réo qui dit, même les mondes parallèles, ce serait pas assez puissant pour refaire la tête de Toff. Où est-ce qu'il est le message que j'avais lu tout à l'heure là? C'est pas grave, je lirai dans quelques minutes celui que je vais le retrouver par rapport au monde parallèle. Bon, et ben merci Laura d'être passée, hein. Je te fais des gros bisous. Je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, à une seule personne, choisis la bonne. Eh ben, je veux faire en gros, je dédie à toutes mes petites couilles. Toutes tes couilles, d'accord. Eh ben, écoute, pas de problème, le message est passé. Je te fais des bisous. Au revoir. Salut Laura, Romain avec Célia dans un instant pour parler des fantômes. On va prendre Jérémy qui est médium. C'est bien ça, Jérémy? Ah. Salut Mickaël. Salut Jérémy. Bonsoir à toi. J'adore les médiums. Bon. Non, merci, c'est gentil. On va parler avec toi dans quelques minutes. La bouche pas de là, Jérémy. Hein. Et je rappelle que vous pouvez bien évidemment. Oh, ça y est, il est minuit 5. Ah. Le régime de Sandro a démarré officiellement. Oh, ça y est, Jean. Allez. Oh, la pression de malade. Ah bah non, Sandro, alias le sac, va commencer à faire son régime. Exactement, ça y est, c'est fait. Ah. Eh ben, vous pouvez l'appeler pour la pour Arrête, le pour la soutenir, pour la soutenir. Bah, vous j'ai l'armée dites. Des doux qui m'a appelé en masse là. Eh ben voilà. Même si t'as pas besoin de régime, fais un régime la grosse. Eh ouais. Voilà, donc vous l'appelez. Non pas qu'elle soit grosse en absolu, Sandro. C'est juste que ça nous fait, ça fait maintenant à peu près 7 ans qu'on la connaît, et ça fait 7 ans qu'elle nous casse les couilles en disant qu'elle commence ce régime demain. Donc il y a un moment, faut y aller. Donc appelez-la 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Vous lui dites fais ton régime la grosse et vous raccrochez. Voilà, et on veut donner son numéro à l'antenne, comme ça les gens pourront l'appeler toute la journée pour voilà, lui dire. Voilà, exactement. Non mais cela dit, vous pouvez l'appeler au standard, n'hésitez pas. Donc je répète le numéro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, et Sandro bien entendu va décrocher. Voilà. Bon, et bon courage également, parce que ça y est, c'est officiel, hein. Bon courage à ceux qui vont recevoir un petit poisson dans le dos demain, etc, etc. Ah, toutes les vannes de bouffons. Voilà, voilà, c'est ça. D'ailleurs, si vous avez prévu un truc pour le 1er avril, un poisson d'avril, tout ça, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai chié dans le sac de Toff. Ah, cool. Ça, c'est une bonne idée, ça, tiens. Bah ouais, non, mais c'est pas vrai, c'est pas un poisson d'avril, j'ai vraiment chié là, tout à l'heure. Ah, bah cool, c'est parfait. J'ai ouais, rempli ce sac de merde. Ça peut être pas mal. Tiens, on devrait décorer le studio pour le morning demain matin, tiens, avec du papier cul partout. Oh, ce serait drôle. Bon, allez, minuit 6 sur Fun Radio. On s'écoute le son de Nicolas avec Riot. Juste après, on aura le chéri, je peux te faire cocu. Et puis, évidemment, comme tous les soirs, nous aurons les teubés de la télé. Ça va débarquer dans un instant. Il est minuit 6, standard full, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous appeler quand même. Hein. Vous passerez évidemment au fur et à mesure. On est là jusqu'à 2h, donc on a un peu de temps. Rejoignez-nous également sur le Facebook de l'émission M-I-K-L officiel. Venez nous rejoindre. On est plus de 372 000 en 7 mois. Merci beaucoup. The waves don't break. C'est Fun Radio avec le son de Nicolas. C'était Riot à l'instant. Bienvenue si vous débarquez. Mickaël, No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et dans l'heure sur Fun Radio, je vous cale le Martin Garrix avec Proxy. Si vous voulez choisir des sons, bah moi je propose des trucs comme ça, mais vous pouvez choisir aussi avec le hashtag et Mickaël. Il y avait Grégory qui voulait aussi le son d'Afrojack. Bon, on va le mettre sans problème avant une heure. Ten feet tall, pardon. Et puis aussi un son qui déchire tout, Clean Bandit, Rather Be. Voilà, et si vous voulez écouter les sons en particulier, comme d'habitude, il suffit de demander hashtag et Mickaël. On continue à parler fantômes dans quelques minutes, puisqu'on est tombé sur une vidéo que je vous ai partagée sur le Facebook de l'émission, avec une vidéo d'un magasin aux États-Unis. Il y a une caméra de surveillance et elle filme le magasin, et vous allez voir des trucs un peu chelous. Du coup, je me demandais si vous aviez déjà vu des fantômes. Continuez à donner vos avis, appelez-nous également 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler dans quelques minutes, comme premier avec Jérémy, le médium avec Romain, avec Célia, avec Steven et avec Nicolas. On parle des passions également avec Caroline. Et on donnera la réponse à la colle aussi dans quelques minutes. Bref, quoi que vous avez pu remarquer, pas mal de choses encore à faire avant la fin de l'émission. Donc restez bien avec nous. On va parler des teubés de la télé également avec The Voice. On apprend qu'il est important de ne pas faire d'erreurs. Le public et nous, les coachs et moi, on veut pas qu'ils font des fautes. On veut pas qu'ils font des fautes. Mais, oui. Mais en même temps, c'est The Voice et c'est pas un jeu français. Hein, que ce soit clair. Bah heureusement. Ah bah oui. Et donc il est interdit de faire trop de bruit le soir depuis bien longtemps, mais on a oublié pourquoi. On se rend compte que le bruit, c'est pas un problème nouveau, puisque déjà au XVIe siècle en Angleterre, on demandait sous le règne d'Elisabeth Ière de ne plus battre sa femme après une certaine heure pour éviter que ça crée des... C'est pas vrai. Si, c'est tout à fait exact. Ah bah voilà, donc finalement c'est bien ça, c'est un truc de ouf. Et puis dans Stade 2, on sent tout de suite hein, la bonne entente dans les couples du patinage, bien entendu. Tu es content d'être là? Oui, bah non, les entraînements se passent bien, donc hey, tu m'emmerdes là ce matin. Faire, hein. Oui. Bah oui. Qu'est-ce que t'as à marcher sur pied là? Mais non, t'es un peu content d'être. Mais c'est pas très grave, nous on connaît Fabien. Bon, allez, c'est rien Roger là, t'inquiète là, il est de mauvaise humeur là, c'est rien, il va s'en remettre. Oh là là. Bon allez, on va se faire d'autres teubés de la télé tout à l'heure. Il y a DJ Comac qui a envoyé son message aussi. Ma passion c'est d'enculer Toff. Bah amuse-toi bien avec DJ Comac. Dilek aussi, j'ai hâte pour Jérémy le médium, il va arriver. Et le boss Yakov qui dit pour le 1er avril, on va prendre le sac de notre prof de maths et le brûler un peu et coller un papier sur le sac avec marqué poisson d'avril. Ah ouais, c'est pas mal ça, c'est bien. Je suis sûr qu'elle va kiffer. Grave. Et Mathieu qui dit ouais, moi je vais coller des poissons avec de la super glue sur les cheveux, tout dégueu des profs. Et Pauline qui dit Toff, c'est le plus beau du monde. Le plus bon. Attends, c'est quoi? C'est le plus beau du monde. monde, hashtag poisson d'avril. Ah bah oui, évidemment, forcément. Merci. Bah, je vais vous mettre sur le Facebook la petite colle là. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le poisson d'avril de cette année justement? Bah, on en parle dans quelques minutes. Et puis là, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu. Ah, ah oui, avec Anaïs qui est avec nous. Comment ça va, Anaïs? Ça va bien. Bon, très bien. Bah, sois la bienvenue. Ouh, ça vient d'où ce petit accent? Ben, du sud, de Carcassonne. Ah, Carcassonne, très bien. Eh ben écoute, parfait. Carcassonne, donc, on va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Oui. Alors, on va appeler qui? Alors, on va appeler ma copine, qui s'appelle Aurélie. Parce que tu es une brouteuse de minou. Ah, un petit chéri, je peux te faire cocu de femme qui aime les femmes? Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'elle est jalouse? Oui, très jalouse. Très jalouse, parfait. Parce que la dernière fois, on nous a dit non, non, pas trop jalouse. Et au final, ça a fait des étincelles. Donc là, j'ose imaginer que ça va faire un feu de forêt. J'imagine. Oui. Puisqu'elle est très jalouse. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 mois. Ah oui, c'est. Oh, c'est tout récent. C'est une grosse relation, quoi. Ah ouais, vous vous êtes rencontrés comment? En soirée. En soirée, d'accord, ok. Et nous, on est censé s'être rencontrés comment? Puisque je rappelle le principe du chéri, je peux te faire cocu. On va donc faire croire à ta copine, en l'occurrence, que t'as rencontré un mec, évidemment, moi, Michel, bien sous tout rapport, etc., etc. Oui. Que je t'ai proposé de coucher avec toi un soir, que t'as dit ok, mais que tu devais quand même demander à ta copine, normal, hein, t'es quand même une meuf bien. Et donc, le but, bah, évidemment, c'est de l'appeler, lui demander si tu peux la faire cocu. Oui. Bon, qu'est-ce que DJ donc a gagné ce soir? Elle a déjà eu des mecs, elle ou pas? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, bah, très pratique. Tiens. Bah, on c'est dommage. Insulté, ouais. Parce que moi j'étais prêt à l'aimer. Ouais, ouais, bah toi, ouais. Et toi, t'as déjà été. T'as déjà une relation hétéro ou pas? Oui. Eh, d'accord, ok. Donc, bon, en fait, donc t'es plutôt bi, quoi. T'as pas de problème avec les mecs, mais t'aimes bien les filles quand même. Oui, voilà. Ok, bon, ça écoute, fait. On va l'appeler. On est censé s'être rencontrés où? En boîte aux 7. En boîte aux 7, quand ça? La semaine dernière ou? Oui, samedi dernier. Samedi dernier. Eh ben écoute, très bien, on y va. C'est parti, on y va, bonne chance. Et bah tu lui dis simplement que est-ce que tu peux la faire cocu, quoi. On y va. Allez. Allô? Oui, ça va ma chérie? Oui. Ça va? Oui. Ça va être oui. Oui, ça va. Au fait, je peux te poser une question. Et ça va sinon? Tu m'appelles Anne-Claude. Bah ça va et toi? Ça va. Je peux te poser une question ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, en fait, samedi dernier, je suis sortie en boîte. Au 7, et j'ai rencontré un mec. Au 7 et je te demande si je peux te faire cocu juste pour un soir. T'es sérieuse hein? Bah oui, je suis sérieuse. Attends, tu te fous de ma gueule quoi. Bah non, je me fous pas de ta gueule. Non mais je sais pas, tu m'as pas rien pour me dire ça. Anaïs, est-ce qu'elle est d'accord? Qu'est-ce qu'elle dit? Bah elle est pas d'accord. Oh mais c'est pas grave, au moins tu lui as fait la demande, hein, c'est le principal. Elle dit plus rien là. Non, ma chérie. Ah bah elle peut pas la raccrocher. Alors attends. Attends, on la rappelle. Dis-lui mais pourquoi tu t'énerves, je comprends pas, etc. Tu la chauffes comme si c'était normal en fait. Hein. Et puis je la prendrai au téléphone un moment, j'espère qu'elle va... Sois plus motivée. Ouais ouais, un peu meilleure actrice quoi. Sois consciente que t'as envie de te faire brûler le cul quoi. Voilà, bah là en l'occurrence non. Oui, je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Est-ce que tu le sais? Est-ce que je t'ai insulté encore? Moi, je t'ai pas insulté. Ouais, ben tu me raccroches à la gueule là. Je t'ai juste demandé. Qu'est-ce qu'elle dit? On va pas y passer la nuit, hein? Laisse-moi parler, déjà, je t'ai pas raccroché. Elle dit qu'elle m'a pas insulté. Ouais, bon, elle t'avait le haut-parleur, elle était pas commode non plus, hein? Ouais, bon, passe-la moi, sinon, passe-la moi. Allô? Oui. Salut? Ouais. Bah c'est Michel, hein, enchanté. Bah non, moi je suis pas enchantée du tout, tu vois. Non mais bon, c'est pas la peine de te la ramener comme ça, c'est pas grave, hein. Bah, bon, attention, moi je veux pas te choper ta meuf. Enfin, déjà, je savais même pas qu'elle aimait les femmes qui aiment les femmes. Ça, c'est la première chose. Et puis voilà, après nous on a discuté un peu, je lui ai proposé, elle m'a dit ok, mais qu'elle était maquillée. Moi je pensais qu'elle était avec un mec, alors c'est pour te dire. Non mais pour toi c'est pas grave, toi tu vas vider tes couilles, ouais, tu vas... Mais non mais c'est toi, qu'une c'est... fois. Non mais c'est une fois Mais même il suffit d'une fois, alors arrête tes conneries toi. Laisse-moi Anaïs. Non attends une seconde, elle est partie aux toilettes là. Ouais, bon. Mais sinon, parce que moi c'est juste un seul soir, après j'arrête, hein. Moi je te la rends directement, hein. Moi c'est juste comme ça pour je le kiff. Je m'en bats les couilles. Ah t'as des couilles? Vas-y ta gueule. Non mais je voulais savoir, tu me dis je m'en bats les couilles. Allez vas-y c'est bon, t'as pas les couilles. Bah non mais bon bah je vais te rendre passer. Mais écoute, si jamais c'est juste un problème, on peut faire un truc à trois après, moi je lui ai pas demandé mais. Mais j'en ai rien à foutre, moi, des trucs à 3A, surtout avec toi. Bah, qu'est-ce que t'en sais, tu me connais même pas? Mais je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de te connaître, tu vois. Non, mais ça se trouve, je suis un super bon coup, hein. Ça se trouve, c'est peut-être parce que t'es peut-être tombé sur un mec de merde que tu préfères les femmes. C'est parce que t'es peut-être pas encore tombé sur moi. Déjà, j'aime les hommes et les femmes. Ah, t'aimes les deux? Ah, bah voilà, bah alors quel est le problème? Bah, parce que j'ai pas envie de te voir à toi, c'est tout. Mais non, mais attends, bah c'est bon, on se connaît même pas, tu sais même pas ce que tu rates, hein. Regarde, si Anaïs est directement tombée in love, en tout cas pour la soirée, c'est que c'est bien quand même, hein. Mais je m'en bats les couilles. Mais non, tu t'en bats pas les couilles, t'as pas de couilles d'abord. Mais ta gueule. Bah t'as des couilles, t'as pas de couilles. Non, j'en ai pas, mais ta gueule. Bah voilà, donc t'as pas de couilles. Passe-moi Anaïs. Ouais, bah une seconde, elle est aux toilettes, je te dis, elle va se calmer un peu là. Tu me traînes pas aux toilettes. De quoi? Genre, elle met 30 ans aux toilettes. Bah, j'en sais rien, moi. Ouais. Peut-être qu'elle fait caca, qu'est-ce que je sais, moi. Ah, tu sais que les femmes, ça fait caca aussi, hein. Non, sans blague. Bah, ouais. Ah, tu savais pas? Non, tu vois, je savais pas. Ah, bon, bah, ça alors. Bah, tu vois, comme quoi tu te cocheras moins qu'un ce soir. Allez. Voyons le côté positif des choses. Ah, Anaïs! Oui? Tiens, je te la repasse. Hey, tu m'as pas dit qu'elle était bi? Ah, mais maman, menti. Ah bah voilà, bah sinon t'as qu'à lui dire, on fait un truc à trois. Je lui ai proposé, elle avait pas l'air fermée, hein. Elle m'a dit ok, mais il faut voir avec Anaïs, je sais pas trop quoi lui dire, comment lui demander. Putain. Donc elle était plutôt ouverte, hein. Ma chérie? Quoi? Ouais, c'est bon Aurélie, c'est bon ma chérie, laisse-moi juste pour ce soir et après je me remets avec toi. Je te laisse pour ce soir, toi et moi c'est fini, puis c'est fini. Oh qu'elle est relou! Oh qu'elle est bête! Mais tu le sais très bien que je t'aime, je comprends pas pourquoi tu réactionnes comme ça. Oh qu'elle est con. Eh attends, c'est bon, juste pour un truc, c'est fini entre nous, poète, c'est bon là, c'est quoi là alors? Ah ou quoi, mais il me casse les couilles déjà, ça fait clair et net. Hein, c'est Roméo et Juliette ou quoi là? Enfin sans Roméo quoi. Bah, tu le sais que je t'aime Aurélie. Qui est où? Eh dans ton cul. T'inquiète toi. Eh bah, je suis chez lui là. C'est lui, il habite où? Eh dans ton cul, j'habite dans ton cul. D'habitude. Attends, je vais t'appeler. Alors, mais t'as, t'as de quoi noter ou pas? Non, je m'en fous, je vais pas noter. Je parle à Anaïs, je parle pas à toi. Bah non, mais tu me demandes l'adresse, elle connaît pas forcément l'adresse. Moi, je l'ai ramené ici en voiture. Ouais, bien sûr. Bon, t'as de quoi noter ou pas? Vas-y. Bon, alors, R. Mmh. U. Non, c'est marqué rue, tu vois. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est pour être sûr. Alors, P. Ouais. Donc, rue P. E. Ouais. R. Ouais. T. Ouais. C. K. Ouais. LV. Ouais, tu te moques en fait là. Ah bah pas du tout, pourquoi je te donne le numéro de ma rue? Alors numéro c'est le 12. Ouais, et c'est où? Bah c'est à Carcassonne où tu veux que ce soit. Ok, ok, allez. Bah voilà, tu regardes dans le GPS quoi, c'est... Ah ouais, ah mais t'as pas de voiture. Ah t'as pas de voiture. J'arrive, j'arrive, t'inquiète pas. Mais t'as une voiture ou pas? Ah bah elle va arriver dans une belle rue, tiens. Elle s'est pas rendu compte que l'adresse était un peu bizarre. Bon, Anaïs. Oui. Bon, alors elle s'énerve, mais elle mange. Enfin, tu vois, elle s'énerve dans sa barbe. Il faut si en faire en plus, pas, plus. Elle est là, tu vois, les pas au taquet du taquet, quoi. Bon, c'est pas grave, on va le rappeler. Dis-lui qu'il y a un pote à moi qui a débarqué là et qu'on va faire un truc à 4, comme ça au moins elle est tranquille. Oui, d'accord. Alors attention, on y va, on rappelle. Oui. Ma chérie. Oui, là il y a un pote qui est arrivé et là on peut faire un plan à 4. Hein. Bon non. Ben si, pourquoi? Parce que là je suis avec mon pote là, t'inquiète, on va arriver, t'inquiète. Oh et qu'elle fasse pas sa croix sur le cul là. Hé hey, hé hey. Sois avec Sofiane, t'inquiète hey, pas. Hé hey. Elle fait sa coincée du cul. Quel relou. Dis-moi que c'est du cul, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle fait sa coincée du cul. Vas-y, ferme ta gueule, range ta merde. Hein. Elle fait sa coincée du cul. Mais ta gueule. Coincée du cul. Mais c'est quoi ce gamin? Vas-y, mais tu me ramènes quoi, toi? Coincée du cul. Je me casse les couilles, là. Anaïs? Oui? Tu te fous ma gueule, en fait, là. Mais laisse-moi, c'est bon, c'est pour un soir, c'est pas comme si c'était tous les soirs. Oh, les coincés du cul, là. Oh, quel coincé. Oh, les coincés du cul. Oh là là. Hé hey. Aurélie! Quoi? Eh, ça allait, vas-y, enlève le bâton que t'as dans le cul, là! Mais vas-y, mais ferme ta gueule! Non, mais c'est vrai, on dirait que t'as un bâton dans le cul, que t'arrives pas à marcher, là! Non, parce que tu m'as déjà vu marcher! Mais oui, mais c'est façon de parler! Oh, que les bêtes! Oh, que les bêtes! Mais vas-y, me casse les couilles, là, direct! Bon. Eh, Aurélie! Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, vas-y, me parle-moi autrement, excuse-moi déjà, là, t'as déjà été bien insolente avec moi! Moi, m'excuser, mais t'es sérieux là? Ah bah ouais, tu vas t'excuser direct, tu vas voir. Mais va te faire foutre. Eh bah, excuse-toi. Non, attends, tu vois, tes excuses là, tu peux te bien foutre dans le cul, tu vois. Non, mais on n'entend rien parce que t'as le téléphone dans ta gorge en fait. m'en bats les couilles. À moins qu'il soit dans ton cul, c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on comprend mal. Ouais, bien sûr. Hein, peut-être, non? Bon, oui. Excuse-toi et on tourne la page, on arrête et c'est fini. Non, je m'excuse pas, tu te fous dans le cul, tes excuses. Mais non, excuse-toi, je te dis. Non, je m'excuse pas, mais t'es fou, toi, t'as cru quoi? Bah, que t'allais t'excuser. Bah, non. Oh, et tu te la ramènes, non? T'es une petite rebelle, toi, non? Ouais, ouais, vas-y, si tu veux, je suis une rebelle. Eh, Anaïs? Oui? Eh, c'est une rebelle? Oui. Ah ouais, ça s'entend, ouais. Ouais, elle va s'excuser, tu crois ou pas, Anaïs? Non, je crois pas, non, elle est énervée, là. Oh, mais ça s'entend pas. T'es énervée, Aurélie? Ta gueule. Non, mais t'es énervée ou pas? Mais plus, ça te fait rire. Ah ouais, ça me fait marrer, ouais. Ah ouais, parce que c'est vrai, c'est amusant, tu vois, de téléphoner comme ça, de demander ça, sérieux, quoi. Ça te fait pas marrer, toi? Oui, bien sûr, ouais. Bah oui. Bon. Aurélie? Quoi? Allez, excuse-toi et je t'annonce une bonne nouvelle. Mais non, je m'excuse pas. Mais après, je t'annonce une bonne nouvelle. Bah, une bonne nouvelle, waouh, je sais pas ce que tu peux m'annoncer, là, comme ça. Ah bah, tu verras, justement, on va leur dire, bon, bah, c'est bon, je m'excuse. Non, je me dis pas, c'est... Mais si! Ou alors, je baisse ta meuf. Bah, non, je m'excuse pas, je m'en fous. Bah, alors, je baisse ta meuf. Je m'en fous, je m'excuserai pas. Ah, donc, tu préfères que je baisse ta meuf alors que je l'ai pas encore fait, plutôt que de t'excuser et que je t'annonce une bonne nouvelle? Bah, de toute façon, moi, j'ai ma fierté, donc je m'excuserai pas. Oh là là, quel cinéma, cette fierté en bois, là. Allez, dis, allez, je m'appelle Aurélie et je m'excuse. Non, je dirais pas, je m'en fous. Bon, alors, je m'appelle Aurélie, désolé. Voilà. Oh. Non, pas du tout. Mais bah, tu sais dire désolé. Non, mais tu peux toujours rêver pour que je te le dise. Non, mais répète après moi, désolé, pour voir si t'arrives à le dire. Non. Mais si, pour voir si t'arrives à le dire, parce que je crois que t'arrives pas à le dire. Non, mais va te faire foutre. Mais ça, ouais, bah ça tu sais dire, hein, par contre, ça c'est sûr. Mais désolé, est-ce que t'arrives à dire? Ou alors, sorry en anglais, tu vois, speak English ou pas? Non. Allez, dis sorry. Moi, je parle portugais, je parle pas l'anglais. Allez! Fais un effort, je t'annonce une bonne nouvelle après. Mais non, je me... Oh, quel relou. Oh, Laïs. Oui. Oh, putain, c'est dur. Et comme ça aussi à la maison? Oui, tout le temps. Ah, tout le temps? Ah, bah, dis donc, très bien. Mais ça, c'est une portugaise, hein, c'est normal. Hein. Mais oui. Ah, ouais. Là, quand t'es portugaise. T'as vu quand t'es portugaise? Bah non, mais bon, il y a des poils. Et alors, mais n'importe quoi, c'est que des idées reçues, alors arrête. Bon, arrête. On m'a dit apparemment que quand t'avançais, on pouvait marcher dessus et tu pouvais tomber. Comme à lacet. Mais ferme ta gueule, mais critique pas les Portugais, t'es sérieux toi? Mais non, mais il paraît, hein. Mais n'importe quoi, mais vas-y, mets ta gueule là, sur ta gueule. Non, mais allez, vas-y, fais un effort. Non, je m'excuserai pas, t'es malin, là-dessus. Allez, excuse-toi et je t'offre une gilette. Non, je m'en bats les couilles, mais ta gueule avec ça, là. Elle est trois lames, hein. Elle est triple lame. Je m'en bats les couilles. Allez, quoi, quatre lames. Non, mais vas-y, mets ta gueule, l'autre il critique les Portugais, il tient pas sa vie, c'est vrai. Bon, tu t'excuses pas alors? Non. Oh putain, j'en ai chié là. Bon, hey, oh là là, Aurélie, ouais, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Sérieux là? Oh, et je suis portugais, oui, aussi, c'est pour ça que je me suis permis sur les poils. Parce que je gueule tout le temps sur tout le monde. Va être foder. Va être foder. Ah oui, caray du merde, très bien. Caray du merde. Ah, bon. Que d'amour. Hey, Aurélie, bon, bah tu peux t'excuser maintenant. Oui, voilà, je m'excuse. Ah, vous avez vu comment je l'ai retourné, hein? Ouais. Non, t'es balèze. Direct. C'est là qu'on voit la supériorité masculine. Et tu gagnes la gilette, hein. Ah oui, bien sûr, et rasoir tout le bordel, hein. Ça rase dans le nez, tout ce bordel, c'est la folie totale. Le top du top, le must du must. Non, au final, qu'est-ce que DJ les filles? Bon, et Aurélie? Ouais. Bon, allez, je te fais des bisous sur tes poils. On te souffle dans les poils pour le dresser. Exactement, ouais. Bon, je vous fais des gros bisous, les filles. Bisous. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, allez-y, hein. Vous inscrivez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On remet le couvert lundi prochain, comme d'hab. Alan qui dit mort de rire, Mickaël, les clichés portugais. Oui, mais moi, je peux me permettre, je suis portugais. Ouais, il y a Sofiane qui dit elles sont mignonnes. Il y a Fred S34 qui dit coincé du cul, je suis plié. Alan également, le fameux coup de la Rubidon. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mystique également, 12 rue Pertes. P-E-R-T-C-K-L-V, pété de rire, ouais. Agathe également qui dit c'est pas mal ce chéri, je peux te faire cocu le 1er avril. Et Marilyn également qui dit trop fort le coup de la gilette 4 lames. Ah bah oui, attends, on offre un cul et nous. Hein. Oh, oh. Et Dilek qui dit elle est chou, elle a pas l'air jalouse, on dirait une douce. Oui, c'est vrai qu'elle avait une voix un peu douce. Ouais. Et Virginie 66 qui dit mort des rires, les femmes font caca aussi. Mais oui, c'est vrai. La petite fée Brout Minou et Fred S34 qui dit j'adore l'accent d'Anaïs, il était sympa, il était du sud. Et Mathieu également, ça fait trop plaisir d'avoir lu mon tweet. C'est la première fois, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah bien sûr Mathieu, évidemment. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, en toute simplicité, bien évidemment, vous nous connaissez sur Fun Radio. Allez, Martin Garrix, je vous l'avais promis, on se l'écoute maintenant, on fera d'autres appels avec Tov dans quelques minutes, on va parler encore des fantômes avec Nicolas, avec Jérémy, avec Romain, avec Célia, on parlera du poisson d'avril également, puisque ça y est, c'est le 1er avril, qu'est-ce que vous avez prévu? N'hésitez pas, hashtag Mickaël et hashtag Poisson d'Avril. Vous nous le dites évidemment hein, sur le Twitter et sur le Facebook. Vous lâchez tous vos messages, je vous ai mis la petite question, le petit post sur le Facebook. Je compte sur vous. Il est minuit 28 sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub. Et oui, pas de pub, on est pépère, tranquille, en mode à la cool jusqu'à 2h du mat. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo également que je vous ai mise tout à l'heure où on vous prouve que draguer les filles quand on les a pas, quand on n'a pas acheté un... Les acteurs ou les actrices, c'est beaucoup plus compliqué. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Allez voir Martin Garrix et Proxy sur Fun Radio. Martin Garrix à l'instant sur Fun, c'était Proxy. Bienvenue si vous venez d'arriver. Souvenez-vous, c'était hier, je crois, il y a un auditeur qui nous avait demandé le son de Katy Perry. Là, je l'avais pas trouvé, mais c'est bon, je viens de mettre la main dessus là. Voilà. Mettra tout à l'heure avec Dark Horse. En plus il est bien celui de Katy Perry là. Si vous avez pas vu le clip, elle est charmante. Ah ben elle est toujours charmante. Toujours charmante dans ses clips hein. Voilà, Katy Perry tout à l'heure. On va chiller aussi avec ça. Ah ouais, elle est pas mal. Ah ouais, pendant que Toff va chier, bien sûr. Et évidemment, bien sûr. Avec le jus de citron là, ça me fait chier. Oh là là, c'est parfait. Puis on écoutera aussi Afrojack 10 Feet Tall. Je vous l'ai promis. Et puis si vous voulez choisir des sons, bah comme d'hab, vous demandez hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission où je vous ai demandé aussi ce que vous aviez prévu pour le 1er avril. Toff, évidemment, pour le 1er avril, a prévu d'appeler plein de gens. Hein. Ah bah, comme d'habitude, hein, pour le rendre service. Et à quel sujet ce soir? Bah, ce soir, c'est cet Anglais hein, donc qui a vécu 12 ans avec sa femme et ouais. 9 ans... Il vit encore avec sa femme. Oui, c'est vrai, il vit, ça fait 12 ans qu'il vit avec elle, 9 ans qu'il va voir les putes. Et à raison de 3 par semaine, oui. Quand même. Hein. Et ça, c'est pas mal quand même. Et parfois, il se prend une petite nouvelle. Hein. Pour essayer, voilà. Bah, pour voir s'il n'y a pas des nouveautés, hein, ouais. Il essaye, quoi. Voilà, et donc depuis tout à l'heure, on appelle des gens afin de savoir si ça les intéresserait, s'ils ont déjà été voir les putes, en fait. Bah l'absolu. Oui. Et pour arriver à la question de, si oui, est-ce que votre femme est au courant? Ça. Voilà, et est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est d'accord? Voilà, donc on appelle des gens depuis tout à l'heure hein, grâce au numéro que vous nous envoyez sur le mail de Toff. Continuez comme ça d'ailleurs, le toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on récupère tout le monde juste après là, promis. Hop là, pourquoi ça m'appelle pas? Ah bah voilà, parfait. Minuit 33 sur Fun Radio. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé d'aller aux putes. Ta mère, ouais, je l'encule au bâtard, va. Je vois pas le rapport, monsieur. Ah, pauvre maman. Ah, elle prend cher, nouveau. Hein, on l'a pris cher ce soir. Ah, oui. Attends, on rappelle. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. De quoi? Non, je dis, on a été coupé. C'est qui? Bah c'est Toff en fait, je voulais savoir si vous étiez déjà allé aux putes monsieur. Ouais. D'accord, et votre femme est au courant? Non. Ah d'accord, vous lui dites pas? Non. D'accord, et ça fait longtemps que vous y allez? Pas couille. Ouais, tu veux tous les jours. Des gamins, quoi. D'accord, bon bah ça va, c'est tout ce que je voulais savoir monsieur, une bonne soirée. Attends, tu te fous de ma gueule? Bah pas du tout monsieur. Ah bah si, tu vas pas me raccrocher comme ça mon garçon. Si tu commences une discussion, il faut qu'on discute jusqu'au bout. Hein. Bah là on a fini. Ah bah là on a pas fini, c'est moi que je vais commencer seulement maintenant. Ah mais ouais. Toi, tu veux pute? Bah non, moi j'y vais pas. Moi j'aime pas payer pour du sexe. T'es un gamin de merde. Je te le dis, allez, je parle pas avec des garçons qui vont pas en pute moi, PD. Allez, t'as une petite bite alors. Tantôt. C'est moi que je vais commencer. Hein. Ouais, c'est lui. Parce que vous avez bien quand même souligné la tournure de phrase sympathique. C'est moi que je vais commencer. Bah écoute, je propose que c'est toi que tu vas continuer. Bah il m'a dit à tantôt. Bah, oui. À tantôt, je tantôt. Allez hop, c'est parti. On le rappelle encore un petit coup. Hein. PD, il a dit aussi. Hein. Ouais. Voilà. Il ne parle pas aux PD qui ne vont pas voir les putes. Oui. Non, parce qu'on a dit qu'on se rappelait, alors du coup, on se rappelle. Ouais, j'ai pas dit que je te rappelais, moi. Non, c'est. Bah si, vous m'avez dit à tout à l'heure, alors du coup. De quoi? Non, vous m'avez dit à tout à l'heure, alors du coup, moi je vous rappelle. Tu veux quoi, toi, en fait? Bah, rien, je voulais savoir si vous alliez aux putes, mais maintenant que je sais que vous allez aux putes, voilà, je vous rappelais juste pour le plaisir. C'est pas ça. Et quoi? On peut savoir qui t'es? Je sais pas. Moi je suis Toff et je suis de Paris. C'est pour ça que c'est la radio, ça. Pardon? Toff, c'est une radio, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est Fun Radio, ouais. Ah, t'es beau. C'est vrai, je suis beau, c'est gentil. Vas-y, redis-le moi encore. Sarah, ça. Non, je préfère quand tu me dis que je suis beau. Ouais, ah bah c'est ton frère que je t'enculais alors. Ah non, c'était pas ça que je voulais entendre. Non, juste que je suis beau, ça me va. Ah, qu'est-ce que tu veux, franchement, ça me fait payer tes conneries, là, Hamson. Ah ouais, bah ouais, ouais, ouais, c'est 1,35€ la minute. 1€ hein. 1€, c'est pas grave, je suis blindé. Ah bah ça va, alors, c'était blindé. On peut discuter encore un peu, alors. Ouais, vas-y, t'inquiète. Bon. Bon. C'est l'audimat, on a le droit de l'argent. Moi, j'étais bah... Amsterdam aussi, j'ai vu ta mère en vitrine, j'ai bouillé direct. Direct, j'ai bouillé. Ah bah ouais. Ah bah, j'ai bouillé direct, défoncé les yeux tout rouges, tout. Je savais plus où j'étais. Ah bah ouais, je comprends. Ah bon, il enlève pas, je te le dis. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Hein. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée maintenant. Ah ouais, t'es dégoûté, là. D'accord. Moi aussi, je vous aime, les gars. C'est la première fois que c'est Tof qui veut raccrocher. Ouais, ah bah ouais, là il m'a les mecs quand même, ils tiennent une couche de conneries, c'est extraordinaire. Ouais. Rassurez-vous, quand vous nous appelez, c'est le tarif norme, enfin je veux dire, c'est pas surtaxé, hein, c'est pas 1,35€ la minute, hein, rassurez-vous, c'était pour la vanne. Bon, il y a Kylian qui dit, pouvez-nous en mettre un petit coup de... Ah, ils ont buté les deux. Ah oui, ah oui, putain, c'est fantôme ça. C'est quand Gold. C'est quand Tof s'est pris pour un acteur. Un grand acteur, hein, c'était ça, c'est quand dans un canular en fait. Et... Ah, allô. Ils ont buté les deux. Voilà, c'est ça, c'est à l'époque. Toujours aussi bon, efficace. Ah, toujours. Et Easy également qui dit, c'est pas mon chat, hein, Easy. C'est pour le 1er avril, moi je mets une punaise sur la chaise de mon prof de maths. Je pourrais avoir un message de bienvenue, vous déchirez, bah bien sûr. Ta gueule, connard. Voilà, je peux même te mettre un petit nouveau, une petite exclu là, petit nouveau qu'on vient d'avoir là. Alors attends, vous, juste qu'on va découper les nouveaux là qui arrivent là. Hop là. Quand je vais te déboîter ta tête, tu vas comprendre. Ah oui, c'est off. Hein. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras parler. Il était gentil lui. Allez, hein. Je l'ai beaucoup aimé. Ouais, celui-là est gentil, ouais. Rentre faire enculer. Voilà, c'est ça, ouais. Et tu veux enfant de pute. Et tu veux enfant de pute. Moi j'aime bien le je t'encule au passage. Oui, c'est le vrai. Petit, là, lui il est bien lui. Ouais, mais je sais plus où il est le ouais, bah, au passage. Juste voilà. Nous, on va le remettre à l'occasion, ouais. C'est bon, et je vais t'enculer toi et ta putain de mère et après tu pourras parler. Voilà, t'as compris Tof? J'ai bien compris. Très bien. Angelo qui dit lis mes messages te plaît Mickaël pour le 1er avril, Tof a une grosse bite poisson d'avril. Dimitri également, j'ai prévu des bites en papier pour les coller dans le dos des gens. Oh, et classique ça. Hein. Marius, on faisait déjà ça quand j'étais encore à l'école. Et bon, ça fait pas longtemps, c'est vrai. Mais quand même. Bah oui, Marius qui dit bon, je vais avoir les yeux en couille de guêpe, je vais pas dormir à cause de vous. Oh Marius, mais non, ça va aller, t'inquiète. Charlène qui dit Mickaël, fin radio tout simplement, vous gérez à mort, c'est gentil Charlène. Et Sébastien, j'ai vécu dans une maison hantée. Ce soir, je me regarde Paranormal Activité 5, sympathique. Et puis j'avais reçu un mail de Sylvain qui dit je vous écoute et là ma radio se coupe et mon portable s'éteint. Arrêtez de parler de fantômes, bonne soirée. Bah oui, mais c'est la vie. Bah visiblement, c'est qu'ils existent, en tout cas dans ton coin, a priori. Oui, a priori. Bah, bon, récupérons. Faut les vérifier. Bah oui, on va vérifier, mais on va d'abord récupérer Jérémy qui est avec nous de Paris. Jérémy, 22 ans. Bonsoir Mickaël, bonsoir toute l'équipe. Ça va Jérémy? Bah ça va super, et vous? Très bien, oui, parfaitement Jérémy. Alors, tu voulais... Toi t'es médium toi? Oui, tout à fait, voilà, je suis depuis 2 ans environ, je suis médium et puis je suis même sur une chaîne de voyance, hein, voilà. Non. La première chaîne de voyance en France. Si, si, tout à fait. Tu peux faire la voyance de Tof? On va remettre les trucs justes. Mais quelle est la différence? Parce qu'on a déjà posé la question, mais à chaque fois je m'en sors pas. Entre médium, voyant, charlatan, etc. Bah alors je dirais, voyant c'est un peu la même chose que médium, mais après il y a avec support et sans support, t'as médium pur, donc ça c'est-à-dire t'as rien du tout. Elle a découpé, t'as la drogue. Est-ce qu'il y a aussi le small, médium large, non? Il y a le médium on the rocks aussi. Voilà. Donc après t'as médium avec support, donc là en fait on utilise des cartes, il y a plein de choses, hein. Ça peut être la boule de cristal, ça peut être les coquillages, ça peut être la des couille. Cartes, il y a plein... Ouais, est-ce que ça peut être dans les couilles? Est-ce que ça peut être les boules, ouais? Oui, les grosses boules, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et donc voilà, il y a pas mal de supports et après, bon voilà, il y a médium spirit, donc ça c'est directement la communication avec les esprits. D'accord. Donc, c'est-à-dire c'est ceux qui voient directement les défunts en fin de compte, hein, et okay. Qui ont des messages directement. Voilà. Alors justement, tiens, on va bouffer avec le boss de fun demain là. Mm-hmm. Par contre, t'es dans une cathédrale ou Non, il a non, juste c'est les esprits. Non, mais c'est le standard, je crois, qui est complètement out. Est-ce que tu crois que demain au déjeuner avec le boss de fun, parce qu'il nous invite et je trouve ça louche. Est-ce vous pensez qu'il y a une... Bah, je sais pas. Je sais non. pas, mais comme t'es médium, qu'est-ce que tu vois, toi? Non, moi, je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais alors bon, ça, c'est vraiment une réponse cartes. En bois. C'est plus pratique avec mes cartes. Bah, sors les cartes, Jérém, là, qu'est-ce que t'attends? Ouais, mais je les ai pas sous les yeux. Oh là là, on peut rien te demander, hein. Oh, Jérém, putain, moi, je te demande, t'as pas une boule? Tu peux venir à la radio, tu regardes dans les boules dans les couilles de Tof? Bah oui, bah, à ce moment-là, je passerai directement, si vous voulez. Eh bah, passe. Bah, passe, là, qu'on veut savoir des choses sur Tof, sur son avenir, sur son passé, surtout. Non, mais est-ce que t'écoutes l'émission régulièrement ou pas? Oui, ça fait... Bah, y a que récemment où j'écoute, hein. Avant, bon. J'écoutais pas trop, donc... Écoute, c'est bien aussi, parce qu'on avait reçu une voyante, ouais. Mm-hmm. Ouais, qui avait fait aussi un truc avec des cartes sur l'avenir de Toff, le mien, Polo, etc. D'accord. Et donc, bah, si t'as pas écouté, c'est bien, on va le refaire, et puis tu vas nous... on va voir si ça se... Il y en a plusieurs, il y a une fille aussi qui était venue à l'antenne, qui avait dit à Toff plein de trucs, là. Oui, bah, on va rien dire, comme, on ça, l'a perdu, moins, ouais. Comme ça, au moins, on va pas embrouiller Jérémy. Bon, tu peux passer quand, la radio, Jérémy? Bah, comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Et bah, demain. Demain, ça va être un peu chaud. Ah bah voilà, c'est nous qui voyons, mais voilà. Pas trop quand même, hein. T'as vu? Et bah après-demain. Ouais, après-demain ça serait bon, ouais. Bon, okay, bah très bien, bon, faisons ça après-demain alors, on va voir comment ça va se passer avec tes cartes. Tu viens avec les cartes? Est-ce que tu viens avec la boule de cristal? Non, je fais pas la boule, moi. Oh merde. Tu fais non, avec quoi? Moi, je fais que les cartes. J'utilise l'oracle de Béline, je sais pas si vous connaissez. Ah bah oui. Bah oui, bah voilà. Bien sûr. Justement. C'est le must, hein. Béline en mer, c'est ça? Mais alors, oui, c'est ça. Est-ce que tu crois au fantôme du coup, toi? Ah oui, bah moi en fait j'ai toujours été dans une famille un peu bizarre. Mon père il est magnétiseur, donc je pense la que famille Adam, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc mon père il est magnétiseur, ma mère elle a un peu touché déjà à la médiumnité. Bon, elle en a jamais fait son métier, mais voilà, donc j'ai toujours été un peu là-dedans. Donc on va dire que depuis tout petit j'ai toujours été dans les histoires un peu, voilà, les séances de spiritisme le soir avec le verre, les choses dans le genre. D'accord, et est-ce que quand tu seras dans le studio tu pourras nous dire si on est accompagné ou pas? Là c'est plus compliqué, moi bon je communique pas trop avec les esprits, je suis plus sensitif au niveau des cartes, après tout ce qui est esprit, bon ça j'ai des amis qui le font, mais... Non mais c'est juste pour voir si les esprits dans le jeu de fun, là si on est tout seul ou s'il y a des gens qui sont là, est-ce que j'ai quelqu'un à côté de moi ou pas? Tu peux, hein, en principe, bon, je dirais que les deux dimensions elles sont superposées, donc en fin de compte, on est entouré, on est tous entourés d'esprits, mais on les voit pas tout simplement, hein, mais on est tous entourés. Oui. Ça non fait mais... flipper, mais c'est la réalité. Tu vas faire peur aux doux. Oui, c'est vrai, mais ils sont doux, au lit là. Ils tremblent là. Non, ils sont au lit. Vous inquiétez pas, les doux, je vous protège. Voilà, heureusement, Polo est là. Exactement, ouais, c'est vrai. Pratique un peu l'écriture automatique, je sais pas si vous connaissez. L'écriture automatique? Ouais, c'est pratique, parce que quand on doit écrire des trucs, c'est comme bien chiant. Tu vois, parce que moi aussi j'ai l'écriture automatique, j'ai Siri moi. Tu t'imagines, tu te poses en train de dormir et puis je l'ai écrit. Bah ouais. Non, en fait, ça marche pour l'échec. On prend une feuille de papier, tu prends un stylo, en fait, tu poses ta main, je dirais, tu la lèves un peu, tu poses pas le poignet, et en fait c'est beaucoup de concentration, beaucoup d'entraînement, et tu laisses ta main aller, et au bout d'un moment ta main va se mettre à partir, à écrire, et voilà, c'est comme ça. Attends, j'essaye. Attends, je vais sortir ma bite. J'essaye. Alors j'ai le stylo, j'ai le papier. Hop, attends, je vais écrire avec ma bite là. Attends. À la question, Toff est-il un enculé? C'est subtil. Attends, je me concentre. Donc à la question, Toff est-il un enculé? Pour l'instant, ouais. Rien ne s'écrit. Ah, ça démarre là. Ah, ça y est. Ah, je sais pas ce qui est écrit, hein, je ne regarde même pas. Polo me dira puisqu'il est en train de. Il est en train de regarder. Je suis au cœur de l'information. Ouais. Ah. La question si Toff est un enculé, la main écrit oui. C'est marqué sur la feuille. On a fait de l'écriture automatique. C'est marqué, l'écriture automatique a marqué. Oh putain, c'est bon ça. C'est étonnant. Putain, je vais me lancer dans le même merdier, toi. Je vais aussi faire les cartes et tout le bordel là. Je t'apprendrai. Ah bah avec plaisir, ça roule. Bon bah Jérémy, tu passes après-demain alors. Ouais, y a pas de souci, je peux faire un petit coup de pub. Bah tu feras ça mercredi. Ok, bah y a pas de souci. Bon, c'est mieux comme ça. En plus là, ça résonne, c'est insupportable. Ça marche. Bon, salut Jérémy. Mercredi alors. À mercredi, ciao à toi Jérémy. Merci d'avoir appelé Fun. Florian également là, qui est avec nous là, de Lurie dans le Cher. Salut Flo. Ouais, salut. Oh, t'es un doux, toi. Un doux. Ah bah, c'est pas la première fois que je passe. Ah bah non, je sais bien, mais t'es toujours doux. Mais tu sais qu'il y a un moment, tu seras plus doux, hein, même si tu passes souvent. Ah bah, hein. Il m'a rassuré, Polo, j'avais peur des fantômes. T'as peur des fantômes? Oh, t'inquiète pas, on est là. Et peut-être qu'il y a quelqu'un derrière toi également, Florian. Tu es où? Ah non, il y a le mur. Ah ouais, mais on ne sait jamais, il peut passer à travers le mur. Ouais. Tu es dans ton lit, là? Oui. Lève la couette et regarde ce qu'il y a dedans. Oui. Tu lèves la couette, là? Non. Bah, lève-la. Il était une fois un doux. Lève la couette. Elle était bon, il n'y a rien. Bah, regarde en dessous de la couette. Il n'y a rien. Bah. Oh, ça va, si on peut plus rire, 5 minutes, si on peut plus rigoler avec les doux. Viens là, rapproche le combiné de ta joue. Voilà, c'est ça. Je vais te faire un petit... Allez, le doux. Allez. Voilà. C'est tout ce que tu mérites. J'embrasse les doux. Bon, alors, Florian, t'as prévu quoi pour le 1er avril demain, là? Alors, je vais dire, parce que j'ai quitté la meuf que j'avais avant. Non, avant-hier. Merde, ça fait combien d'années, là? Non, ça faisait pas un an, ça faisait quoi, 6 mois? Ah, quand et même, hein. Quand même, 6 mois, ouais, c'est pas mal. Ouais, hein. Mais beau gosse, Florian. Hein. En temps de doux, ça fait 10 ans. Ouais, c'est comme les chats. Bah ouais. C'est-à-dire que les chats, quand ils ont 19 ans, par exemple, ils en ont en fait 100 en âge humain. Ouais, c'est ça. Bizarre, hein. Et donc, toi, donc, t'es resté 6 mois avec une. Putain, beau gosse, bien. Et tu l'avais dragué comment? Message. Comment? Ah, par message? Oh, c'est énorme, ça. T'as mis quoi? Bah, on a commencé mollo. Après, mollo. J'ai été cash, hein. Et t'as été cash comment? T'as dit quoi? Bah, direct. Non, mais genre, qu'est-ce que t'as écrit? Direct quoi? Bah, je t'aime. Non. Mais qu'il est con! Il faut pas écrire ça directement, c'est le meilleur moyen de faire peur aux filles. Mais oui. Bah, là, justement, demain, je vais dire à celle que j'aime maintenant. Ce matin, là, demain, tout à l'heure. Ouais. Dans 6 heures. Oh, dans pas longtemps, je quoi. Me lève. Voilà, et je vais dire que je vais l'appeler et tout, je vais dire que je l'aime et tout. Et si elle commence à me mettre un râteau, bah je lui dirai que c'est un poisson d'avril. Ah, t'es un bon toi. Ah, t'es un bon doux toi, Florian, c'est pas mal. Bien vu. Parce qu'en fait, t'as vraiment envie de sortir avec elle et tu vas l'enfumer. Bah, oui. Ok, bah, d'accord. Non, bonne technique. Elle commence bonne à me mettre un râteau. Bah déjà, on s'était un peu rapprochés là depuis une semaine. Ou bah. Non mais c'est bien. Et quoi, vous êtes rapprochés, c'est-à-dire Bon, vous disiez bonjour, maintenant. Et là, vous dites au revoir. Et tout, Non, je demande. La bise, on reste un peu ensemble. Eh, petit doux, offre-lui une motte de beurre. Elles adorent ça, les femmes. Ouais, elles adorent. Une motte de beurre. Enfin, quoi? Bah, une motte de comme beurre, ça, c'est pour mettre sur le beurre. Tu regarderas, tu chercheras sur internet dernier tango à Paris et tu comprendras à quoi ça sert la motte de beurre. Qu'est-ce qu'il est con, lui. Bon, Florian, on te rappelle demain à 23h pour avoir des nouvelles du rencard. Ok. Bon, hey, je compte sur toi, le doux, hein. Ah, t'inquiète pas. Bon, bah justement, je m'inquiète, ouais, c'est bien ça le problème. Ah, ouais, mais bon. Non, je suis un pro. Ouais, j'attends de voir, j'attends de voir. Bon, allez, salut, à demain, Florian, enfin, à tout à l'heure. Allez, je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, choisis la bonne personne, une seule, hein. Alors, dédicace à Valentin Gouvernet. Très bien, eh ben, le message est passé, y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Au revoir. Ciao. Allez, avant de récupérer Caroline, ouais, on est à la bourre, hein. Caroline, tu m'en veux pas, là, t'avoir fait attendre? Non, pas de soucis. Non, ça va alors, parfait. Merci beaucoup, Caroline. Bah, bouge pas, il y a Steven qui voulait réagir aussi. Nicolas est encore là pour les fantômes. Il y a Romain également, Célia. Et puis, il est temps aussi de donner la bonne réponse à la colle d'Emilie, souvent associée au printemps. On peut aussi plonger dedans. Très utile pour la pâtisserie. Il peut servir à se plaindre. Il y a un smartphone avec double carte SIM intérieur idéal. Si vous avez une double vie, hein, les garçons et les filles, hein, n'hésitez pas à gagner donc sur le Facebook de l'émission en répondant à la colle. facebook.com/mikaelofficiel. On donne la réponse juste après le son d'Afrojack, 10 feet tall. Il est minuit 48 sur Fun Radio, bienvenue sur Fun, c'est Mickaël No Limite jusqu'à 2h. I'm clumsy and I had some balls. Afrojack à l'instant sur Fun Radio, la bienvenue si vous arrivez. Mickaël, oui. Mickaël No Limit, tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Bon, et on est en direct évidemment avec Katy Perry dans quelques minutes, on l'avait demandé, je vais vous le mettre comme promis. Et puis on aura bien entendu aussi, eh bien, les appels de Toff, encore qu'on fera tout à l'heure. Ah. Il y a Charlène également, si jamais vous lisez le message, j'aimerais que vous le lisiez, ceci à haute voix, je suis fier de t'aimer de plus en plus chaque jour, un an aujourd'hui, je t'aime chaton. Oh, Charlène du 88, je t'ai dit que je t'ai pas célibataire, Charlène, je te fais des bisous quand même. DJ Gizmo aussi qui dit ah là là, mais quel homme ce polo. Oh là là, tu imagines pas. Easy aussi pour les fantômes. Il y a un an, j'étais avec 5 potes. On marchait tranquille et sur le sol, il y avait 6 ombres alors qu'on était que 5. Ah oui, c'est pas mal ça. Il n'y a pas un gros dedans? Ou un mec qui a une grosse bite. Ouais, peut-être, ouais. Il y a Franck aussi qui dit salut l'équipe, pour le 1er avril, j'ai scotché les poignées de la porte de voiture de mes gamins. Ils commencent à 6h du matin et j'ai fait un gros poisson sur leur pare-brise avec des gros scotch orange, le Gaulois. Ça c'est drôle ça. Dilek aussi, elle est trop mignonne Sandro, je commence le régime avec elle. Ouais, autant dire que tu iras pas très loin. Moi j'ai deux passions qui sont la prestidigitation et les oiseaux, principalement les rapaces nocturnes, c'est Soren. Mm-hmm. Ça a l'air sympa, hein. Ouais. c'est comme les mecs qui kiffent les avions et qui se mettent au bout des pistes et qui sont là avec leur appareil photo et qui attendent juste que l'avion il passe. Ah moi j'adore, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Alors, quoi. Je fais pas ça avec l'appareil photo, moi je regarde. Parce que j'aime bien regarder. Et j'étais dans un endroit. uniquement pour ça, il faut le savoir. Bon, j'ai dit à ma copine qu'on est là pour la plage, mais dans l'absolu, en fait, j'en avais rien à foutre. On a été à Saint-Martin, je sais pas si vous voyez où c'est une île dans les Caraïbes. Ouais. J'avais été exprès, c'est là où il y a les avions qui atterrissent au bord de plage. C'est quasiment au-dessus de la plage, enfin, c'est quasiment sur la plage en fait. Donc la piste est au cul de la plage, et donc il y a plein de gens qui sont là. Donc moi j'avais dit, ouais, on va là, t'as vu, t'inquiète, je t'emmène dans les Caraïbes, c'est la folie. Et bon, j'ai passé une partie des vacances à regarder les avions atterrir, quoi. Surtout quand t'as le gros 747 qui arrive, c'est la folie totale, c'est énormissime. Puis après, t'as des Mongols qui, parce qu'il y a des panneaux partout au bord de la route, il y a des grillages pour pas accéder aux pistes. Et quand il y a des avions qui se mettent là et qui sont prêts à décoller, ils mettent évidemment les moteurs à fond et ça envoie du souffle. Oui, c'est assez énorme, forcément. C'est des writers. Ça doit propulser un avion. Hein. Bah voilà, c'est ça. Donc ça vous donne une idée. Et les mecs, donc il y a des panneaux partout qui disaient ne restez pas derrière et ne vous accrochez pas au grillage. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs s'accrochent au grillage et restent derrière. Oui, mais c'est parce que c'est leur kiff, ça. Voilà. C'est... Et donc en fait, ils s'accrochent. Vous voyez, c'est des grillages. Comment on appelle ça? Des grillages en ça fait des. Il y a des. Ouais, enfin les trucs de clôture, quoi. Ouais, des clôtures, quoi. Et les mecs s'accrochent, ils mettent leurs doigts dedans. J'ai vu des mecs, tellement la puissance est impressionnante, des mecs se soulever. Et ils sont restés droits. Mais t'as des vidéos avec ça. Ouais, il y a des vidéos. Ouais, mais c'est de la folie. Pour l'avoir vu de mes yeux, je peux vous dire que ça existe vraiment. Et c'est assez violent. Hein. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, si vous êtes fan d'avion, vraiment économisez pour y aller. Et c'est énorme. C'est à Saint-Martin. Et l'aéroport, il déchire. Voilà. Bon, la Lille est bien aussi, hein. Mais l'aéroport vraiment déchire bien. Il y a Vlad qui dit t'es le meilleur de tous les animateurs. Oh, c'est gentil, Vlad. C'est un poisson d'avril ou pas, enculé? Il y a Dilek qui dit. Oh, oui, je l'avais déjà lu. Pardon. Agathe qui dit ma passion. C'est la danse, enfin plus précisément la Zumba, ça déchire, t'es trop KO au bout d'une heure de cours. L'erreur à ne pas faire, ne pas oublier sa bouteille d'eau. La évidemment, Zumba. Évidemment. Bon, on va donner la réponse, Émilie, avec la colle là. Je te tiens déjà depuis bien longtemps, Émilie. Oui. Voilà, désolé. C'est parce qu'on t'aime bien, Émilie. Eh oui, c'est parce qu'on t'aime bien, c'est pour ça. Et là, ça résonne aussi, putain, ce standard me rend ouf. Bon, je vais finir par choter dedans. Émilie. Oui. Bon, ça résonne un peu, mais ça ira vite dans l'absolu. Une colle, peut-être un smartphone pour toi, on appelle le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond bien à la question que tu vas lui poser, il gagne le smartphone, ou elle gagne, c'est une fille. Et si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, du coup, c'est toi qui gagneras, Émilie. Allez, c'est parti, on y va. Pourquoi ça ne téléphone pas? Vous êtes bien sur la messagerie de Pauline, je ne sais oh pas. Oh là là là là là là. Attendez. À la fin de votre message, on va poser la question. Si vous souhaitez le modifier, la règle est la règle. Ça fait dièse. Salut Pauline, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelais pour savoir si tu avais la réponse à la colle d'Émilie, qu'elle va te répéter maintenant. Vas-y Émilie. Alors, souvent associé au printemps, on peut aussi se plonger dedans. Très utile pour la pâtisserie, il peut servir à se plaindre. Alors, est-ce que le répondeur de Pauline a la bonne réponse? On dira bien que non. Eh ben non! Bravo Émilie! Ouais ouais ouais ouais eh oui! Quelle était la bonne réponse du coup alors? Le rouleau. Ah oui, le rouleau de printemps, tout ça. Ah bah oui. Ouais, je trouvais que la bite de printemps, ça passait bien. Ouais, ça aurait crème. Ça aurait pu passer crème, mais non. Bon, Émilie, tu peux remercier Pauline. Ah, c'est cool. Bah, merci, Pauline. Ah, elle va rager demain. Et c'est pas un poisson d'avril, Pauline. Ah, elle va rager. À juste titre. Fallait pas couper ton téléphone, Pauline. Quand vous participez à un jeu et que vous savez qu'on va vous appeler, qu'il y a des chances qu'on vous appelle, coupez pas votre téléphone. Ouais, c'est pas l'eau. Ça sert à rien, bah oui. Bon, bah, gros bisous à toi, Pauline. En tout cas, je t'embrasse. Et puis, bonne journée. Et puis, gros bisous quand même, voilà, quand t'écouteras le message. Désolé. Allez Émilie, bravo à toi, le smartphone Arcos 45 Platinum avec Android, double carte SIM. Si t'as une double vie, tu seras ravi, sinon tu seras ravi quand même. Je serais ravi pour le deuxième. Et ben voilà. Gros bisous Émilie. Merci beaucoup. Je t'embrasse, à bientôt Émilie. Ciao. À bientôt, salut. Bye bye. On va terminer avec les passions également. Caroline, toujours de Lyon, qui est cheerleaders. Caroline? Oui, je suis toujours là. Très bien, on t'entend. Tu t'entraînais? Oui, elle s'entraînait peut-être à sauter chez elle. Bon, il y avait Steven également avec nous, là, de Bourges. Salut Steven. Salut Mika, salut toute l'équipe. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bon, très bien. Alors Steven, toi, tu as quoi comme passion? Alors, moi, ma passion, c'est le trekking. C'est quoi? Alors, le trekking, c'est un truc qui vient des États-Unis. Ouais. C'est un mélange. J'ai déjà entendu parler, mais je sais pas. S'il marche, c'est ça? Non, en fait c'est un mélange de on va dire breakdance, d'arts martiaux et de gymnastique en fait. Ah oui, c'est compliqué. Ah oui, ça a l'air sympa hein. Ouais, c'est un truc de fou. Mais enfin voilà quoi. Si, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube, c'est un truc de fou. Du trekking. Ouais. Et t'as découvert ça comment? Bah justement j'ai découvert ça via YouTube en fait. D'accord. Tu Tu connais toi Caroline ou pas comme ça un peu de la danse tout ça, on sait jamais. Pas du tout, je connais pas du tout. Pas du tout, bah peut-être que ce sera une nouvelle passion, tu vas pouvoir aller voir. Eh, faut pas confondre avec le trekking qui est une randonnée pédestre. Oui. Ah ouais, ouais. Ah oui, voilà. C'est du ça, trick, ouais. Toi c'est du trick. Ouais, trekking c'est de avoir la trick. T-K-I-N-G en fait. D'accord, ok, oui, bah alors c'est pour ça j'avais entendu parler de l'autre et pas de celui-là, oui. Alors d'accord, ok, très bien. Bon, et donc du coup, bah tu gères un peu quand même ou pas? Ouais, ça va, franchement, bah là ça fait. Maintenant ça va faire 7 ans en fait. Ah oui, quand même. D'accord. Ah si, Polo, il n'avait pas trouvé de passion, mais bon, le snowboard. Oui, une grande passion. Ah c'est une nouvelle passion. Attends, c'est un rider, hein. Ah vrai. Je suis devenu un rider. Mais je passe plus mon temps avec la gueule dans la neige que dessus. Mais bon. Je dirais le cul dans la neige. C'est vrai. Voilà, plus que la gueule. Mais on bon, peut oui, parler, ride, on peut plus parler de laboureur, hein, de neige. Oui, voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est un dameur. Voilà. Il remet les pistes droites quand les mecs sont fait trop de boss. Il passe derrière, il remet la neige plate, c'est cool. Bon, bah très bien. Bah, merci, Steven. Bah écoute, profite bien de ta passion et puis amuse-toi, hein. Bah merci, y'a pas de soucis les gars. Avec plaisir. Une dédicace. Bien sûr, à une seule personne, choisis la bonne. D'accord, alors je voudrais passer une dédicace à mon beau-frère qui m'écoute, Yacoub. Très bien, bah on l'embrasse. Et donc voilà. Eh bah t'as prévenu tes potes également que tu passes à la radio ce soir. Ouais, y'a pas de soucis. Parfait, je l'ai marqué sur Facebook. Oh bah c'est parfait. Impeccable. Bon bah oui, tu vas gérer le pack fun, je te repasse le standard, t'inquiète. Merci, y'a pas de soucis. Salut Steven. Salut toute l'équipe. Salut. Car en tout cas, ajouter ma chérie. Bah non, mais à part que venez découvrir le sport. Ah oui, fais la promo là, c'était où le truc là, le 17 mai? Juste vite fait Caroline, n'hésite pas à m'envoyer une photo à Polo at funradio.fr, P-O-L-O. À chaque fois je crois qu'il dit à poil. À Polo, P-O-L-O. À poil aussi. Funradio.fr. Ouais, si tu peux nu, ça serait bien. Voilà, mais, à poil at funradio.fr. J'aimerais bien voir à quoi tu ressembles. Je peux t'envoyer une photo de moi en tenue? Eh bah ben parfait. Ah bah oui, bah bien sûr, avec plaisir. P-L-O at funradio.fr. Est-ce que tu ressembles à merde, Panthère là, Aiden Panthère? Je ne sais pas qui c'est. Alors c'est la petite blonde très très très mignonne. Non, qui dans joue, Heroes, non. Qui joue dans Heroes, non? Non. Ah merde. Moi quand on parle cheerleaders, pour moi je vois cette fille là. Ouais, mais c'est vrai qu'elle était pas mal, hein. Ouais, mais depuis que Megumi m'a montré ma nouvelle meuf hier, là, la femme de ma vie, là, Cuoco, là. Ah oui, oui, elle est pas mal. Oh aussi, là Cuoco. là, allez voir, hein, C-U-O-C-O, comme un coco, mais avec un U en plus. Elle est bonne, hein, putain. Oh putain, quel scandale. Ouais. J'en reste bouche bée, hein. Ouais. Oh là. Ah. Surtout quand elle était nue mais peinte avec le drapeau américain. Ouais. Non, c'est Superman. Superman, oui, je dis de la merde, Superman. Oh là là. Elle est bonne. Hein. Oh oui, enfin. Oh la vie est dure. Bon bah Caroline, merci d'avoir appelé en tout cas. Bah merci à vous et Michael, y a moyen d'avoir un petit pack ou pas? Oui, bah évidemment, tu vas gérer ça avec Sandro, je te le repasse sans problème. Merci. Salut. Allez, bonne soirée l'équipe. Ciao Caro, bye. On va prendre Nicolas également pour parler des fantômes là, qui appellent de Cannes-sur-Mer. Ça va Nicolas? Ouais, toi? Bah très bien Nicolas. Alors toi, t'as déjà rencontré des fantômes? Ça fait pas mal Nicolas? Nicolas, ça fait mal? J'en ai pas rencontré, mais contre j'ai peur d'en rencontrer parce que genre il y a un mec dans ma résidence. Ouais. Et bah il s'est pendu. Ah c'est sympa ça. Ouais. Et d'ailleurs par solidarité on va tous parler comme ça. Une minute. Supprimer l'antenne pendant une minute pour bâtardise et se moque de ses camarades au coin pendant une minute. Voilà, bon, hop, c'est fait. Alors bon, Nicolas, donc il s'est pendu. Bah oui, mais c'est une chose qui arrive, il y en a plein qui se pendent, hein. C'est pas pour autant que la maison est hantée. Ouais, et autrement il y a plein de morts en fait dans ce résident. Ah c'est sympa, tu sais que Fun c'était un bordel avant. Véridique, hein. Non mais c'est vrai. Maison close, ouais. C'était une maison close, ouais. Là où on est dans les studios, ouais. Il y a je sais pas combien de dizaines d'elfes, enfin même plus encore, c'est combien de... Il y a 20 ans? Non, plus de, dans les, en 1800. Ah oui, c'était il y a encore plus longtemps, il me semblait bien. 1900, etc. Et bah, c'était un bordel. C'est sympa, hein. Ouais, toi, il voudrait parler, en plus c'est un sujet qu'il aime bien, mais il peut pas. C'est dommage. Ah, ça a baisé un peu partout, ça, là. Putain, ça a niqué. Encore la chatte, ouais. Et d'ailleurs, c'était déjà la place de l'enculé, Toff. Et bah, c'est ça, et bah oui. C'est pour ça que c'est la place du con, c'est pour ça. Bon, et donc, Nicolas, depuis, donc il y a des morts partout, donc du coup, il y a des fantômes, quoi. Bah, ouais. Ah, ouais, d'accord, ok, très bien. Ah, ça y est. La en plus, je voudrais travailler à Fun Radio. Tu voudrais bosser à Fun? Ouais. Et bah, tu veux faire quoi? Bah animateur. D'accord, mais très bien, t'as déjà commencé, t'as déjà fait une petite radio là, une petite web radio ou une petite radio locale? Non, bah l'année prochaine là je vais essayer de trouver un stage. D'accord. Et bah comme ça tu iras chercher le café à Polo. Ah bah oui, viens porter voilà, le café. C'est ça. Hop là, chercher les cafés, ouais, ça va être parfait, ça va être parfait. Bon bah Nicolas, bah merci à toi en tout cas, puis bah bonne chance pour la radio, on sait jamais, hein. Peut-être à bientôt. Ouais. Salut Nico. Salut. Ciao à toi. Amélia dans quelques minutes, t'es là Amélia? Ouais. Bon, Amélia de Nancy, pour tu voulais réagir aux passions toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah bah vas-y, on a plus Caroline, mais c'est pas grave, vas-y Amélia, on t'écoute, sois la bienvenue. Ah, bah moi en fait, ma passion c'est, en fait, je suis fan mais à fond des One Direction en fait. Ah, les One D. Ouais, tu es une directionneuse. Directionneur. Direction, ouais, mais enfin je le disais à la française quoi, directionneur, ok, très bien. Bon, bah, pourquoi t'aimes bien les One D? Je sais pas, ils sont beaux, ils sont bien, et puis voilà quoi. Ah, ils sont beaux, ils sont bien, ils sont tellement ouf. Avec Toff, on a créé un groupe aussi, c'est les 2D. Ouais. Les deux d'érection. Ouais, c'est ça. Les deux érections. Les deux érections. Les deux érections. Les deux érections ou les deux érections? Les deux érections. Les érections. Les double E. Ouais, c'est ça. Ouais. Regarde, tu kiffes ou pas là comme ça, l'Amélia? Ouais. Vas-y, touche-toi un peu là. Ouais. C'est quoi celle que tu préfères? C'est celle-là. C'est celle-là. Story of my life. Oh yes. Oh yes. My life. Allez, Toff, avec toi. Ouais, Toff, un moi. Jour aussi une chanson sur sa vie, ça, ouais, ça, ouais. L'histoire de sa vie. Oh là là, ça va être beau. Que des drames, que des drames. Ça va être magnifique. Et t'as déjà été le voir en concert ou pas? Ouais. Et alors, c'est cool? Oh ouais, mais c'est chiant parce qu'il y a trop de monde, on voit presque rien. Ah ouais, mais ça, c'est les connards, il y a trop de fans. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, faut. Bah oui, c'est ça. Du coup, alors que s'il y avait aucun fan, t'aurais la salle pour toi toute seule. Ouais. Ah ouais, ça serait. Ah bah, ça serait vachement bien, c'est clair. Ouais. Bon, bah, Amélia, c'est très bien, tu les as jamais rencontrés? Comment? Tu les as jamais rencontrés? Pas personnellement, non. Non, enfin, tu les as vus en concert, mais tu as jamais parlé ou quoi que ce soit, quoi. Ah bah non. Eh bah, très bien. Bah, merci Amélie d'avoir appelé en tout cas. Hein. De rien. Je te fais des gros bisous, passe une bonne nuit, à bientôt. Bisous, bonne nuit. Salut Amélia, il y aura Romain et Célia dans quelques minutes, on aura Quentin pour parler des fantômes. Et je vous l'avais promis tout à l'heure, là, on l'avait demandé. Hop là. Oui, Katy Perry maintenant, Dark Horse sur Fun Radio. Il est 1h05, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là, on est en direct jusqu'à 2h du mat, prévenez vos potes, c'est sur Fun Radio que ça se passe dorénavant. Let's rage. Allez, le son de Katy Perry, Dark Horse sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god, Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Avec tous les messages qui arrivent, il y a Alan qui dit Katy Perry avant d'aller se coucher avec Mickaël No Limit, c'est parfait. Ah bah oui, j'aimerais bien aller me coucher moi aussi avec Katy Perry. Ophélie des One Direction. Attends, c'est toi qui la virais. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, on a mis la vidéo, mais il y a oui, vraiment eu oui. une petite histoire très brève, certes. Oui, bah après, voilà, oui. La photo, la preuve est sur le Facebook de l'émission. Tu la virais. C'est bon, vrai, ouais. Mais la laine. Oui, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, il y a Ophélie Wendy qui dit Mickaël, j'ai enculé un moustique. Très bien. Le pauvre. Écoute, oui, oui. Il y a DJ Gizmo également. Les basses qu'il y a dans ce son sont juste énormes. Waouh. Ah oui, oui, dans Katy Perry, là, il y a des basses. Hein. Ah oui, non, c'est. Ah, les basses sont à la hauteur de ses paires de boobs. Oh là là. Ah, énorme. Fabrice également, moi, je suis passionné par les Templiers. Je cherche leur trésor depuis 6 ans. J'ai écrit un livre sur les recherches que j'ai faites. J'espère les sortir cet été. Eh ben, je te le souhaite, Fabrice. Johan aussi. Sur l'application Mickaël No Limit sur iTunes. Salut l'équipe, moi mes passions c'est l'ultra trail, le snowboard et le mountaineering. C'est quoi le mountaineering? Le mountaineering, je sais pas ce que c'est, Johan. Bon, et Andreas qui dit aussi Polo reçoit jamais les photos, mort de rire. Non, c'est ça en fait. Hein. Il demande des photos de meufs à Walpé à chaque fois, ou même rien. Pas Walpé et rien. Même pas de rien. Oh là pas là. Un seul poil de chatte. Alors Mika Misaki. Oh putain, il m'a mis une photo sur le Twitter, l'enculé là, de ma meuf Cueco là, regardez. Il met ça sur le Twitter quand nous, je me concentre. Oh là là là là. Comment là voulez-vous que. Oh, ça va être dur de finir l'émission là. Comment voulez-vous que je me concentre? Oh là là. Je retweet. Oh là là, on n'a pas vu le bas en plus hein. Oh là là là là. Je retweet immédiatement. Ah, moi j'annonce, hein, à la pause je vais me branler. Ah putain, c'est dur. Attends, je retweet là. Je retweet de suite là. Et sinon, le mondioring, c'est les trucs. C'est les on s'en branle là, on est sur la fille là. C'est quoi le mondioring? Il y a des choses plus importantes, nous emmerdent avec ce mondioring là. Ouais, moi je m'en fous. Bon, c'est moi, quoi je sais le mondioring? Non, on s'en fout. Oh bah, va te faire enculer. Hein. C'est quoi quoi, les, tu sais quoi, c'est les combats, toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. C'est les dressages de chiens, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est dressage de chiens, d'accord. Ouais, bon, on peut faire la meuf. Je reviens sur la meuf, mais sur le Twitter, c'est quand même bien fait sur le Twitter. Si vous avez Twitter sur l'ordinateur, alors sur les applications, je pense pas que ça marche pareil, mais sur l'ordinateur, vous allez voir le message, ben, le retweet que j'ai fait en l'occurrence. Il y a vraiment que le principal, hein. Twitter a sélectionné ce qu'il fallait, hein, Polo. Oh là là. On voit que la paire de ouf. Moves, j'adore. Ouais, Twitter, il sait ce qui est bon. Ah, mais oui, Twitter, il déchire. Donc, allez voir facebook.com/mikaelofficiel. C'est. Ah, bah, il y a tout. C'est le festival du retweet, là. Fou. Il y a Dédé qui dit: tu veux voir une belle nana, tape Miss Estonie 2013, catégorie 17-18 ans sur Google. Ouais, bon, bah, pas les mineurs. Sauf si elle a déjà 18 ans. À ce moment-là, on va regarder. Non, on peut faire l'autre, là, notre salope à nous. Ah, là. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle, là. Mais c'est pas une salope, non, je parle pas de Sandro, je parle de Queen. Justement, c'est, ouais, je croyais que tu parlais de Sandro, moi ça me dérange pas. Je mais parle de cuir, de coconne, de cocotte. Non, c'est-à-dire que je veux bien. Ah ouais, Miss Estonie. Et toi, Taf, c'est toi, tu vas déborder, tu vas dire une connerie. Non, mais on peut prendre un ticket. Voilà. On attend les 18 ans. On met une option. En fait, c'est comme si t'achètes un nouvel appareil, tu sais, quand il sort, tu précommandes. Voilà, là tu peux faire une précommande. Ah ouais, elle est mignonne, hein, putain. Ouais. Ah ouais, j'en reste bouche bée également. Christophe qui dit: voilà, c'est fait pour le régime, ma grosse Sandro. Très bien, mais continuez à l'appeler, n'hésitez pas. C'est possible d'avoir un message de bienvenue, Biard. Ah bah, on a le nouveau là, hein. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras parler. Voilà. Il y a Virginie66 qui dit: ma passion, on va essayer de faire des bougies en gel. D'accord, Virginie, écoute, chacun sa passion. C'était pas bien de critiquer. Oui. Non, on n'a pas critiqué. C'est vrai que faire des bougies en gel, c'est pas mal. Exactement. Salut Mickaël, je sais pas si tu lis les messages à l'antenne, mais j'aurais voulu avoir des idées de petites blagues à faire, bah justement, aux collègues demain pour le 1er avril. Si tu peux en parler, bisous à tous, c'est Myriam. Bah, on en parle depuis tout à l'heure. Alors justement, si vous avez des idées, j'en ai vu quelques-unes passer, on va faire un petit best-of de toutes les idées là maintenant, n'hésitez pas. Hashtag Mickaël, vous pouvez nous appeler aussi pour parler du 1er avril, ce que vous avez prévu pour demain. En nous appelant donc au 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851, 4x0 depuis la Belgique. Donc j'ai vu un truc super drôle à faire, tu sais, les espèces de trucs pour les dans les matchs de foot là, les cornes de brume, ouais, avec la bonbonne et tout. En fait, il y a un mec qui monte ça sur internet, il l'accroche, il le scotche sous le siège de d'un de ses collègues, je sais pas quoi. Exactement. Voilà. Et quand le mec va pour s'asseoir, et en fait ça appuie sur la corne de brume. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est drôle. C'est pas mal. Voilà. Mais parce que j'ai deux cornes de brume différentes sous la table de mixage. Ouais. Ça, c'est quand je bouge avec mon navire. Ah bah oui. C'est pour prévenir les autres. Émilie qui dit: je te remercie vraiment beaucoup Mickaël pour le téléphone, vous êtes tous géniaux, je continuerai à vous écouter avec grand plaisir, merci, bisous. De rien. Émilie qui a gagné la colle il y a une bonne demi-heure là. Et Melvin également: Mickaël, viens en Guadeloupe, c'est 10 fois mieux que la Réunion, nous on n'a pas de requins. Ouais, vous savez quoi, vous emmerdez pas, je vais venir aux deux. Voilà faut être sûr, faut vérifier. Mieux vaut se forger un avis soi-même, hein. C'est quand même mieux pour tout le monde. Et Denash aussi qui dit: pour les vampires, si t'as de l'argent sur toi, il y a pas de problème. Et DN04 qui dit: salut Mickaël, je viens de regarder ta vidéo sur la drague, je suis mort de rire, mais tu oublies de leur demander comment elles te trouvent. Passe un vieux son ce soir. Ah bah pourquoi pas. J'ai oublié de demander comment elles me trouvent. Ouais, mais en fait t'as pas le temps d'y arriver à chaque fois. Ah oui, mais à chaque fois c'est parce que je me prends une claque. Bah oui, mais bon, attends, j'en prends une, je vais pas continuer après. En même temps les meufs se barrent, donc j'ai même pas le temps de les appeler, hein. Mais je reste persuadé, encore une fois, j'ai beau me répéter que à la cabine de bus, là, je pense qu'il y avait moyen de gérer quelque chose. Ouais. Si j'ai peut-être un peu, je sais pas, je crois que c'est parce que la meuf, la deuxième, parce que donc dans la cabine de bus, il y avait deux meufs, et je parle à l'une et je termine à l'autre, par l'autre. Ah. Et je pense que la seconde s'est dit: putain, je suis la deuxième roue du carrosse. Mais si tu regardes bien, je pense qu'elle est jalouse que tu aies parlé à. Mais c'est ça, deuxième roue du carrosse. Ouais. Si j'avais peut-être choisi elle en première, bah. Ce serait peut-être mieux passé, je sais pas. Bon, allez voir la vidéo en tout cas, elle est disponible sur le YouTube. Vous n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tapez Mickaël officiel sur YouTube pour nous trouver. Vous vous abonnerez à la chaîne comme ça. Pareil aussi, vous pouvez voir la vidéo sur le Facebook de l'émission si vous n'avez pas YouTube. facebook.com/mickaël officiel. On a essayé de voir ce que... comment ça se passait avec l'idée d'Adèle, un auditeur qui était passé à l'antenne, qui nous avait dit: ouais, moi j'ai un plan, trois solutions, trois phrases, en trois mots même, trois phrases on va dire, j'arrive à pécho des meufs. On les a essayées et c'est vrai que sans avoir d'acteur ou d'actrice, c'est plus compliqué d'y arriver. Hein. comme vous allez pouvoir le remarquer en regardant les vidéos. Alors évidemment, il y en a d'autres qui payent des acteurs et des actrices. Évidemment, ça passe crème à chaque fois. Ah bah oui. Bah oui. Mais évidemment, quand on les paye pas, c'est plus compliqué. Bon, bah, allez voir, vous ferez votre avis vous-même également. Partagez-la avec vos potes également. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a un message également de Isra qui dit urgent, urgent, j'ai besoin d'avoir un message de bienvenue. Ça fait 10 ans que je l'attends. Alors ça m'étonnerait si tu veux, parce qu'il y a 10 ans, comment te dire? Bon. Le mec qui comprend pas les façons de parler. Alors attends, je vais t'en trouver une là, voilà. Quand je vais te déboîter ta tête, tu vas comprendre. Voilà, tu vois, t'as vu, t'as compris ? Va te faire enculer. Eh bah voilà, exactement, ouais. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà. Et Alan également, le coup de l'arrêt de bus était le meilleur. Oui, je trouve aussi, hein, mais j'ai raté mon coup. Qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Ça arrive. Bon bah oui, bah allez la voir la vidéo. Il y a Thomas également qui est avec nous, là, Thomas de Metz. Salut Thomas. Salut Michael. Comment va ? Ça va et toi ? Très bien, prévu un truc pour le 1er avril. Ouais. Ah, parce qu'il y a plein d'auditeurs qui veulent faire des vannes demain, mais ils sont un peu en galère d'idées là. Alors vas-y, on t'écoute. Alors moi c'est pour une petite blague avec des gâteaux, donc c'est les Oreos. Ouais. C'est remplacer la crème qui est dans les Oreos, par du dentifrice. Oh. C'est pas mal. Et surtout, attends, juste je t'interromps, mais il y a une cut qui me rend fou. Pourquoi Toff ne veut pas me mettre dans le selfie? Alors Toff, pourquoi est-ce que tu as zappé une cut? Est-ce que t'as reçu son... Parce que ça fait quand même 4 jours qu'il me dit pourquoi je suis pas dedans? Et pourquoi tu m'as pas mis? Et puis après j'ai mis sur sa gueule. Et d'abord, j'ai dit c'est la gueule de Toff. Alors maintenant c'est pourquoi Toff? Eh ben je sais pas qui c'est, mais donc je vais expliquer aux gens qui me spam pour être dans les selfies. Dans les selfies, c'est que nous avons un truc à la radio qui s'appelle un firewall et que donc ces gens-là en fait sont envoyés directement dans junk mail et que la photo est effacée. D'accord, ok, mais pourquoi eux? Bah parce qu'en fait c'est ceux qui spam, c'est ceux qui ont dû en envoyer 50. Ah oui, bah voilà, bah faut pas en envoyer 100 000 mails, hein. Vous envoyez un mail comme tout le monde, on est pas des sauvages. Et donc c'est pour ça, si t'envoies plus de 3 mails d'affilée, en fait t'es considéré comme un spam chez nous. Bah voilà, une cut à ta réponse si c'est ce que tu as fait. Dans un autre cas, tu envoies un mail avec une photo et tu seras dans le groupe avec tous les selfies des auditeurs. Voilà tout simplement. Tous ceux qui sont arrivés dans ma boîte ont été mis en ligne. Voilà, comme ça maintenant on sait. Il y a Balom BG aussi, vraiment bien la vidéo, bah merci Balom. La petite fée également qui dit mais pourquoi vous parlez des fantômes, j'ai peur. Mais non, la petite fée, t'inquiète, tout va bien. Bon alors Thomas, donc excuse-moi de t'avoir interrompu. Donc toi tu disais 1er avril, Oreo, donc t'enlèves le blanc, tu mets du dentifrice au milieu. Ouais, c'est ça. Mais déjà essayé, validé, tout ça. Ouais, j'ai déjà essayé sur moi-même, je peux te dire que le dentifrice sur la bouche. Le mec teste ses vannes. Ah bah oui. C'est bon ça, non mais c'est bien. C'est bien de le faire, il y en a qui font la vanne et puis. Je conseille pas d'avaler. Putain, ce sera bien demain. T'imagines, tu laisses au morning, tu laisses la boîte d'Oreo. S'ils vont tous arriver. Oh, des Oreos. Dans le fion. Putain, dommage. Là, on peut plus en acheter. Là. Si, il y en a en bas. Ouais, mais on n'a pas de dentifrice. Merde. Si, on va au drugstore, des champs. Ouais, mais sur un seul truc comme ça, sur un petit. Parce que tu vois, dans la grande boîte, tu peux. La grande boîte, tu l'ouvres. Tu peux les remplacer, refermer, t'as l'impression qu'elle a jamais été ouverte. Alors que le petit paquet d'Oreo, si on le laisse là, bah s'il est ouvert, le gars va le jeter parce qu'il sait pas d'où ça vient et puis voilà. Ouais, non, c'est vrai. À moins qu'on mette le paquet d'Oreo en disant servez-vous. Mais sachant qu'on leur fait jamais de cadeau, faut trouver ça louche le 1er avril qu'on leur fasse un cadeau. Il y a quand même quelqu'un qui a préconisé pour le 1er avril que moi et Toff devions chier sur la chaise à Bruno. Je ne vois pas pourquoi. C'est ridicule. On peut trouver mieux comme van, mais le coup de l'Oreo, ça se laisse réfléchir, non? Non, mais ça se. Ah, mais où est-ce qu'on peut trouver des Oreos? Eh, mais justement, on n'est pas obligé de le faire le 1er avril. Oui, on peut faire c'est un peu son anniversaire là, à chaque fois j'oublie son nom. Alice au pays des merveilles, son anniversaire, nous on fera le non 1er avril. Voilà, et on fera ça tous les autres jours. Moi voilà. J'aime bien l'idée. C'est une bonne idée. Bon, d'autres idées Thomas éventuellement pour ceux qui comme nous pas d'Oreo, pas de dentifrice? Rien de spécial, non. Mais l'idée est déjà bonne, cela dit. Attends, il y a également Johan avec nous de Marseille. Salut Johan. Salut Michael, bonjour Michael. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Bon, alors à Marseille, qu'est-ce qu'on a comme idée pour le 1er avril? Eh ben moi demain, je vais réveiller ma meuf. Et ce que je vais lui faire, c'est en fait, c'est que je vais mettre dans son chocolat, je vais prendre un vrai bout de papier. Et je vais comment passer le 1er avril. Et je vais faire la blernée, c'est un gâteau, déjà vu. Et après, je vais faire manger. La pauvre. Voilà. Et ouais, la pauvre, normal. Mais tu l'aimes pas, tu l'aimes pas ta meuf? Eh bien sûr que j'aime, tu m'as daté. Non, sinon il y a... Non mais pour lui faire ça, je veux dire. Oh, te passer une petite blague. Mais bah oui. Tu verrais tout ce qu'elle me fait comme blague de. Ah non, ça va. Alors, non, bah, alors si elle aussi, si elle est comme ça aussi, alors vas-y. Ouais, pas de problème. Sinon, si vous voulez faire un truc super, un truc super bien, votre meuf. Vas-y, ouais, vas-y. Super bien. Ouais, c'est vous prenez le sèche-cheveux, vous le remplissez de farine. Ah, c'est drôle. Et quand elle va l'allumer, je pense que vous allez pouvoir vous marrer pendant un moment. C'est pas mal. Bah, alors le problème, c'est que tu vas te marrer. Elle va te casser les couilles pendant 2000 ans, mec. C'est-à-dire que ça va ressortir pendant 107 ans. C'est-à-dire que même quand tu vas. Pour peu qu'elle ait un rendez-vous le jour, tout ça, enfin tu vois, qu'elle sait qu'elle s'est un peu en speed. C'est-à-dire même quand tu vas te réincarner, elle va venir te casser les couilles. Ah ouais, ouais, même quand tu seras réincarné en plante, elle va venir t'emmerder encore en disant tu te souviens à l'époque, quand on était des humains, tu m'avais fait ça, connard. Ah ouais, non, elle est capable de t'arracher les pétales. Ouais, mais c'est bon, moi je. Bah oui, c'est moi, vrai. Je trouve ça drôle. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah merci Johan, merci Thomas. Ouais, de rien, de rien. Je peux passer une petite dédicace. Mais vas-y Johan, à une seule personne, ouais, choisis la bonne. Bon, ok, bon, bah déjà je passe une dédicace à ma femme et en chassant que. Ah merde. En sachant qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je l'aime, bisous. Oh, bah, on va te mettre la musique de l'anniversaire. Je me mets un an. Voilà, bon anniversaire à toi Johan. Merci, c'est gentil. Putain, t'es né le 1er avril. Oh, c'est ouais. Dur quand même. Merde. Quand t'as marre. Ah oh putain, 1er avril. 31 mars, pardon, j'avais pas entendu. Eh ouais. Oh ça va, 31 mars. Ah bah non, alors c'est terminé, je dois enlever la musique là. Oh là là, c'était hier. De quoi ? C'est trop tard là, on est le 1er avril, là, c'est plié là maintenant là. Eh ouais, je sais, bah, on a fait mon anniversaire, voilà. D'accord. Et moi j'annonce, hein, c'est le 19, dans 19 jours, hein. N'oubliez pas le cadeau. Oh, rien d'exceptionnel, hein. On va faire venir QQ machin là. Oh putain, grave. QQoko. Ah. Non mais si je t'emmène des belles meufs, hein. Ah bah non, mais après pas spécialement, tu vois, mais là pour QQoko. Non mais c'est vrai. Tu sais, regarde, j'ai jamais trompé ma meuf, mais. Mais là, il pourrait faire un effort. Non. Mais non. Vais, tu vois, par exemple, si ma meuf me trompe, ouais. Je pense pas que je lui en voudrais s'il me trompe avec le canon du Polo par exemple. Non, certainement. Mais arrête de te prendre sur ma meuf Polo. Mais je change de page, regarde, c'est là. Chien va. Chien que tu es. Non mais voilà, tu vois, si elle couche un jour avec Brad Pitt, bon bah c'est pas grave, tu vois, bah, c'est Brad Pitt. Ouais. Bah, j'espère qu'elle pensera pareil si. Hein. Ouais, si je rencontre un jour Miss Cuco là, si je rencontre Miss Cuco, qu'elle me dise bon, ok. Ok. Mais c'est pas trompé, hein. C'est eh pas. Bah, vas-y. Non, mais oui, mais vas-y, mec, je connais pas Cuco, là, sinon. Si elle passe tous les jours, là, dans le dos. Alors, Cuco, c'est la meuf qui joue dans. Merde, je joue Big Bang Theory. Big Bang Theory, c'est la petite blonde. Sauf que dans Big Bang Theory, déjà, elle est pas mal, mais alors, je dois dire qu'avec l'âge. Elle est encore mille fois mieux. Waouh, un truc de ouf. Allez voir, hein, je peux. Désolé, je connais pas. Non, bah, va voir, mec. Alors, tape C-U-C. Non, C-U-O-C-O. Et son prénom c'est quoi encore? C-U-O. Kaylee. Calais. K-A-L-E-Y. Voilà. Kaylee et leur C-U-O-C-O. Tu vas voir la bimbo mec. Wow. Sérieux? Et sinon elle est sur Twitter de l'émission, il y a un auditeur qui l'a mise et je l'ai retweeté. Ouais mais attends deux secondes. Le problème c'est que là dans 3-4 mois je vais me marier avec elle. Non mais c'est pas grave, attends mais c'est pas. C'est rien, c'est pas parce que tu vas te marier que tu peux pas regarder une fille sur internet. Et même tout court. Vas-y, va voir. Ouais, ben moi je suis un fou d'amour. Mais et alors, c'est pas grave. Et c'est pas parce que. Alors quoi, c'est parce que t'es au régime, tu peux regarder la carte. Bah c'est pareil. Et bah, c'est la même chose. Voilà, ouais. C'est la même chose. Bon, tu me diras, Johan, d'accord. Bah c'est quoi là, enfin, en même temps, je vais aller sur le site. Eh bah très bien, bah vas-y, bah, vas-y. Très bien. Ça roule. Allez, ciao, merci. Salut Johan, ciao à toi, on embrasse tout le monde à Marseille. À bientôt. Ciao à toi, merci beaucoup Johan. Thomas, t'as été voir la fille ou pas toi? Ouais. Oh là, et alors? Ah bah canon. Oh là là là là là là là là. Ah ouais, scandaleux. Ah bah oui. Oh là, un truc de ouf. Un truc de fou. Bon bah merci Thomas d'avoir appelé. Bah merci, je peux passer une dédicace? Bah vas-y, il y a une seule personne, vas-y, choisis la bonne. Bah à Joey qui nous écoute à Belfort, qui t'est venu te voir. Ah bah très bien, bon on l'embrasse, très bien, parfait. Moi, voilà. Ça roule, bah merci à toi et puis bah à bientôt Thomas. Bah à bientôt, je peux avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse. Salut, bah, salut. Allez, salut. Ciao. Bon, puisqu'on est dans les bonnes, dans les jolies filles. Oui. Parce que Cuco là, c'est pas qu'elle est bonne, elle est, je trouve jolie. Oui, non, elle est pas mal. Bah, elle est hyper bien roulée, évidemment, mais je veux dire, elle est, voilà, elle est jolie. Tiens, il y a Jay Lapointe qui dit pour le 1er avril, je conseille les petits choux à la moutarde. Pas mal. Il y a Beauté d'Orient sur le Facebook. Parlons de fantômes. Il y en a un qui vient d'apparaître. Je vous jure que c'est vrai. Mon chef vient d'arriver. On était si bien sans lui. Ah, bah, bon courage. Bon courage. Bon, comme on parlait de jolie fille, on va se faire Shakira. Ah, oh, oui. On va l'écouter plutôt, hein. Oh, le nouveau avec Darl, là, là, là, sur Fun Radio. Juste après, on fait les appels de Toff. Il est 1h26 sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limite. Si vous débarquez pour la première fois, sachez que vous avez certainement bien fait votre radio. C'est peut-être arrêté sur Fun par hasard. Et restez là puisque vous avez de fait justement trouver enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. C'est Mickaël No Limite sur Fun, 23h, 2h la semaine et 20h minuit le dimanche. Lego. Lego. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec les appels de Toff qu'on va faire dans quelques minutes. Mais avant ça, vous le savez depuis hier, pour ceux qui sont fidèles de l'émission, on a commencé un nouveau régime. Alors c'est pas vraiment un régime, enfin c'est un régime ventre plat. Ouais. Donc le but, on n'est pas à la course au kilo, on est à la course au centimètre. Enfin, plutôt on essaie de virer les centimètres. Ouais. Et donc on a trouvé un nouveau régime, soi-disant, c'est pour ça qu'on va le tester pour vous. Vous pouvez le tester avec nous si vous voulez. Le principe, donc, le matin, il faut boire un verre d'eau chaude avec du citron pressé dedans. Voilà. Mm-hmm. Ou du thé, éventuellement, oui. Thé menthe avec le citron. Parce que c'est hardcore, le citron. Ouais, le hardcore tout seul, le citron tout seul, c'est un peu hardcore. Donc, évitez tout ce qui est, évidemment, dessert, évitez tout ce qui est alcool, donc apéritif, tout ça, on c'est bannit. C'est interdit. Buvez de la flotte, évidemment, à la place des coca, même de l'eau pétillante, tout ça, banni également. Il faut manger des asperges, manger de l'ananas. Oui, ça c'est bon également, puisque des fibres également. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah oui. Et éviter les chewing-gums et éviter de manger trop vite. C'est vrai. C'est ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut éviter de faire. Hier, Polo s'était mesuré le bide et avait un petit 104 cm de tour. 1m05, c'est mieux de dire 1m en fait. Ouais, c'est, ça fait plus violent. Ouais. C'est l'équivalent d'un doux. Ouais, voilà, c'est ça. 1m05 de tour de ventre. Et là, je suis à 105. Ouais, ouais, mais c'est le premier jour. C'est le premier jour. Écoute, bon, donne-moi pour voir. On verra. Ah, moi, je faisais ça, combien 94 hier. 94 hier, ouais. Alors, attends. Attends, comment ça marche? Ah oui. Non, parce que c'est un mètre ruban chinois. Hein. Voilà, et derrière, il y a les mesures en anglais et les mesures en... Oh merde, attends, évidemment, je l'ai mis à l'envers, là. Oh là là, quelle merde. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Eh ben 94, hein, ça n'a pas bougé. Ouais, ça n'a pas bougé, rien perdu, parfait. Rien pris, rien du tout, il s'est rien passé. Bon, en même temps, j'ai bouffé un Giant tout à l'heure. Ah bah bravo. Bah oui, mais c'est ça, c'est 94, sinon je serai à 93 là. Bon, et Toff qui était un petit 101. 100 tout rond. 100 tout rond, voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il a pris un peu là. Tu crois? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pris un peu. On fait le tour hein, pour l'instant de tout le monde là. Donc Polo a grossi alors qu'il est au régime depuis ce matin. Moi j'ai stabilisé alors que j'ai pas forcément suivi les règles. Et Toff qui lui a fait le bordel, il t'a... À 100 pareil. Bah voilà, bah très bien, bah ça n'a pas bougé. Il y a Polo qui est encore le grand vainqueur de l'affaire, hein, comme d'habitude. Bon, et merci. Sandro qui était donc... Alors qui elle a commencé son régime depuis 1h32 minutes. Voilà. Et qui était à 71 hier, c'est ça, de tour de ventre, donc, enfin de taille. Hein. Et là, on en est à combien? Oh là là là là là là. Combien? Non mais tu t'as rentré ton bide hier. Oh là là là. Combien là. 64. Oui, c'est ça, 74. Ouais, non, mais... ouais. J'ai le ventre gonflé. Ah bah oui, ah bah tu le sens pas, je te le confirme. Mais alors, tu sais quoi, et j'ai mangé beaucoup de pain aujourd'hui. Ah oui, hein. Bah, ça, ah bah oui, je vais oublier, ne j'ai mangez bouffé, pas de pain, bien sûr. J'ai bouffé sandwich croissant. Mais voilà, ce mais soir, c'est parfait. Pain avec du fromage, et c'est je pense que le pain parfait. Ça fait gonfler grave. Ah bah oui, bah oui. Évidemment. D'ailleurs, c'était une des lignes dans le truc que j'ai oublié de dire, hein, ne pas manger de pain. Ouais, ça fait gonfler. Ouais, donc là, t'as tout fait pareil, tout ce qu'il fallait. Non, mais je viens de commencer, moi. Ah bah depuis 1h32, donc là, voilà. Donc les deux vainqueurs, bon, Polo, c'est la marche d'erreur hein. Ouais, c'est pas, ouais, pas c'est un centimètre, on va à pas. Sandro, c'est la marche de gras hein. Là, ça c'est. Ah oui, ah bah oui. Ah merde. Ah bah là, ouais, là, moi je stabilise, toi fais-moi, on stabilise. Ouais. Voilà, on n'a pas pris aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui bien, on n'a pas pris, on va voir demain. Hein. Dites-nous d'ailleurs hein, si vous faites votre tour de taille, là, est-ce que vous avez perdu ou pas depuis, depuis hier. Chloé qui dit, mais arrêtez d'être méchant avec Toff, regardez-le, il est trop chou. Moi en tout merci cas j'adore. Merci Chloé, mais attention moi aussi, Chloé, je t'aime. Chloé, tu as tout à fait le droit d'avoir mauvais goût et je ne jugerai pas. Et des mille caca. Il y a Mika Lapéro qui dit, pour le 1er avril, une petite blague, mettre du gel douche dans les chaussures. Bonne soirée l'équipe, c'est bien ça aussi. Surtout quand t'es bien pressé. Et pour la vanne du 1er avril, tu vas chez ton pâtissier, tu lui achètes des choux à la crème avec de la moutarde dedans. Je l'ai fait dans la pièce montée pour le mariage de mon cousin. Sa femme a vomi sur la table. Seul problème, il savait que c'était moi vu que j'avais fait la pièce montée. Mais on a quand même bien rigolé. Oh putain, je pense que là, ça peut être une catastrophe. La meuf, elle peut ne plus jamais te parler. Et Amo qui dit, Mickaël, tu veux vraiment perdre du bide? Tu prends un petit déjeuner de ouf, un bon déjeuner et un petit dîner et fais garanti sous 2 semaines. C'est pas le perdre que je vais faire là, c'est en prendre. Hein. Ouais, mais là, c'est, tu vas prendre 10 kilos. Attends, Amo, je vois pas depuis quand est-ce que surbouffer ouais fait que tu maigrisses. Ouais. Enfin, ou alors il y a une recette miracle. On a oublié balance, de dire hein un truc. Hein. Ah, ou alors balance l'affaire parce que ça peut intéresser pas mal de monde. Hein. Bon, allez, on va parler de pas mal de avec pas mal de gens. Là, il y a Alexandra dans un instant, il y aura Célia et on aura également la petite surprise. Ah oui, parce que là, ça fait longtemps en plus. Là, il doit avoir les couilles bien remplies. Hein, mais enfin, bon, on va d'abord vérifier les derniers appels avec Toff. Allons-y. Derniers appels, donc, puisqu'on s'est rendu compte qu'un Anglais, était marié depuis 12 ans. Jusque-là, voilà, c'est exceptionnel, normal. Mais ça fait 9 ans qu'il va aux putes. Oui, et qu'il en a 3 par semaine depuis 12 ans. Depuis 9 ans, pardon. Depuis 9 ans, c'est ça. Bah, je pense parfois... que c'est petit à petit. Hein, maintenant, il est arrivé à 3 par semaine. Et que parfois, il s'octroie une petite quatrième pour un petit bonus. Pour la nouveauté. Et donc, sa femme ne dit rien. Elle est OK. Elle est contente. Tout va mais bien. C'est parce que sexuellement, ça va pas top. Hein, donc, c'est pour ça qu'elle est d'accord. C'est vrai. Bon, on y va, on appelle. Allons-y. Allez, on appelle grâce au numéro que vous nous avez envoyé toute la soirée sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. 1h35 sur Fun. Allô ? Oui, bonsoir madame. Ah ben c'est au bon accueil. Bonjour. Hein. Ah rapide. Ah ouais là c'était plus que rapide là. C'est-à-dire que elle aime pas ta voix je pense. C'est hein, l'odeur. Là. Ouais je pense ouais. Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Ouais, bah enfin bon là elle l'a pas dit, elle a pas été aussi violente. On rappelle ? Bah oui. Bah ouais, parce que là on a. Peut-être eu un problème technique, hein, ça a peut-être coupé. Allez. C'est avec les télécoms. Allô ? Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si il arrivait à votre mari d'aller aux putes, madame. Non mais vous êtes cinglé ou quoi ? Mais non, pas du tout, madame. Pourquoi vous dites ça ? Allez, salut. Bah, attendez, allô ? Bah oui, mais enfin, elle répond pas à la question également, la merde. Ah non, faut rappeler. Bon oui, évidemment qu'on va rappeler. Allez, c'est parti, 1h36, on y retourne. Allô ? Oui, je m'excuse, madame, on a encore été coupé. Oui. Oui, non, je voulais savoir si votre mari, ça lui arrivait d'aller aux putes. Non mais vous voulez que j'appelle la police ? Mais pourquoi vous voulez appeler la police madame ? Mais arrêtez bon sang ! Mais oui mais répondez à ma question madame ! Et qui vous êtes ? Je suis Toff madame ! Vous êtes ? Toff ! Toff, c'est qui Toff ? Bah c'est moi madame ! Oui alors écoutez, arrêtez d'emmerder les gens s'il vous plaît, au revoir ! Mais je vous emmerde pas madame, allô ! Ah merde ! Oh elle est relou ! Bah oui on la rappelle ! L'auditeur qui avait envoyé le mail avait dit qu'elle était relou. On nous a pas menti sur la marchandise. Allô ? Oui, je m'excuse madame, mais vous répondez pas à la question. Mais vous me faites chier ? Mais pas du tout madame, je vous pose une question, vous n'y répondez pas. C'est vous qui êtes chiante. Écoutez, j'ai mon beau-fils qui travaille à la BAC, alors si vous voulez je l'appelle. Bah, si vous voulez, mais c'est pas lui qui va répondre à la question. Allô ? Il va venir t'arrêter au feu rouge. Donc il va se barrer peut-être tout à l'heure, on va savoir. Il va le démonter, bah ça, ouais. C'est drôle ça. Bon, on rappelle. Allez, si maintenant qu'on connaît quelqu'un qui travaille à la BAC, c'est important. Prochaine fois j'appelle les Schmitt, d'accord ? D'accord, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Je veux pas le savoir, de toute façon ça vous regarde pas si je veux ou si je veux pas. Bah si, c'est alors, pour ça. On va vous faire foutre. C'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Allô ? Oh, bon, on n'arrivera à rien, là, tant pis, hein, c'est oh pas là grave. Là bah là ouais, là mais là qu'est-ce là que vous voulez, c'est comme ça. J'appelle bon, allez. Schmitt, j'adore. Bah ouais. Bon, la petite fée qui dit un petit top tweetos, là, pour bien voir sûr un petit peu un petit point, là. On en est où, puisque je rappelle que dans 22 minutes, on saura lequel d'entre vous a été le plus influent avec le hashtag Mickaël, lequel a été, a tweeté le plus, tout simplement. Et alors, bien, la petite en fée, numéro 5. Ouais. Cinquième. Ah bah voilà, numéro 5, la petite fée. Bah voilà, la petite fée. Alors, numéro 4. Ophélie. Numéro 3. Mariano Limite. Numéro 2. Soufiane. Numéro 1. Fred S34. Ah, les 3 dernières, c'est les filles, les 2 premiers, c'est les garçons. Ouais. Bon, il faudrait inverser la tendance. Il vous reste 20 minutes, hein, allez-y. Hein. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Et la petite fée encore qui dit perso, pour Cuoco, je me mettrais bien lesbienne. Ah bah oui, non, bah ça c'est clair. Hein. Mickaël Apéro qui dit une petite blague cool, mettre de la glu sur le téléphone de la personne et l'appeler après, ça craint. Non, pas avec la glu, parce que hey, franchement, la glu c'est hyper enculé. Bah oui. Parce qu'après, pour l'enlever, c'est limite opération. Ou alors il faut y avec un, limite un scalpel, tu vois. Ouais, pour, ça faut... non, franchement, c'est super chaud. Ouais, ou alors il faut que t'arraches la peau et tout. Non, laisse tomber, c'est une horreur. Ou alors faut rester collé, attendre que t'es la peau se refasse. Ah ouais, super. Ouais. Non mais après, quand c'est encore sur les vêtements, bon, ça nique les vêtements, c'est vrai, mais au moins c'est pas dangereux. Mais quand ça a un rapport direct avec la peau, réfléchissez quand même. Et si on collait la peau, la porte, pardon, du sous-chef? Oh putain, ce serait drôle ça. T'imagines avec la glu. Non, parce qu'il a une autre porte à son bureau, donc du coup c'est bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a Léo qui dit salut l'équipe, je vous écoute depuis peu, juste une tuerie, vous assurez, vous me remontez le moral. Après une journée de boulot, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Bah bien sûr, Léo, avec plaisir. En plus, c'est notre nouvel ami, c'est vrai que j'en abuse un peu ce soir. Je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà, bah voilà. Et Yann également, moi j'y crois aux fantômes, même si à la base non, c'est à cause de la maison et de mes grands-parents que j'y crois. Mais le problème c'est que tu nous as pas expliqué pourquoi, et c'est bien dommage. On va terminer sur les fantômes avec Célia qui est avec nous là, de Lyon là. Célia, t'es là ma belle? Oui, ça va. Oh, une douce. Oh. Une douce. Bon alors Célia, tu crois aux fantômes toi? Oui. Qu'est-ce que t'es arrivé? Dis-moi pourquoi t'y crois. Bah parce qu'en fait avec ma cousine on s'y intéresse beaucoup quand même. Et un jour on a été manger chez moi toute seule. Mm-hmm. Et bah, on mangeait et tout. Après bon, on a fini. Donc on va pour débarrasser. Et en fait la nappe elle est tombée, elle est toute seule, d'un coup sec. Et en gros... Comment? Comment? Non, je sais pas, je continue. Non rien, c'est une vanne, mais c'est rien. C'est tombé un peu à plat. Ouais. Je repasserai. D'accord. Et donc du coup bah on a quand même assez flippé, mais on a parlé à personne parce qu'on avait peur que justement ils se foutent de notre gueule. Ouais. Du coup bah ça reste entre nous deux et puis bah. Bah là maintenant tout le monde est au courant. Hein. Voilà. Ah ouais, là on peut pas faire autrement. Mais ça ne s'est passé qu'une fois. Oui. Est-ce que c'est pas dû aussi au hasard, genre un petit courant d'air, vous avez laissé attacher quelque chose à la nappe qui est glissée, qui est tombée, je sais pas, tu vois, ça peut être plein de trucs. Oui, on y a pensé parce que c'est vrai qu'on flippe assez beaucoup, donc du coup on a dit ouais, bon, c'est bon, ça doit être ça, comme ça. Bah oui, ça doit être ça à mon avis. Enfin, je sais pas, moi, c'est vrai que je suis plutôt terre à terre, j'ai pas tendance à trop croire aux esprits, moi, et c'est mon avis encore une fois, pour moi, une fois que c'est mort, tu vois, mais... Après, je me trompe, j'espère que je me trompe, hein, parce qu'après, tant mieux. Mais non, mais voilà, mais moi, je pense qu'une fois que c'est mort, c'est mort. Bah non, on va revoir Tof dans une autre vie. Hein. Oh mais putain, quelle angoisse, ah bah oui, mec, attends. Ah, ouais. En putois. Je reviendrai. Écrasé sur une route. Non, mais oui, on sait jamais. Bah, merci en tout cas, Célia. Attends, il y a aussi Quentin qui voulait réagir au fantôme là, de Créteil. Salut Quentin. Ah, attends une seconde, Quentin. Ouais, Célia. Oui, est-ce que je pourrais avoir un taxi, là? Oui, oui, tu vas gérer ça avec Sandro. D'accord, merci. Je t'en prie, Célia, je te fais des bisous. Merci, vous aussi. Salut, Quentin, bienvenue. Tu voulais parler des fantômes aussi, toi? Ouais, j'ai déjà parlé avec le fantôme. Ah, t'as parlé avec un fantôme, toi? Ouais, j'ai communiqué avec lui en fait. Ah, et qu'est-ce qui t'as dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en rappelle plus, c'est son temps, mais... Non, j'entends rien. T'as dit quoi? Ça a coupé Quentin. Je m'en rappelle plus ce qu'il a dit, mais en tout cas, je me rappelle qu'on était en flippe. J'ai pas compris, hein, Quentin. Je sais pas si t'as ton téléphone dans la bouche ou sous la couette, mais... Non, en fait, on se rappelle plus de ce qu'il a dit. Je me rappelle plus ce qu'il a dit. Mais vous étiez bourré en fait. Non, mais il s'est passé quoi? Explique-nous comment ça s'est passé. Bah en fait il y a longtemps j'étais avec la famille tout dans le salon, enfin on mangeait tout. Et il y avait un gros meuble en marbre, à un moment on a fait un gros bruit, le meuble en marbre il a été à l'autre bout de la pièce. Ah oui, ça par contre ça peut pas être le vent, oui, ça oui, je n'ai pas d'explication. Oui. Et après en fait j'étais avec des amis tout, on s'est dit vas-y on essaye de communiquer. Avec de l'ami? Non, avec des amis. Ah, avec de l'ami. Non, avec des amis, t'as essayé de communiquer, hein. Et on a fait le truc là, le truc avec l'alphabet là. Avec l'alphabet. Ouais, le Ouija. La table Ouija là. Ah oui, oui. Ouais, on l'a fait dicter. Alors, je suis. Ouais, donc ouais, et puis t'as fait quoi? Bah, on a communiqué avec lui comme ça. Et ça a marché. Ça qui était... Mais comment tu sais que ça a marché? Genre, il y avait une voix ou parce ça a communiqué genre non, avec des trucs qui bougent? Il y avait, on a tous mis le doigt sur le verre. Et en fait, on s'est vous avez bu le verre. Parce que tu vois, pour le coup des verres, je vais donner ma théorie. Enfin, ma théorie, c'est pas la mienne, hein, mais c'est vrai que je pense pareil que ceux qui ont eu cette théorie-là. quand t'es là avec ton truc, ta table, machin, t'es là autour de ta table avec tes doigts, tu touches tes doigts, t'as le verre qui bouge, tout le bordel. Je pense que à un moment, t'as tellement envie, enfin pour ceux qui ont envie, t'as tellement envie d'y croire et que ça soit, et que ce soit réel, que je pense que involontairement, t'as peut-être tendance à faire bouger ce putain de verre. Non, maman, on s'est dit, hey, y en a un qui a fait la connerie de bouger le verre et tout, mais ils m'ont dit, ouais, je te jure et tout, on n'a pas bougé le verre et tout, ça a bougé tout seul. Moi j'y croirais, le jour où il y a un. Bah, s'il y en a un là dans le studio là qui se montre et qui pète la gueule à Toff. D'accord. Là j'y croirais. Ouais, tu ferais moins le malin si Toff il voltige là-bas. Il se retrouve là-bas contre le mur. Oh là là là là là là. Avec là, la tête qui tourne à 360 degrés. Putain, grave. Et avec les yeux qui tombent dans l'autre sens. Ah ouais, alors là on sort au top. Ah, t'imagines, il serait peut-être beau comme ça. Va savoir. Va savoir. Donc toi t'as vécu ça. Bah c'est bien. Enfin c'est bien. T'as pas eu peur toi a priori. Bah non, moi pas moi, mais mes amis, ils étaient en flip, ils tremblaient. Ah, tu m'étonnes. Bah oui, oui, forcément, tu vois le meuble qui bouge et tout, c'est clair. Bah merci mais en tout cas. Ouais. Oui, toi tu quoi? Oui, non, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse, okay, je te repasse. Merci. Sans problème. Salut Quentin, à bientôt. Merci. Allez, merci à toi d'avoir écouté Fun, là, tu restes avec nous, bouge pas de là. Il y aura dans quelques minutes, bah, notre ami Jean-François et puis on aura Polo contre le reste du monde. Si vous voulez réagir, si vous voulez parler dans cette grande émission qui a été promue, maintenant elle passe le dimanche aussi, hein. Ouais, c'est à la demande de la direction. C'est quand même un grand pas dans mon existence. Et oui, exactement. Polo contre le reste du monde, une émission qui dure 5 minutes, qui est à votre écoute, qui est là si vous avez le moindre problème, si vous voulez parler avec quelqu'un qui est justement, comme je le dis, à votre écoute, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui ne vous envoie pas dans le mur, quelqu'un qui vous aime, qui a des conseils, qui a des conseils sur la médecine, qui a des conseils sur la dentisterie. Également. Je sais tout. Tout. Voilà, il a la science infuse. Ouais. Voilà, c'est Polo. Je pense que tout est dit. Voilà. 1h45 sur Fun. On a encore la nuit sans pub ici sur Fun Radio. On se fait pas chier avec de la pub qui sert à rien. Hein. Sauf si Toff, t'as envie d'une expérience gay et hétérocurieux. Ah oui, ça fait longtemps. Alors tu peux peut-être éventuellement trouver ton bonheur. Pharrell Williams, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est Marilyn Monroe. Bienvenue sur Fun. This one goes out to all the lovers. Pharrell Williams sur Fun Radio avec Marilyn Monroe. Ah, il est bien chill. Il a chillé. Et oui, moi, j'ai bien chié. Exactement. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et 1h48, tu auras Polo contre le reste du monde comme promis dans un instant. Il y a Agathe qui dit, moi, mes blagues ont commencé. J'ai réveillé ma sœur en lui faisant croire qu'il y avait le feu à la maison. Par contre, ce qui est drôle... Là, vous allez réveiller votre frère, sœur, n'importe qui, en disant putain, on est en retard. Tu sais, genre si vous allez au bailleux avec elle, putain, on est en retard là, qu'est-ce que tu fais là? Normalement, elle va pas regarder le réveil parce qu'elle va vous croire, évidemment, elle va sauter dans la douche et puis là, le drame. Eh ouais. Elle verra la vérité. Drôle. Ah, mais ça, c'est drôle. Il y a Jay Lapointe qui dit salut l'équipe, petit conseil pour tes abdos, Mickaël. Si ça te fait trop mal au cul ou au dos, fais tes abdos sur ton lit. Mais c'est pas au cul, c'est vraiment au dos parce que je crois que je l'ai fait mal en fait, tout simplement. C'est ça, ouais. Je sais pas faire. Bon, voilà, vous savez quoi, je fais pas, je sais pas faire. Voilà, t'as raison. Je pense que c'est encore le mieux. Au moins, t'es tranquille. Ne t'abîme pas le dos. Bah voilà, il y a Mickey qui dit est-ce que manger des yaourts est contre le régime? Oui, ouais. Ah bah oui, pas de produits laitiers pour perdre du ventre. Alors c'est bien ça, attention, hein, c'est un régime pour perdre des tours de taille, hein, pas du kilo, on s'en branle, on joue pas là-dessus. Il y a Saïs aussi, grande passion, le chien, le karaté, le piano, la muscu et le geekage. Et Valou qui dit c'est vrai que c'est bizarre ce qu'il se passe dans la vidéo du fantôme là, mais pour autant je ne crois pas aux fantômes ni aux esprits d'ailleurs. Effectivement, la vidéo est sur le Facebook encore, vous pouvez aller la voir. On va se faire le Polo contre le reste du monde. Et puis il y a Adèle également avec nous là. Adèle qui nous avait mis au défi. Enfin, vous avez pas mis au défi, on s'est mis au défi tout seul. Mais Adèle qui nous avait appelé pour nous parler de ces trois phrases qui permettent de pécho. Et ça a mieux marché chez Adèle que chez nous. Preuve en est sur la vidéo. Ça va Adèle? Salut, ça va? Et ça va, oui, et toi? Ouais, ça va. Bon, t'as vu, on a essayé, j'ai pas eu trop de chance, hein. Bah, je viens de l'entendre parce que je t'écoute tous les soirs, je travaille de nuit. Ah, d'accord. Et je viens d'entendre que t'avais fait la vidéo, je te dois un resto, alors. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai presque oublié, donc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Franchement, bon, je le redis, ça sert à rien de se répéter, mais franchement, moi, c'est vrai. Après, t'as dit que l'autre, il avait fait avec des acteurs. Bon, après, je sais pas. Mais il y en a plein qui ont fait avec des acteurs. Alors évidemment, c'est facile quand tu fais avec des acteurs ou des actrices, après, tu fais ce que tu veux. C'est comme dans un film. Après, moi, tu vois, moi, j'ai pas fait sur vidéo. Moi, je suis un simple citoyen lambda, on va dire. Et franchement, quand je le faisais, ça marchait. Après, ben, je sais pas. Si ça oh ouais, tu nous as dit que toi, t'avais fonctionné. Ouais, après, mais toi, ça après, toi, ouais, toi, tu l'as fait déjà en boîte. Alors, c'est différent en boîte. Ouais, mais comme je t'ai dit, mais je t'ai pas vu dans la vidéo, t'as fait quoi? T'es allé, mais nous, on était en rue. T'es allé comme un bourrin, tu as dit, hey, salut, ça va? J'ai trois questions à te poser. Si t'es allé comme ça, c'est sûr que ça va pas marcher. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Comment te dire? Non, désolé, non, mais ouais, je te confirme, hein, ça n'a pas bien marché. C'est... Bon, bah alors. Si tu avais des doutes là-dessus, je te rassure. Voilà. Bah, alors que Toff, lui, il a essayé une fois, il a réussi. Hein. Ouais, mais je me suis mis, j'ai mis les chances de mon côté. Ouais, c'est vrai. Ah, il a dit qu'il travaillait chez Fun Radio? Pas du tout. Bah, va voir la vidéo, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. On peut pas le dire à l'antenne. Voilà. La fin est magique. Exactement. Allez voir la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, tapez M.I.K.L. officiel. Ou alors vous allez voir la vidéo, elle est sur le Facebook, sur YouTube aussi, fatalement. Vous tapez M.I.K.L. officiel aussi sur Facebook, tout simplement. Bon, bah, Adèle, bah écoute, va voir la vidéo. Et puis on se revoit au resto. Ouais, tu t'en prends pas trop cher, je te paierai un gars. Évidemment, et même un couille que nous on n'est pas dans le détail, on s'en fout, t'inquiète. On n'ira pas dans des restaurants étoilés, je déteste ça. C'est payer cher pour manger du vent. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Bon, bah bon courage, et en tout cas, depuis que je vous écoute, j'ai pu réécouter l'autre radio que j'écoutais avant. Et j'ai pris plein de collègues à moi qui écoutaient l'autre radio et qui maintenant écoutent la vôtre. Eh bah, c'est très bien. Ils ont enfin compris qu'il y avait quelque chose de bien à écouter la radio. Ah ouais. C'est bien. Bravo, Adèle. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Et merci pour le petit défi qu'on a fait. Hein. Bon, on s'est pris. J'ai eu mal à la joue. Je t'avoue que j'étais. Désolé. Je t'avoue que j'étais quand même maudit sur le moment où j'ai pris des claques. Mais c'est pas grave. Mais comment ça se fait que tu l'as essayé toi alors que t'es en couple? Bah alors, bah non mais attends, mais comme j'ai dit, il y a une meuf qui dit ouais tu m'as fait de la peine. Non mais je comptais pas me marier avec elle. Je voulais simplement essayer, si la meuf ça allait, mais je comptais pas me marier avec elle, tu vois ce que je veux dire. Ah ok, ouais, mais oui, non mais t'inquiète. Bonne soirée et continuez comme ça, je vous kiffe. Eh bah c'est gentil Adèle, merci à toi en tout cas, à bientôt. Bientôt, ciao. Salut Adèle. Et nous avons avec nous. Ouh, ça résonne de nouveau là. Attends, on va te rappeler. Jean-François. Oui, Mickaël. Comment ça va, JF? Impeccable. Bon, attends, impeccable. Jean-François, bouge pas, je te raccroche au nez, je te rappelle parce que ça fait de l'écho. D'accord, j'étais à la télé. Oui, éteins la télé. Voilà, éteins la télé et je te raccroche au nez. Il y en a qui a éteint la télé. Je te raccroche au nez, je te rappelle. D'accord, raccroche-moi au nez, tu m'en rappelles. Voilà, allez hop, là, tout de suite. Il va accrocher, hop, là, il va couper la télé, comme c'est bien. Voilà. Et le toaster, enfin lui. Allô, Mickaël? Oui, Jean-François. Ah, moi, là, c'est la mieux, là. Tu vois des frites tout à l'heure. Comment? Des frites. Alors, je vais moi, faire des frites? Je pars sur un sujet. Ah, des frites? J'ai contacté Lydie Diana, là, qui est décédée, pour lui faire l'amour. Elle est jamais venue. Sans déconner. Elle est jamais venue. Mais tu sais que même des vivantes, elles ne viennent pas. Bah oui. Qu'est-ce que je fasse d'une mort? Eh ben, je sais pas, moi. Attends, Jean-François. Ah, il m'a tué, là. Il y a Alexandra qui voulait te parler. Putain, ça résonne de nouveau, ça me fait chier, ce standard, là. Parler. Elle me faut une femme, moi. Bah, et alors, Alexandra, elle s'appelle Alex? Oui. Ça va, Alex? Oui, ça va, Mike. Bon, depuis que je t'ai parlé, je pense qu'à toi. Oh ah oui, j'avais oublié. Ah oui, oh là là, mais moi aussi, oh là là. Évidemment, Alexandra. Alexandra, elle je te passe Jean-François. Elle pense pas à moi. C'est normal, elle te connaît pas encore, oui, Jean-François. Je pense à toi, Jean-François, mais j'ai droit de penser à plusieurs personnes. Oui, mais moi, j'essaie d'appeler Lydie Diana. J'ai tout fait. J'ai même pas fait l'amour. Et là, t'es comment, là, dans ta salle à ranger, dans ta chambre? Les fantômes n'existent pas dans la tête des gens. Oui, mais là, je te demande simplement, est-ce que tu es dans ta chambre, dans ta salle à manger? Dans mon salon, là. Je suis dans mon salon. Sur mon fauteuil. Et je me branle. Pourquoi ça t'intéresse ça de faire amour avec moi? Parce que moi, j'aimerais bien te faire du plaisir au téléphone. Ben, moi, j'aimerais ça, bien. C'est... Moi, j'ai pas gagné mes couilles, ça fait 6 mois. Ah bon? C'est moi qui suis séparé de ma copine. Ah. Oui, ben la vie des fois est pas toujours facile. Moi je veux bien qu'on fasse un mot par téléphone, j'aimerais bien. Ouais. Alors là tu es comment? Je suis châtain blanc. Il n'a pas compris. Oh, il est mortel. 1m76 pour 60 kilos. Oui, mais c'est mais ça je m'en branle. Comment c'est comment dans ton lit, dans ton canapé. Ah, je suis très câlin, je suis très câlin. Oh, il comprend pas. Il est sérieux quand même. J'aime la pénétration, mais avant je passe aux caresses. Avant de pénétrer la femme, il me faut une heure. Tous les deux. Et après, quand je la pénètre, elle jouit. Ah bah, comme toutes les femmes. Ah non, non, il a ça marche pas. Ah non, ah non, ah non, Alexandra, non. Enfin, pas toutes les femmes, mais moi, je suis très beau garçon. Tu vois, moi, j'ai déjà ma main dans ma petite misette. Comment t'habiller là? Ah, t'as vu, il tape de conversation récemment là. Comment? Pour ceux qui débarquent, c'est Jean-François. Hein, on va aller voir. Couleurs. Rose et noir. Dentelle noire. Tu me fais bander là, tu me fais bander. Eh ben vas-y, bon. Tu me branles? Elle n'est pas contrariée. Tu me branles? Ça me fait plaisir. On dira Amédée pour les anciens, ils reconnaîtront. Tu vas me faire masturber. Et moi, je me mets. Mais je me branle ou pas? Dans le mignon. Je me masturbe. Vas-y. Attends, ça fait son pantalon, son caleçon. Et voilà, je vais masturber. Et toi, tu vas jouer au téléphone? Ah ben oui, j'ai oublié, parce que alors, moi je suis bien... Dis-moi, comment tu es, toi, physiquement? Moi, je fais 1m61, et c'est pas des conneries, je pèse 61 kilos, et je fais un taux de poitrine de 90, mais ils sont en poire. Alors s'ils sont en poire... Qu'est-ce que j'aimerais bien être avec toi, là? Je ferai l'amour toute la nuit. Et puis moi j'aime le cul. Si on n'a pas le cul dans la vie, on n'a rien. T'aimes le cul, j'adore le sexe. Moi ce que j'aime bien c'est une femme qui met des collants. Mets des collants. T'as des collants là? Avec sur toi? Avec des jupes courtes. Oh oui, tu m'excites là. Je vais me faire jouir sans que je me masturbe. Et si tu veux, si t'aimes le fouet, je te prends. Faut se voir hors antenne. Bah, si tu veux, mais moi j'habite à Cannes, toi t'es loin. Oui, mais ça n'empêche pas de faire un mot par téléphone. Mais oui, mais là c'est ce que l'on fait. Comment je m'appelle dans la famille? Martinez. Et Martinez qui est l'hôtesse, c'est mon cousin. D'accord. C'est mon cousin Martinez. À Cannes. L'hôtel Martinez. Et oui, Martinez, je connais, j'y ai travaillé. Moi je croyais que c'était Martinez avec Camaro, mais... Ouais. J'étais heureuse là-bas. Oui, mais moi c'est mon cousin Martinez. Moi, je m'appelle Martinez Jean-François. Jean-François, reviens. Jean-François. Oui. C'est qui cette pute? C'est toi. Eh oui, elle est jalouse. Non, c'est Vanessa. Tu vois, tu nous confonds Vanessa. Tout le temps. C'est vas-y, Cristal. Mais Vanessa, je t'adore. Ouais, moi je t'aime pas, t'es en train d'essayer de choper mon mec. Mais tu es une grosse pute. Ouais, elle veut choper mon mec. Exactement. Elle veut te choper. C'est moi qui est en train de me masturber, j'ai jamais coupé l'envie. Ah mais continue Jean-François. Voilà. Attends, laisse-moi parler un peu avec ma chérie. Jean-François. Attends, laisse-moi parler un peu avec ma chérie. Tu l'as en main là ou pas? Je suis en érection, c'est sûr. Ah, bah, c'est... Bon, ben prends-la en main. C'est sûr. Arrête de fumer. Oh là là, mon Dieu. Tu as l'air malade. T'es malade, hein, t'as une grippe. Oh oui, il faut te soigner. Faut que je me soigne pour la grippe. Oui, parce que tu sais que Cristal est doctoresse. Oui. Cristal est doctoresse. Oui, je suis docteur, je suis nue sous ma blouse. Et me moi, c'est Vanessa qui à l'Ardèche. Oui, je vais passer. L'Ardèche, oui, là. Ah, je vais te faire... J'ai rien compris. T'es jalouse, hein. Oui, je suis jalouse. T'es jalouse, hein. Oui. Alexandra qui dit... Que Vanessa m'excite. Non, c'est Cristal. Moi, c'est Cristal. C'est Cristal. Cristal et Vanessa m'excitent. Mais moi, Vanessa, je t'excite pas. Moi, je t'excite pas. Mais bien sûr, je suis un beau gosse, hein, je suis un beau gosse. Hein. Les femmes me regardent dans la rue. Je n'ai pas dit le contraire. D'ailleurs, c'est ça qu'ils ressentent, qu'on est au téléphone. Pascal Obispo. Non, Pascal Obispo, alors, à mon avis. Hein. Non. Moi, tout à l'heure, je rigole. Franchement, par rapport à la semaine dernière, je suis dit. Les gens qui parlent de fantômes, ça n'existe pas, c'est dans leur tête. Oui, mais moi, c'est ton gros fantôme que j'ai envie de voir. Toi, t'es un bon fantôme. T'es un bon fantôme. Mais Cristal, elle est jalouse. Elle est jalouse, je suis complètement jalouse. T'as pas compris. Moi, je suis en érection. Mais bah, branle-toi. Mais Cristal, t'es jalouse. J'étais avec au téléphone. Mais branle-toi. Mais branle-toi. Arrête de nous saouler. Branle-toi. Voilà. Mais... Qui c'est Cristal, elle a envie de tout plaisir. Boire. Oui, j'ai envie de t'avaler. Comme une grosse chienne. Mais t'es une chienne. Moi j'ai envie de chienne. Oui, je suis ta comme chienne. Comme une grosse chienne. Viens me branler, viens oui, le mur. Branle-toi fort. Oh, il va être beau le mur à mon avis, j'aime bien le mur. Viens me voir. Mais j'arrive. Tu viens tout de suite. Oui, je saute dans ma voiture et j'arrive. C'est vrai. Mais évidemment. Oh, je te ferai et moi tu me laisses tomber alors, j'en veux. L'amour, on prend un bas à deux. Avec du Adidas comme aux toilettes. Là, on prend l'amour. Oh oui. L'amour. Oh oui, sous la douche. Sous la. Dans la baignoire. Oh là là, oui, j'ai envie d'y être déjà. Dans la baignoire. Oh oui. Oh. Jean-François, tu m'abandonnes déjà? Non, on s'en non, fout, continuons. T'es jalouse, t'es jalouse. Oui, les gens, mais alors vas-y. Alors branle-toi. Non. Si. Si. Parle-moi, Vanessa. Alexandra. Oui, Vanessa, on est là. Vanessa, elle est là. Vanessa, Alexandra et Cristal. Oui. Voilà. Je me branlerai quand ça me fera plaisir. Oui, mais enfin bon, Jeff, on n'a pas la nuit, hein. Si c'est comme ça, moi, je raccroche. Non, ça va pas durer. Non, si, soit tu te branles, soit je raccroche. Et on arrête de discuter maintenant. Arrête, voilà. tu te branles. Mais t'inquiète pas, Cristal, elle a rien contre moi. Non, mais moi, je suis avec toi. Cristal, je te laisse tomber pour ma copine. Ça y est, Cristal a démarré. Oui, on se fait des choses avec Vanessa. Oh, vas-y, jouis. Ben oui, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut pas compter sur toi? Tu peux pas compter sur moi. Tu non. peux plus. Non, je peux pas compter sur toi. Tu me déçois, Van. Tu me déçois, Cristal. C'est toi qui nous déçois. Hé, Cristal. Je suis trompé. Je suis déçu. Cristal. Cristal. Oui, je suis là. Alexandra. Oui. Est-ce que je peux te lécher un peu la chatte oui. et les seins? Oh, mais oui. Bouffe-moi, broute-moi le minou. Oh, mais je t'écarte bien les Alexandra. Lèvres. Ah, oui. Alexandra. Alexandra. Oui. J'aimerais te faire l'amour à toi par téléphone. Ben oui, y a pas de... Oui, mais à un moment, faut y aller, quand même. Oui, il faut y aller, chef. Voilà, faut y aller. Sinon, je te passe JB. Tu verras, c'est une grosse cochonne aussi. Non, moi, je veux Alexandra. Oui. On mais alors, là. Vas-y. Elle est là. Non. Je te trompe. Je suis en train de te tromper. Eh ben, vas-y, trompe. Putain, oh, là, pas. Là. Non. Hey. Je suis en train de te tromper, là. Oh Jean-François, on garde Cristal avec nous. C'est avec Alexandra, Cristal. Voilà. Et Cristal, t'as fait des gros plaisirs, hein. Alors, faut pas la mettre de côté. Mais j'abandonne et pas. Et là, maintenant, on mais va vas-y y aller. On va y aller. Moi, j'ai appelé Lady Diana. Mais ça fait 10 elle minutes, pas venue. Elle est pas venue. Elle est jamais venue. Oh, il pleure, ça braille. C'est dans leur tête, les fantômes. Allez, c'est dans leur tête. T'es comment, là? Les gens sont tout bizarres, maintenant. Ils sont tous foufous. Bon, JF. Oui, Cristal. Tu m'as saoulé. Oui, on te rappelle demain. Non, tu parce que là, quittes, c'est... Tu me quittes. Oui, je te quitte. Tu m'en veux. J'avance. Et vous me rappelez demain, moi? Demain. Tout le monde demain. Non, pas demain. Garde à vous. C'est que 19 cm, la mienne. Ben, c'est très bien. Allez, et garde à vous. À demain, ça se vient pas mal. Et garde à vous. Ah oui, à demain. Oui, oh là ah, mais j'étais lieutenant-chef à l'armée, mon colonel. Non, lieutenant-chef. Oui, mon colonel. Lieutenant-chef. Oui, mon colonel. Moi, j'adore les uniformes. Moi, je suis Alexandra. Enfin, oui, c'est parfait. Avec Alexandra. Bon, à demain, JF. À demain, Christophe. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Je suis fatigué. Oh, oh là là. Quelle fatigue. Oh là. Quelle fatigue. Bon allez, restez sur Fun Radio, il y a Polo contre le reste du monde qui arrive dans 3 minutes. On aura le top tweetos également, on aura le générique comme d'habitude. Et puis on va se faire le son de Rebel maintenant avec Sydney House, c'est Black Pearl. Bonne nuit sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous venez de débarquer sur Fun Radio, sachez que vous avez bien fait. Le son de Black Pearl, c'était Rebel sur Fun Radio. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Exactement, ouais. Il est 2h09 sur Fun. Il y a Titi18 qui dit oh, mais sérieux, arrêtez-le là, c'était horrible. Il y a Sofiane, mort de rire, je meurs, putain, vous êtes des cons. Et la petite fée qui dit ah oh, là là, JF est dingue aujourd'hui. Ah, il était chaud comme la braise, lui, il prend la confiance. Hein. Alan également, Jean-François et Alexandra, les meilleurs. Ouais, mais il y a un moment, faut y aller. Hein. Ah bah oui, on peut pas. Il fallait démarrer. Pourtant, Alexandra, elle faisait tout le matin. Tout le travail hein, mais JF était était JF, c'est JF. Bah oui, JF était JF, que veux-tu que je te dise. Bon, Polo contre le reste du monde, Polo against the rest of the world. Cette grande émission, bien entendu, à l'écoute, comme d'habitude, hein, à l'écoute de tout. Voilà, il suffit simplement d'appeler 01 42 48 5000, vous passez l'antenne et puis vous parlerez comme ça avec Polo, c'est parti. On y va, bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec Bastien. Bastien, on t'écoute. Oui. Bon, vas-y, le temps que tu réfléchisses, on va passer à quelqu'un d'autre. L'enrhumé. Allô. Oui, l'enrhumé. Allô, Polo. Ouais, ouais. J'appelle parce que je voulais savoir si t'as pas des mouchoirs. Non, j'ai pas de mouchoirs. Mickaël. Allô. Ah, il y a Mickaël qui vient de raccrocher. Non, mais il a le droit d'avoir des mecs qui s'appellent Mickaël. Cristal. Allô, Polo. Allô, Cristal. Oui. Ouais. Je t'appelle parce que je suis très déçu. Pourquoi? Mais parce que j'étais avec JF et il a pas voulu me faire. Ah mais c'est JF. Mais demain Cristal, arrête de pleurer. Marvin. Ouais, Polo. Ouais. Ouais, tu veux une blague courte? Non. T'es sûr? Ouais, sûr et certain, ouais. Bon bah t'as dit oui, t'en veux une autre? Bah non, je t'ai rien dit. Bon bah t'avais répondu oui. Non. Bon, t'as l'air moins con. Bon vas-y Marvin, je t'écoute. Tu veux une blague courte? Vas-y. T'en veux une autre? Vas-y. T'en veux une autre? De quoi? Du blague courte. Vas-y. T'en veux une autre? Je t'écoute. T'en veux une autre? Patient. C'est... Attends deux secondes. Marvin. Oui. C'est nul. Bastien. Ouais, Polo, qu'est-ce que tu ferais si d'un coup tout le monde autour de toi disparaissait? Bah je serais content. Je me mettrais à qu'est-ce poil. Qu'est-ce que tu ferais? Je me mettrais à poil, je courrais dans les rues. Super. Bah ouais, bah tu t'attendais à quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je te dise quoi? Bah je sais pas, quelque chose. Et bah alors arrête de me saouler là, l'enrhumer. Quoi, Polo, va te soigner, arrête de me gonfler. Arrête, écoute-moi. Va te soigner. Ma question. Quoi? Putain, est-ce que t'as des mouchoirs là? J'ai rien du tout, oh là là, monsieur le directeur. Oui, il était temps, Polo, j'ai pas y attendre. Bah, bonsoir. Bon écoutez, l'heure est grave, hein, j'ai vu les chiffres, ils sont pas très bons. Ah bon bah oui mais je vous dis la courbe des fans sur Facebook est en train de s'aplatir hein. Bah non on est à 150 millions. C'est ce que je dis, il va falloir penser à faire comme les autres et acheter des fans hein. Bah. Peu importe s'ils viennent de Tombouctou, c'est pas grave, on va les prendre hein, tant que le chiffre est là, c'est le principal. Bah on va acheter s'il faut acheter. Écoutez, vous avez... il va falloir mais à vos frais hein. D'accord, car bien évidemment, Fun Radio n'est pas responsable de tout ça et bien entendu nous ne cotiserons pas. Bah on va acheter monsieur le directeur, vous inquiétez pas, Cristal. Oui Polo. Ouais. Non mais je suis triste là. Vas-y, j'ai pas accélère Cristal là, mais bah jouis là, touche-toi grosse salope. Bah oui mais tu veux pas me faire l'amour. Eh non moi je suis pas comme ça, je suis pas un dégueulasse moi. Vas-y, touche-toi là, oh là là. Non tu m'as gonflé, Marvin. Tu sais ce que tu peux faire pour le premier avril? Non. Mettre du papier de film alimentaire. Je m'en fous Marvin. Bastien, retour. Ouais c'est nul ton activité, mais vaut faire du parapente tout seul, c'est encore mieux. Ou voler un avion de chasse, c'est bien. Mais c'est nul, Bastien, on s'en fout. Il y a plus personne, de toute façon, plus personne va extraire du pétrole, tu pourras pas rouler avec ta merde là d'avion. Bah si, comme bah ça, non. T'auras tout pour toi. Mais non. Et attends. Et imagine, tu te blesses avec le parapente là, tu fais quoi après? t'es là comme un con à moitié sur la route avec la jambe cassée, tu fais quoi? Tu peux pas te lever, tu fais quoi? T'auras l'air malin, toi. Ah ouais. Bah t'as, là, t'auras l'air malin. Bon Bastien, tu te raccroches au nez tout seul. Allez, tu fous le camp Bastien, on y va. Ah allez. Bah non. Bon alors je m'accroche, allez dégage, l'enrhumé. Monsieur le directeur. Monsieur Polo, ouais. Il faudrait que vous réfléchissiez à un slogan pour votre émission, parce que bon, il faudrait qu'il y en ait un là, Polo, certes, mais il faut trouver quelque chose quoi. Bah contre le reste du monde, c'est bien. Hein. Non, ça c'est le nom de l'émission, faut trouver un slogan, vous êtes con quoi. Le son Dance Floor. Non, ça c'est le slogan de la radio, vous allez pas prendre le même. Moi j'avais une idée. On mange pas de porc. C'est une idée également, je la garde quand même au cas où, j'en avais une idée. Ouais. C'est qui le bouffon, c'est Polo contre le reste du monde. Ah, c'est pas mal ça monsieur le directeur. C'est bien non? Bah vous m'obligez un peu là, vous m'obligez un peu la main. Non, je vous oblige pas, mais ce serait bien que ce soit fait, sinon je vous vire. Ok d'accord, Cristal. Oui, vas-y. Tu veux pas crier ton nom? Non. Crie ton nom. Polo. Allez. Polo. Polo. Oh oui, Polo. Polo. Oh oui. Polo. Oh. Polo. On continue. Oh elle m'a gonflé. Marvin. Ouais, tu connais ta maladie? J'ai pas de maladie moi. La polio. Marvin. Oui. Je t'ai lancé trois chances. Trois chances. Raccroche-toi au nez. Maintenant. Raccroche-toi au nez. Je t'aime Polo. Raccroche-toi au nez. Je t'aime Polo. Allez, casse-toi. On va conclure ce Polo contre le reste du monde. Monsieur le directeur. Il était très bien le petit juste avant là. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'était parfait. Donc bon. Alors, donc on reste sur ce slogan là. D'accord. Bon parfait. Qui c'est était qui? Donc c'est qui? C'est qui le bouffon? C'est Polo contre le reste du monde. Voilà. Si vous voulez, je participe et je fais le jingle. J'ai travaillé un peu. Et j'ai travaillé un peu le Fun Radio, le son Dance Floor ce week-end. Ah, bah très bien. Alors allez-y pour voir. Fun Radio, le son Dance Floor. Non, vous êtes mauvais. Ah bon? C'est pas ça? Ouais. Le non, son Dance Floor. Non, non, bah vous jouez au Fun pas Radio, le son Dance voilà. Floor. Bon, je vais y aller, je sais que vous avez beaucoup de travail. Fun Radio, revoir, le son Dance Floor. Ouais, oui, c'est ça, au revoir. Ok, au revoir, monsieur le directeur. Et à la blanc rhumé. Franchement, Polo, t'es vraiment enculé. C'est vrai, ouais. 3-4 chupons dans ton cul, tu seras guéri. Allez, casse-toi. Hop là, Cristal, pour conclure. Oui, Polo. Ouais. Bon, je suis déçu, hein, j'ai pas joué. Ah, mais moi, j'aime pas les cochons comme toi, moi. Oh, bah, je suis déçu. Tu crois que l'animateur après toi, il pourra me faire jouer? Ah ouais, mais lui, c'est une salope, lui. Il mange à tous les râteliers, lui. C'est vrai. Ah, Jean-Baptiste, il adore ça, Jean-Baptiste. Mais je le rappelle juste après. Allez, salut Cristal, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui ont participé et surtout merci à ceux qui ne participent pas. Et donc t'as la polio? Bah non. Mais non, moi ça a bien fait marrer. C'est nul. Ah oh, non, je trouvais ça. Ah bon? Ah oui. Bah je sais pas. Ah non, moi ça m'a fait marrer. Moi, le son Dance Floor. Ouais, non, bah enfin bon, après t'y arrives pas apparemment, c'est pas grave. Bah j'y arrive pas. Bah oui, de toute façon on a rendez-vous demain avec monsieur le directeur, je te le rappelle. Ah oui. Bon, Karim est avec nous également de Saint-Etienne là. Salut Karim. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Hein. Bon Karim, je suis désolé, on était très en retard ce soir. Ça te dérange pas si on te reprend, si on te rappelle demain 23h? Ouais, c'est quoi, y'a pas de... Bon, super. Et je peux faire une petite dédicace, ça va? Attends, on parlera de quoi demain à 23h? Ma meuf, elle veut pas que la sodomise en fait. Ah oui, bah parfait, on va commencer par ça, ça va être parfait. Je peux faire une dédicace, c'est possible? Bah, évidemment, vas-y, avec plaisir, vas-y. Adelaï, Moussa, Walid, Idir, Versus. Et à ta meuf. L'équipe, et ma pute de meuf, et allez les verts. Voilà, très bien, et allez les verts qui ont gagné hier d'ailleurs. Et oui. Salut Karim. Salut, ciao. Merci. Allez, à demain, bye bye. On parlera de ça demain, ça va être un gros, ça va être du lourd programme, ça va être parfait. Bon, il y a le top Twitter là qu'on va faire maintenant là. Je voulais juste savoir, Polo, t'es malade? Pourquoi? Non. Bah parce qu'il a pas dessiné de beat aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Merde, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce qu'il se concentrait sur le nouveau slogan de l'émission. Ah d'accord. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'étais inquiet. Bon, alors, bien. Numéro 5 du top Twitter. La petite fée. Numéro elle a pas monté donc. Hein. Numéro 4. Le Extra Gornax. Numéro 3. Maria. Numéro 2. Fred S34. Et numéro 1. Soufiane. Et Soufiane qui n'a pas encore gagné, je pense. Non. Eh bah bravo à nouveau, c'est cool. Eh bah bravo, tu repars avec un sextoy à faire part. Ouais, ça jeudesir.fr. Évidemment, et puis on va se quitter là maintenant avec attention, le générique de fin, hop là! Ferme ta gueule de merde! Quoi, l'enculé! Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi, l'enculé! T'es un culeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi! Gueule de merde, toi, l'enculé! Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé! Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée! Je vais t'enculer, toi et ta putain de mère, et après tu pourras parler! Ah, je vais faire la chatte de ta mère! Non, je vais bouffer la chatte à ta grand-mère! T'as de l'eau ou pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, bah la putain de ta grand-mère! C'est normal, JB est un enculé! Bah, je vais baiser avec ta sienne, moi! Ah, bah, tu te le mets dans l'anus! Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bitoffes, te sucer, toi l'enculé. Et aime tellement ça te faire enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh oui, merci Lou, comme chaque soir évidemment. Bon, eh ben on se retrouve demain, nous en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit, bon courage demain pour les cours. Et puis, eh ben 1er avril, on en parlera demain soir à 23h pour voir ce qu'il s'est passé. On a lancé les idées ce soir et on verra comment ça s'est passé. On sèmera les on va voir ce que vous avez semé plutôt comme idée, voir ce qui s'est passé demain donc à partir de 23h sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, c'est parti maintenant là pour cette grande émission. Ouais. Ah bah oui. Bah alors, j'ai appris quand même les gars que vous avez rendez-vous avec le sous-chef demain. Ah non. Le chef ou le sous-chef? Ah non, on a le chef, puis il y a le sous-chef qui s'est... bah, il a eu de la bouffe gratuite, donc il est venu gratter. Ah mais... donc là, réunion au sommet. Mais dans l'absolu, on avait rendez-vous qu'avec son Altesse Jérôme. Sérénissime. D'accord. Voilà, et puis après, le sous-chef est arrivé au milieu, je n'ai pas compris. Voilà. Donc voilà. Là... et grande nouvelle, l'année prochaine, ce sera peut-être même JB nos limites. Mais on va pas en parler encore. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Encore, mais commencez à tweeter. Hein. En attendant, t'as le 9-12 d'abord. Hein? Allez, on écoute Jason Derulo. C'est un secret ou quoi là? Je sais pas. Il y a pas de secret. Tu as été intronisé. Voilà, voilà, il a peur que les autres soient jaloux. Ça, ouais. Ah ouais, ouais. Et que les autres radios modifient leur programme de 9h à 12h quand ils vont savoir que JB arrive. Non, 9h à midi, c'est surtout la nuit, les gars. Parce que bon là les gars ils vont se dire la nuit on était deuxième, troisième puisque la première radio c'était Fun Radio. Là ils vont se dire bah qu'est-ce qu'on va mettre la nuit? Il va falloir travailler un gros programme pour qu'on passe première radio de France la nuit. C'est tellement important. Mais oui mais tu t'imagines pas. Ah non pas là non. Pas là voilà. Bon d'ailleurs écoutez demain matin, enfin tout à l'heure hein, en l'occurrence, à partir de 6h Bruno dans la radio puisque il va y avoir une petite surprise dans la chanson. Enfin bref, j'en dis pas plus. Voilà, écoutez. Il y a plein de surprises tout au long de l'émission. Ouais, il y en aura plein. Il y en aura plein, exactement. La France sera là, tout le monde sera là, ça va être génial. Bon, et puis ce qui l'est moins, c'est JB. Bah, du son Dancefloor, on commence avec quoi? Moi, j'ai Jason Derulo. Bah, non. Et bah, tu sais quoi? C'était pas. Et bah, c'était Magic System qu'on allait te mettre. Eh ouais, et comme tu veux pas, et bon, on le met comme pas. Tu veux pas, tu veux Jason Derulo. Allez, tu mets mon générique ce matin. Tu mets mon générique, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Ah, vas-y. Ah. Voilà, tu l'as eu ton générique. Non, mais je te déteste. Heureux. Je t'ai jamais aimé. T'en fais un autre? Dit-il alors qu'il essaie de d'embrasser tout le monde. Ouais, c'est ça. Faites-moi ouais. Des bisous, faites-moi. Non, parce que si tu veux, j'en ai d'autres, les gars. Très bien. Oh, il y a le petit mouet à la fin. Ouais. Ah non, mais attends, mais oui, mais suis-je bête? Je peux te le mettre avec plaisir. Tu voulais Magic System, c'est ça? Ouais. Attends. C'est un featuring? Non, attends, mais j'ai trouvé une version, tu connais même pas, je parie. T'es mon fan, tu dois pas connaître. Bah non, parce que. Bah, j'ai pas encore entendu. Peut-être qu'il est pas encore sorti, ouais, ça c'est possible aussi, ça. Ah bah voilà, c'est pour ça. Vas-y. Ah, y a peut-être des chances. Bon, alors attends, exclu que je le retrouve. Ouais, tout si bien, on est toujours dans les exclus, nous. Hein. Toujours au taquet de l'exclu. Alors attends, parce que putain, je le retrouve plus là, maintenant là. Je vais retrouver. Vas-y, cherche-le en attendant, je caresse Polo. Enlève ta main, toi. Eh, mais t'as vraiment un problème. Polo, non, lui, non, il est pas comme ça. Caresse le bras là, enlève ta main. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas long. Non, mais écoute, je suis en train de le chercher, mais j'ai mais l'impression, c'est quoi, j'ai l'impression que quelqu'un me l'a enlevé. Quoi, on t'a volé? Ouais, on me l'a viré. C'était quoi alors? Non, mais c'est une honte. Je suis scandalisé, on peut rien laisser dans la radio, là, tout part en couille. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé, c'est pas pour moi. Bon, regarde. c'est Dance Floor. Ça fait chier coucou un peu. Alors t'as trouvé la version originale ou pas? Bah bien sûr. C'est quoi? C'est chéri coco. Non. Attends, remets. Quel? C'est lequel? Qu'est-ce que c'était bon ce morceau? c'est vrai. Ah ouais. Comme ça au deuxième passage. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Bah, franchement, je le trouve vachement meilleur comme ça. Ouais. Moi, je trouve qu'on devrait le mettre en entier. Ouais. Bravo à Jérôme de la prod. Hein. Je trouve qu'il travaille mieux que les Magic System. Si je puis me permettre, évidemment. Alors là. Ah ouais, ouais, très bien. Bah oui. Bah oui. Non, mais bah c'est, oui. Vrai. C'est vrai. Bon, allez, on se quitte avec Calvin Harris Summer. Ah bah, c'est pas ce que j'ai. Bon, d'accord. C'est pas ce que quoi ? Non, mais comme j'aime bien le pain, on peut écouter le pain Harris, Calvin Harris. Oh putain, on est le 1er avril, oh là, ça va, allez, on a le droit. Enfin bon, le problème, c'est que tu fais tout ça. Bon, allez, vas-y, soir, ça va. Là. Bon, allez, générique de JB, on se barre, ciao. When I met you in the summer, to my heartbeat sound.